J'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël, nos limites durent longtemps, qu'il continue à nous faire rire, et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou de vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Mickaël, limite. De 20h à minuit, sur Fun Radio. Exactement, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne journée à l'écoute de Fun. Et puis j'espère que vous avez passé une bonne journée en vacances, surtout pour ceux qui sont encore en vacances. Désolé pour les autres, évidemment. Bon, vous n'avez pas traversé une faille spatio-temporelle, rassurez-vous. Il n'est pas 23h pendant les vacances. Et oui, on est là de 20h à minuit. Mais rien ne change, évidemment. On parle toujours de ce que vous voulez. Il y a d'ailleurs Tom avec nous maintenant de Verdun. Salut Tom. Salut Mickaël, salut Polo. Comment ça va? Salut. Ça va très bien, je dis même pas salut à toi d'ailleurs. Ouais bah t'as raison, en même temps il est pas encore là, il est aux chiottes. Ouais. Ah bah d'accord. Ouais il a raté le début, ouais. Bon écoute ça arrive, hein, comme quoi tout arrive. Bon Tom, t'as passé une bonne journée, t'es en vacances toi ou pas là? Non pas encore, j'y serai vendredi. Ah d'accord, ok, deux semaines de folie à suivre, ouais. En attendant. C'est bien parce que du coup toi t'as gratté le lundi de Pâques en plus. Ah, exactement. Du coup t'as une petite semaine pépère de 4 jours et après hop là pépère pendant 2 semaines de congé à la cool. Ouais plus mais il y aura le 1er mai aussi pour les autres. Oui c'est vrai, oui c'est vrai, on en avait parlé hier en plus, il y avait le 1er mai. Bon du coup tu nous appelles pourquoi toi Tom? Eh ben je vous appelais pour faire un petit bonjour. Ah bah salut Tom. Mais t'es un doux toi, salut, tu veux pas devenir un vrai doux officiel? Oh pas maintenant si. Ah bah comme tu veux, on l'a fait hier, on l'a tu fait choisis, hier aussi, c'est mais... Pas, c'est pas toi qui choisis Tom, bah, ça va c'est pas ça, ou quoi? Attends, tu veux ou tu veux pas? Eh bah allez. Bon allez, attends, je te repasse Polo. Bonsoir jeune doux. Mais salut Polo. Bonsoir, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Tom. Tom, quel âge as-tu? J'ai 12 ans. Eh bien écoute, pour l'instant ça se présente bien pour ton pour être adoubé en tant que doux. Je rappelle que les doux sont les auditeurs de Fun qui n'ont pas encore mué. Qui ont moins de... Ouais voilà, qui ont pas mué, surtout qui ont moins de 15 ans et qui sont doux. Est-ce que tu as la peau douce? Mais exactement. Tom, insulte-toi. Mais je suis con. Encore. Mais je suis con. Encore. Mais je suis con. Encore. Putain, mais je suis con. Allez, mets-toi à genoux. C'est fait. Tom, prends ton téléphone et tape-toi sur la tête, on y va. Encore. Bravo Tom, tu es officiellement un doux. Bravo. Ouais. Voilà. Eh ben une bonne chose de faite. Et tu es rebaptisé chaton qui marche sur la braise. Qu'est-ce que c'est que ces noms à la con? Je rebaptise des noms de guerre. Chaton qui marche sur la braise. Tu es rebaptisé Tom, bravo. Eh ben voilà, très bien. Bienvenue chez les doux. Tiens Tom, t'as envie d'écouter un son tout à l'heure là? Ouais, le nouveau Deoro, 5 Hour. Ouais, nouveau Deoro. Alors attends, Deoro, il est où? Il est là. Voilà. Ah, j'adore ça. T'adores ça? Bah très bien, on va te le mettre tout à l'heure. Avec 5 Hour. Bah bien sûr, bah hey, je te rappelle qu'en tant que doux officiel, tu as même le droit de faire deux dédicaces, ce qui est quand même exceptionnel. Et bah, exceptionnel. Fais une dédicace à mon ami Thomas Arnaud, et fais une dédicace aussi à Fion qui se reconnaîtra. D'accord, ok, très bien, bah on l'embrasse, y'a pas de problème. Bon bah du coup, salut Tom, hein, tu reviens quand tu veux. Hein. Eh ben exactement, salut. Salut à toi. Ah ouais, tiens, juste un détail, encore un truc là. On a fêté, on en parlera tout à l'heure, on a fêté les 25 ans de la Game Boy. Ah. C'est quoi ta console préférée, toi? La PS4. PS4, d'accord, ok, très bien. Bon, bah, on en parlera tout à l'heure, hein. Vous nous direz quelle est votre console préférée, on en parlera tout au long de l'émission, il n'y a pas de problème. Bon, bah salut Tom, à bientôt. Hein. Salut Mickaël. Bon, allez, ciao à toi. Et puis comme je le disais, hein, rien n'a changé dans l'émission, hein, pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter de 23h à 2h du mat, eh ben on est là toute la semaine de 20h à minuit. Sandro décroche le téléphone, comme d'habitude, elle est là. Ah oui, je suis là. Voilà, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. On parle donc de ce que vous voulez, vous passez par Sandro, Toff qui évidemment appelle encore des amis afin de leur demander leurs avis sur tout et n'importe quoi. Tu vas commencer à leur casser les couilles longtemps, espèce d'enculé là. Voilà. T'es enculé, gros connard. Bon bref, beaucoup d'enculés dans une seule et même phrase. Oui, mais général. Toujours des gens charmants. Toujours. Et Polo, comme vous avez pu le remarquer, qui dirige l'armée des doux d'une main de fer. C'est ça. Une main de fer dans un gant de velours. Totalement. Donc, si vous voulez participer à l'émission, comme je le disais, vous êtes les bienvenus. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Attention également, cette semaine, si vous voulez balancer vos hashtags, vos messages avec le Twitter, vous mettez le hashtag MIKL20H00H. Voilà, pour dire 20h minuit. Comme on est là de 20h à minuit, autant que tout le monde soit au courant. Donc vous mettez hashtag et Mickaël 20H00H. Et tout à l'heure on fera le top tweetos et on offrira un magnifique sextoy offert par passagedudésir.fr à celui ou à celle qui aura été la plus ou le plus influent sur le Twitter de l'émission, qui aura en somme balancé un maximum de messages avec le hashtag et Mickaël 20h minuit. Voilà, il y a Yass aussi qu'on salue sur le Twitter qui dit une bonne soirée commence avec Mickaël. Kiss à toute l'équipe. Bah salut Yass et merci d'écouter Fun. Eric également qui dit puisque Polo a créé l'armée l'armée des doux, je propose que Toff fasse l'armée des mous. Et Lydie aussi, salut, c'est parti. J'avais hâte d'être là. Bah oui, moi aussi j'avais hâte d'être là, tu vois. En plus c'est bien 20h minuit parce qu'il fait encore clair du coup, tu vois. Ouais. On est là, on peut écouter l'émission en bronzant et tout, c'est cool. On n'a pas l'impression d'être des vampires. Non, ouais, c'est vrai, on est un peu blanc notre. Hein. La fratrie Elba qui nous salue, bah salut à toi la fratrie Elba. Et il est ouvert aujourd'hui au moins. Bah aujourd'hui oui, je pense qu'il est ouvert, ouais. On a été faire l'émission dimanche en direct de la fratrie Elba, c'était à Charleroi. Et Amaritao Taios sur le Twitter qui dit oh yeah, merci Mickaël de me follow. Écoute, avec plaisir, je vous rappelle que si vous me suivez sur le Twitter ou sur l'Instagram, eh bien je le ferai également. Donc si vous allez, vous tapez Mickaël officiel sur Twitter et sur Instagram, vous me suivez et je vous suivrai aussi. On se followera mutuellement comme ça. Et puis Sophie aussi, bonsoir Lydie, Eric, Kali, l'équipe de Mickaël No Limite, je serai là à 21h, ça va être super. Ah oui, c'est bien Sophie, sauf que tu vas rater une heure. Ouais. Comme ça, si tu remarques, hein, comme ça quoi. Je vais vous mettre le post également dans quelques minutes sur le Twitter, sur le Facebook et le Twitter pour savoir quelle est votre console préférée. Toff, c'est quoi ta console, toi? Bah moi j'aime bien la Xbox. La Xbox One? Non, la 360, j'ai pas de brouette moi encore. La 360, Polo. La Atari, la première noire avec les petits avec ping-pong. Avec ping-pong. Elle a la classe. On va poser la question à Sandro. Ta console de jeu préférée, Sandro? Ah, moi c'est la Wii pour faire du sport. Ouais. Tu peux me dire merde hein, si tu veux. Hein. Ouais, je joue pas en fait. Ah bah d'accord, ok, bah dis-moi merde alors. Non, mais c'est ce que simple. J'avais acheté la petite blanche là, portable. La petite, la Game Boy. Non, oui, ça, il y a des années, la oui, PS, à l'époque. La PS non, Vita. Dans les dernières là. La une PS blanche, Vita. Là, oui. Une petite là. La PS Vita. Portable, non. Non, la DS3. La DS. Ah, une DS, voilà. La DS, voilà, d'accord, ok, très bien. Bon, bah dites-nous les autres, hein, vous allez nous dire ça dans quelques minutes. On a également Ewan. Ewan ou Evan ou Erwan? Evan. Evan, d'accord, avec un W. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Bon bah alors Evan, alors très bien. Eh bah bienvenue Evan, t'appelles des Landes, nous faire toi rire, et bah je sais pas, mais toi, par contre, n'oublie pas que j'ai le chrono encore et que tu peux retourner au coin à tout moment. Et moi il n'y a pas été hier. Non, mais j'ai juste remarqué. Pour kiffer et pour le punir. Pas au début, après il va s'emballer. Ah, ce salopard, moi je le punirai. Ouais, mais pas au début, après il va s'emballer, mais je le garde pour tout à l'heure. Bon, Evan, c'est quoi ta console préférée toi? La PS3. La PS3, d'accord, ok, très bien. On fait le petit sondage hein, pour savoir. Bon alors Evan, t'avais une colle à poser pour que tu puisses peut-être repartir avec 200 euros, histoire d'aller faire les boutiques, des bons d'achat de psychopathes qui sont valables dans des centaines de boutiques hein, donc vous avez largement de quoi faire. Evan, attention, on y va, on joue maintenant. Tu vas poser une question, tu vas poser une colle. Si quelqu'un a la bonne réponse, il suffit qu'il réponde. S'il passe à l'antenne, il gagne et tu perds. Si personne ne trouve la bonne réponse, ou que la personne, qu'on appellera tout à l'heure au hasard, ne décroche pas par exemple, tu gagnes, d'accord? D'accord. Allez, c'est parti, fais péter la colle, on t'écoute. Je n'ai pas les mains dans les poches, mais on m'attribue un empire. Qui suis-je? Je n'ai pas les mains dans les poches, mais on m'attribue un empire, c'est ça? Oui. C'est pas toi qui l'as trouvé ça, je parie que t'as regardé sur internet. Non. Non, c'est toi qui l'as trouvé. Non, je l'ai inventé tout seul. D'accord, ok. Je n'ai pas les mains dans les poches, mais on m'attribue un empire. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez Mickaël et la réponse, envoyez ça au 64900 par SMS, au 6322 depuis la Belgique, toujours par SMS. Et dans quelques secondes, je vous la colle sur le Facebook de l'émission. Vous allez pouvoir la lire comme ça, vous allez même pouvoir y répondre. Et donc peut-être aussi repartir avec ces 200 euros en bon d'achat. Vous allez donc pouvoir les dépenser un petit peu partout. Vous allez voir, ça va être la folie totale. Si vous voulez tenter votre chance, eh bien facebook.com/mikaelofficiel. On donne la réponse à la colle avant 22h30. Evan, on te récupère plusieurs fois tout au long de l'émission, d'accord? D'accord. Bon, allez, à tout à l'heure, Evan. T'es en congé toi déjà ou pas là? T'es en vacances? Ouais. Tranquille, tu viens de commencer les vacances là? Non, moi je vais les finir là. Lundi je prends les cours. Oh là là là. Je vais là, les là, finir, c'est le mec, il lui reste encore quasiment toute la semaine, mais ouais. Ah, c'est la fin là, bon, c'est dur. On est que mardi, hein, t'emballes pas. Bon, on te récupère tout à l'heure, Evan. Bonne chance pour la colle et les 200 euros à gagner. Et puis on va prendre également Marvin dans quelques minutes. T'as envie d'écouter un son particulier, Marvin de Charleville? Dimitri Vegas, Dimitri Vegas. Ah, si tu veux, j'ai le nouveau. Le Dimitri Vegas avec Martin Garrix, Tremor. On l'avait passé jeudi, écoute. Oui, je m'en souviens. Ouais, celui-là, il est pas mal. Ouais, il est bien celui-là. On va te mettre ta main. Ouais, on part avec celui-là. Et ben voilà, on part sur celui-là, le nouveau Dimitri Vegas avec Martin Garrix. Ce sera Tremor. Et on le passera tout à l'heure sans aucun problème. Alors, sinon, j'ai aussi Mr. Probs qu'on vous passera tout à l'heure. On va te chiller, tiens, on va se mettre dans quelques minutes celui-là, tiens, j'ai envie de le mettre en début d'émission. Ouais, voilà. Parce que là je dois chier donc. Ouais, merci. Mr. Probs avec Waves, Hero Siva, Jean Laser, avec Shana Paul, Come to Me. Et puis ça fait longtemps qu'on l'avait plus mis dans l'émission, tiens, Daft Punk. Ah ouais, c'est pas mal. Instant Crush. Ouais. Et il a Fritri Alba qui dit salut à tous. Oui, aujourd'hui c'est open, il faut travailler pour payer les papiers. Bah ouais, c'est clair. Eric aussi, ma préférée, c'est la Super NES en jeu vidéo. Et Nicolas qui dit moi, c'est la Xbox One, ma préférée. Et alors Jonathan aussi qui dit coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous écoute depuis 3 mois, même si je suis pâtissier avec mes horaires, c'est galère. Mais j'essaye de vous suivre au maximum. Bah c'est gentil, Jonathan. D'ailleurs, je suis déçu que notre pâtissier officiel m'ait pas ramené un gâteau d'anniversaire. Ah c'est oui, vrai. C'est vrai, c'est honteux. Ouais. Il aurait pu m'amener un petit. Comment on appelle ça Gâteau. Non, pas un... Oui, aussi, mais merde, comment on appelle ça un macaron. J'aime bien, c'est un macaron vanille ou un truc comme ça, j'adore. Avec une petite bougie dessus, ça aurait été au top. Aurait été parfait. Mais je vois qu'on ne peut pas compter sur eux. Non, c'est honteux. C'est quand même malheureux, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Bon, allez, on parle des consoles de jeux vidéo. Donc, votre préférée, quelle est votre console préférée? Moi, sur celle où je me suis marré le plus, ça reste quand même. Bon, ça date, hein, tu me diras, mais ça reste la Mega Drive avec Sonic. Qu'est-ce que j'ai passé comme heure là-dessus? Bon, sinon, il y a la PS3 avec FIFA, évidemment, mais je veux dire, sinon, là, en termes d'heures. Et puis il y avait la Nintendo aussi avec Super Mario. Ouais. Ah putain, j'y suis allé au bout 15 fois de ce truc là. Au bout de 15 fois de Mario et de Sonic. Bon bah dites-nous encore, hein, donc quelle est votre console préférée. Vous nous appelez puisque c'est les 25 ans de la Game Boy. Eh ouais. Ah ouais, 25 ans de la. Putain, j'étais même pas né. Ouais. Ah c'est ça ouais. C'est fou. Non, on était pas né. Non, j'étais pas né. Ah ouais, toi, ouais, toi, ouais, toi, non, toi. Ouais, parce que moi j'en ai eu une de Game Boy. Ah ouais, bah ouais. Ouais, ouais. Non, mais moi aussi, mais après, tu vois, c'était celle de. Ouais, la Color déjà. Oh, ouais, voilà, oulala, c'était la vintage. Donc 25 ans pour la Game Boy. Et puis bah donc appelez-nous, voilà, n'hésitez pas, on en parle ce soir. Marvin, toi, c'est tu m'as dit quoi la console préférée toi? Moi j'ai rien dit. T'as rien dit, bah voilà, bah, tu vas pouvoir me le dire. Eh, fais pas le malin Marvin. C'est quoi ta console préférée? Non, bon, on déconne. PS3, c'est quel jeu tu préfères? Moi c'est Call of Duty, principalement FIFA, Battlefield. Et FIFA t'arrives à bien gérer ou pas? Bah FIFA, je m'inscris sur des sites justement pour pouvoir faire des compétitions. Ah ouais, monsieur se la ramène. Battlefield c'est quoi? C'est des couturiers qui se font des batailles avec des aiguilles. C'est ça ouais. Non, Battlefield. Non, t'aimerais bien ça Polo. C'est un Call of Duty mais en un peu plus développé quoi. D'accord, parce que Polo se prend pour Call of Duty hein. D'ailleurs on remercie quelqu'un de la radio qui nous a ramené un nouveau flingue de psychopathe. Un sniper nerf. Voilà. Il est énorme, il est plus grand que Toff. Ouais, il est plus grand que Toff, c'est pour vous dire. Bon bah dites-nous quelle est la console préférée. Marvin, tu reviens quand tu veux, tu n'hésites pas, tu préviens tes potes, on est là de 20h à minuit toute la semaine. D'accord? Ça marche. Bon bah salut hein, Marvin. Ciao à toi. Allez, à la prochaine. Allez, à bientôt, ciao. Tout à l'heure on fera également le célèbre la rupture. Bah oui, il va y avoir une rupture. Il y aura rupture. Eh bah il y aura rupture, je vous le confirme. Si vous voulez participer d'ailleurs, je vous explique comment ça se passe dans quelques minutes. Bon, je vous l'avais promis, le son de Mister Probs, il va arriver avec Waves. C'est sur Fun Radio que ça se passe, il est 20h13, c'est Mickaël No Limit, on est en direct jusqu'à minuit, prévenez vos potes et n'oubliez pas ce soir, comme toute la semaine, hashtag MIKL20H00H, hashtag MIKL20h minuit. Pendant que le doc sauve des vies, que Karima sirote des cocktails à Miami, et que Karel se repose en Normandie, Mickaël est là. Mickaël. 20h minuit, Mickaël No Limit, sur Fun Radio. Fun Radio. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Si hier soir, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre coup, vous avez raté ça. Bon, tu nous appelais pourquoi, Jeanne? Alors moi, j'ai un pote. Ouais. Il s'est fait virer du collège pendant 2 jours. D'accord. Parce qu'il a pété sur un surveillant. Ah, c'est bon, ça. Bah, je voulais savoir sur quel site porno vous allez, monsieur. Sur celui de ta mère. Direct quand elle s'est prendre par un cheval. Ah oui. Pas celle-là. Non, je me souviens pas. Ça, mais franchement, comment elle s'est fait défoncer le tour du cul. Mickaël No Limit, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter et tous les soirs en live. Sur Fun Radio. Exactement, 20h15 sur Fun. Allez, comme ça, si vous avez raté l'émission d'hier, vous savez ce qui s'est passé. Et autant dire que ce soir, ça va encore être violent. Il y a Jonathan qui dit si vous passez à Lyon, je vous ferai des fondants au chocolat, c'est ma spécialité. Ah bah écoute, avec plaisir, on vous dira quand on passera à Lyon. Mi-mai, on sera également à Toulouse. Voilà, je vous annonce comme ça, on va passer une petite soirée là-bas à Toulouse normalement. Je vous tiendrai au jus. Et JB également qui dit vous écoutez en buvant une bière sur la terrasse au soleil en Angleterre, quoi de mieux? Oui, oui, du soleil en Angleterre. Et ben. Ah bah heureusement que tu précises, JB. Hein. Waouh, putain, du soleil en Angleterre. c'est la folie. Bon, je rappelle qu'il y a toujours, il y a toujours les 200 euros en bon d'achat à gagner avec la colle d'Evan. Donc, je n'ai pas les mains dans les poches, mais on m'attribue un empire. Qui suis-je? Vous pensez avoir la bonne réponse? Eh bien, maniez-vous et rejoignez-nous sur le Facebook de l'émission. Tapez facebook.com/MIKL officiel. En gros, vous tapez MIKL officiel sur le Facebook, c'est aussi simple que ça. Et puis, donnez-nous encore vos avis sur vos consoles préférées. C'est les 25 ans de la Game Boy. La Game One, de la Game Boy aujourd'hui, donc, et on veut savoir quelle est votre console préférée. Voilà, vous nous dites pourquoi aussi, et d'ailleurs, vous envoyez tous vos messages et vous nous appelez au 01 42 48 5000 ou au 02 851 4 x 0 20h16. Pendant que peut-être justement, vous êtes en train de, pas bronzer, mais avec coucher du soleil, pépère, vous êtes bien là. On va se mettre tranquille justement, on va chiller maintenant dans Mickaël No Limit avec Mister Probs, c'est Waves sur Fun Radio. Ah, on s'est mis bien là, on s'est mis bien. Mister Probs avec Waves sur Fun Radio. Bonne soirée, il est 20h20, c'est Mickaël No Limit en mode 20h minuit. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Oui, bon là je me suis trompé d'horaire, mais dans l'absolu c'est effectivement 23h, 2h et ce soir 20h, minuit. Et bonne nouvelle, hier, bon, il y a presque 24h, on s'était mis bien, puisqu'il y avait toute la team Playboy qui était passée nous déposer des petits œufs au chocolat, des sous-vêtements Playboy. D'ailleurs, bonne nouvelle, j'ai négocié, je pourrai demain vous en offrez. Alors si soit c'est pas demain, ce sera jeudi, des sous-vêtements Playboy. Ah, c'est cool ça. Comme on en a eu d'ailleurs, vous avez pu voir les photos. Et la vidéo, je viens de vous la mettre en ligne sur le Facebook de l'émission. Si vous voulez aller voir, tapez facebook.com, puis vous tapez Mickaël officiel dans la recherche évidemment. Vous faites un like sur la page tant qu'à faire si vous n'êtes pas encore fan de la page. Et puis si jamais vous avez directement envie d'aller voir sur YouTube, eh bien vous pouvez le faire aussi. Vous tapez Mickaël officiel, venez rejoindre la chaîne YouTube de l'émission. Vous tapez donc Mickaël officiel et puis comme ça vous allez pouvoir voir la vidéo. Vous pouvez pas la louper, il y a le lapin Playboy en ouverture. En ouverture, il y a le lapin de Playboy, vous pouvez pas rater la vidéo. Je vous l'ai mise, allez la voir. C'était la venue hier donc de Jérémy et de Stéphanie en mode très sexy. Ah ou très très. Voilà, et vous pourrez voir en mode non sexy, enfin anti-sexe. Ouais, anti-sexy de Toff au milieu entre les deux, ça a fait tâche. C'est pour ça qu'on a mis le warning. C'est pour le warning, effectivement. Bah, on effectivement. A été obligé. Bah, complètement. C'était une question légale, quoi. Ah bah oui, on pouvait pas laisser ça à la vie de tout le monde. Je confirme. Voilà, donc la venue de Playboy, c'était hier. Et la vidéo, c'est ce soir. Allez voir. Tapez donc Mickaël officiel, YouTube et Facebook, et vous verrez ça directement. Il y a Fan de Fun qui dit en jeu, moi, c'est Mario Kart, on s'en lasse pas. Attention, on est sur les consoles, Fan de Fun. Quelle est votre console préférée? Il y a ObelixM qui dit ma console, c'est la Master System Sega. Wow. Paolo qui dit un message de bienvenue. Bah oui. Tu vas commencer à casser les couilles longtemps, espèce d'enculé. Voilà, bienvenue à toi. Il y a quoi aussi comme message? Coucou, un petit coucou et bon anniversaire à Vanessa et Laroche. Merci l'équipe, bon anniversaire à eux. Enfin, elle en l'occurrence. Alex qui dit, moi c'est la DS, comment je rigolais bien sur Mario Kart. Et alors JB qui dit, Microsoft au sommet de son art avec la Xbox 360 et la One. Bah alors Toff, effectivement, il est fan de la 360. Bah c'est parce que j'ai pas encore de One. Hein, mais oui, il a pas encore la One, c'est voilà, vrai. C'est pour ça. Ouais, ouais, mais qui mais sait. Dès que j'aurai la One, je vous dirai si bah, j'imagine, mieux. J'imagine. Bon, entre temps, vous nous appelez hein, pour parler de ce que vous voulez. Il y a Thomas avec nous également là de Morlaix dans le Finistère. Salut Thomas. Salut. Comment ça va? Ça va bien et toi? Bah oui, t'es en forme Thomas? Ouais, tranquille. Tranquille, bah tant mieux alors. Tranquille pépère. Bah ouais, c'est ça. C'est quoi ta console préférée toi? La PS3. La PS3, c'est quoi ton jeu préféré? BO2. C'est quoi? Black Ops 2. Black Ops 2, d'accord. J'ai BO2, j'ai qu'est-ce qu'il me raconte? Black Ops, oui. D'accord, ok. Genre t'as fini ou pas? Hein? T'es à la fin là ou pas encore? Non, là j'ai fini le jeu là. Ah d'accord, ok. Boring, non, combien de temps t'as mis? Ouais, en combien de temps, c'est ça la question? Bon, en moins d'une semaine. Ah ouais, ça va, putain. Ah ouais, putain, non mais ça fait cher le jeu pour jouer qu'une semaine. Ouais, mais normalement tu sais, les mecs ils sont super bons et tout, ils y arrivent genre en 3 heures. Hein. Ouais, non mais je sais bien. Il y a Freestyle. De quoi? Joue en ligne. Ah, tu joues en ligne, d'accord, ok. Ouais. Il y a Freestan qui dit ma console préférée c'est la Nintendo 64. Ah bah là on jouait pas en ligne. Hein. Lydie aussi, moi c'est la 360. Il y a Jojo qui dit moi c'est la Game Boy Color. Et Fan de Fun, j'adore la Xbox One. Pour ceux qui ont eu la chance de déjà la tester évidemment, puisqu'elle est pas forcément facile à trouver pour l'instant encore. Pareil pour la PS4 d'ailleurs. Et toi t'as quoi comme console, la PS3 là Thomas? Hein? T'as la PS3 toi? Ouais. PS3, d'accord, ok. Tu vas passer la 4 plus tard ou pas? Non. Non, bah oui, t'as raison. Voilà, PS3, c'est la meilleure. Bah oui, évidemment. Et puis attends, il y a Baptiste aussi qui est avec nous. En tout cas, c'est là où il y a le plus de jeux. Parce que la PS4, je me suis quand même bien fait baiser pour l'avoir. Sans se figurer, bien sûr. Non, mais il y a 4 jeux, quoi. Comme toutes les consoles qui sortent. Ah ouais, mais enfin bon, ils pourraient faire un effort. Enfin, je sais pas, moi, tu sais, tu sors sur la nouvelle console, t'as un minimum de jeux, là, il y en avait deux qui se battaient. Ouais, mais c'est parce qu'en plus, tu peux pas reprendre les vieux, les jeux de la PS3, ils vont pas dessus. Ça, c'est vraiment la plus grosse enfume. Ils auraient pu faire un truc qui soit compatible avec les anciens jeux, quitte à ce que les graphismes soient évidemment moins terribles. Voler-les. PS4, putain, PS3, et en fait, chaque fois que tu changes de console, tout est à recommencer, quoi. Putain, c'est relou. Bon, Baptiste, toi, t'appelles de Moulin dans l'Allier, ça va, Baptiste? Salut, Michael, c'est mieux. Excuse-moi. Bah non, mais je t'en prie. Baptiste, c'est quoi ta console préférée, toi? Moi, c'est la Xbox 360. 360, et ton jeu préféré? Call of Duty Black Ops 2. Ah, d'accord, parce que Toff, il cherche désespérément des mecs qui jouent sur des jeux de bagnole. Les courses de bagnole, avec plaisir. Ouais. Tu vois, moi, Call of Duty Ghost, pour moi, c'est vraiment de la merde, mais véridique. Hein. Ah bon, pourquoi? Ah, le jeu en réseau, c'est vraiment nul à chier. La campagne, j'ai rien compris. C'est vraiment trop. Ah oui, c'est parce que t'es pas doué, ça. Je suis vraiment bien. Je suis vraiment doué. D'accord. Bon, moi, je joue parfois à FIFA en réseau, mais que sur l'iPhone et l'iPad parce que c'est plus facile pour transporter. J'ai eu la chance d'avoir la Xbox One. Donc, tu vois, je l'ai testé. Et voilà, je me suis remis sur la 3.6 parce que franchement, elle est nulle à chier, la Xbox One. Ah ouais, d'accord. Et là, je l'ai mis en vente sur le bon coin, tu vois. Ah, écoute, à combien tu la vends? Parce que toi, t'es peut-être intéressé. Ouais. Je l'avais à 480 parce que je l'ai acheté 532. Ah oui, bah non. Donc, ah ouais, bah ouais, dis donc. Ouais, bah enfin, c'est de l'occasion quand même. Allez, je t'en offre 200. En bon d'achat. Ils vont te donner un t-shirt. Ouais, et un t-shirt dédicacé par Toff. Et non, regarde, j'ai mieux. Le boxer Playboy qu'il a mis hier. Voilà. Déjà porté, mais jamais lavé. ça t'intéresse pas? Non, mais Tom, j'ai bien son meilleur pack pour jouer avec lui sur 3-6. Bah ouais, mais il joue pas sur des jeux de combat, c'est des jeux de bagnole. Je suis trop mauvais là. Tu joues sur quoi, toi, Toff? De quoi? Le jeu de bagnole? Sur Need for Speed, l'avant-dernier. D'accord. Dans Need for Speed, donc si vous l'avez, vous pouvez le trouver. Il adore, il passe son temps à jouer au truc avec les fruits là. Ouais, mais ça c'est sur. Non, c'est pas avec les fruits, c'est Candy Crush. C'est Candy Crush, ouais. Pardon, ouais. C'est pas sur la console. Bon, bah merci Baptiste et Thomas d'être passés. Vous revenez quand vous voulez. Nickel, merci, à plus. Salut, ouais Thomas. Oui, j'ai un pote, mes deux potes à moi, ils m'ont dit que Toff était un gros con. Oui, mais ils ont raison. Hein. Mais c'est ça, je peux rien leur dire. Il s'appelle Nathan et Melvin. Eh ben ils ont bon goût, voilà, tu peux leur dire qu'ils ont totalement raison et qu'ils iront loin dans la vie. Ouais. Très loin, oui, complètement, ouais. Bon, une dédicace, s'il te plaît. Bien sûr, vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. Une dédicace à la TZR, notre team sur Black Ops 2. Très bien, eh ben on embrasse tout le monde et tu les as prévenus que tu passais sur Fun ce soir? Bah oui, t'inquiète. Ah, parfait. Bon, salut Thomas. Ouais, salut. Allez, ciao à toi. Et continue à nous dire quelle est votre console préférée. Et nous allons également dans quelques minutes faire les premiers appels avec Toff. Et oui, premiers appels avec Toff, puisque nous sommes encore une fois tombés sur quelque chose de très très bon. Comme tous les mecs, vous croyez qu'avoir de gros seins, évidemment, pour une fille, c'est génial. Apparemment non. Il y a une blogueuse. Il y a une blogueuse qui a fait la liste des 10 points négatifs quand on a des gros seins. Apparemment c'est pas vraiment la folie. D'ailleurs, venez nous le dire aussi les filles, si vous avez des gros seins, est-ce que c'est vraiment chiant à ce point-là? Parce que bon, on sait que c'est lourd évidemment, mais est-ce que c'est vraiment pénible voir tous les mecs obsédés qui ont une langue jusque par terre en train de baver, quoi? Ou alors les mecs qui te regardent pas dans les yeux parce qu'ils ont les yeux dans le décolleté, voire même le nez, la tête et tout ce qui va avec dans le décolleté. Appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon, les mecs, je pose pas la question. Hein, parce que la majorité vont dire oui, on préfère les gros seins. Il y en a aussi qui préfèrent les plus petits, évidemment. Mais la majorité, je pense, va dire qu'ils préfèrent les gros. Quand je dis les gros, c'est pas forcément du E ou du F, mais un petit C, quoi, CD. Moi, je prends ce qu'il y a. Si on en a pas, même si c'est à l'intérieur de la meuf. Mais après, c'est parce que t'es en chien, comme toi. Mais je veux dire, moi, si c'est un mec, je prends. Voilà. Donc elle disait en fait qu'il fallait arrêter de croire qu'elle aimait ses seins et il fallait arrêter d'imaginer à quoi ressemblait sa poitrine quand elle est nue. Ouais, parce qu'il y en a plein qui imaginent aussi. À quoi ça peut ressembler? Est-ce qu'elle a des gros tétons, des petits, je ne sais pas. Ah oui, mais c'est clair, moi, c'est dès que je vois une meuf. Ça m'étonne pas. Même si elle a des petits seins, je sais, j'essaie de l'imaginer à poil. Mais ça m'étonne pas. Arrêtez de croire aussi qu'elle veut une réduction mammaire. Arrêtez de croire qu'elle aime attirer l'attention. Arrêtez de croire qu'elle n'aime pas parfois attirer l'attention, c'est l'inverse. Arrêtez de croire qu'elle se sent chanceuse, parce qu'il y en a plein qui ont des gros seins et qui veulent les enlever, justement. Et alors, arrêtez de croire qu'elle a envie d'entendre pourquoi avoir une petite poitrine, c'est mieux. Alors, elle dit aussi que c'est plus simple aussi pour s'habiller d'avoir des petits seins que des gros seins. Ça, je veux bien la croire. Arrêtez de croire qu'elle peut pas sortir sans soutien-gorge. Et arrêtez de croire aussi qu'elle peut se permettre des commentaires sur son corps. Je sais que j'ai des gros seins, je n'ai pas besoin de savoir ce que vous en pensez. Voilà, donc en gros, c'est ce qu'elle disait par rapport au gros seins qu'elle a, justement. Et pour avoir vu la photo, effectivement, elle en a, quoi. Alors, elle est bien fournie, en effet. Ouais. Donc, dites-nous, les filles, est-ce que c'est vraiment une galère d'avoir des gros seins si vous en avez? Si vous en avez des petits, est-ce que vous voulez des gros? Et si vous avez des gros, est-ce que vous aussi vous voulez des petits? Voilà. En gros, on n'est jamais content de ce qu'on a. C'est ça. Voilà. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Tout le temps. C'est ce qu'elle dit aussi, d'ailleurs. Donc, vous nous appelez 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Bah, Tof, tu proposes qu'on appelle des gens dans quelques minutes pour que tu leur demandes s'ils ont des gros seins? Si leur femme a des gros seins. Si la femme a des gros seins, oui. Parce que les hommes, au final, je m'en fous. Oui. On fait ça dans un instant. Le temps que vous nous envoyez les numéros de téléphone de gens qu'on pourrait appeler, des gens comme lui. Va te enculer, gros connard. Des gens comme lui ou elle, on sait pas très bien. Tu vas commencer à me casser les couilles longtemps, espèce d'enculé, là. C'est notre ami le Jap, le juge d'application des peines. J'y retrouve un extrait. De Bordeaux. Donc, ouais, c'est ça, de Bordeaux, tout à fait. Donc, vous nous envoyez les numéros de téléphone de gens aussi sympathiques que ceux-là sur le mail de Tof, toph@funradio.fr, évidemment. Allez, puis 20h30 sur Fun Radio, on va récupérer Jordan et François pour parler console. Quelle est votre console préférée? Puisque c'est les 25 ans de la Game Boy aujourd'hui, donc c'est pour ça on en parle en speed. Et puis on écoute maintenant le son de Major Lazer avec Shana Paul. C'est Come to Me sur Fun, bonne soirée, 20h minuit, on est là jusqu'à minuit donc. Love in Fun est en vacances. Mickaël nos limites. Mickaël prend le contrôle de 20h à minuit sur Fun Radio. Mais évidemment qu'on prend le contrôle à 20h minuit. On est là en direct tous les soirs sur Fun Radio. Je vous ai remis la petite vidéo parce que chez qui ça buguait. C'était pas la bonne vidéo que s'affichait à la place de Playboy. On nous voyait au ski, donc forcément c'était moins sympa. Quoi qu'on s'est bien marré quand même. Oui, c'était sympa aussi. C'est pas aussi sexy, quoi, on va dire. Donc je viens de vous la remettre sur le Facebook et le Twitter de l'émission. N'oubliez pas d'aller la voir, évidemment. Vous tapez Mickaël officiel pour nous ajouter, vous abonner à la chaîne YouTube de l'émission. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez simplement aller sur le Facebook, vous tapez Mickaël officiel. Pareil sur le Twitter. Voilà, je vais arriver à retrouver mes mots. Sur le Twitter, vous tapez également Mickaël officiel. Voilà, Playboy est passé nous voir hier. Donc les doux, n'allez pas voir. Hein, ne cliquez pas dessus, les doux. Je compte sur vous. Il est bien marqué que c'est interdit aux mineurs. Ouais. Parce qu'on voit Tof déjà à moitié nu, voire plus qu'à moitié nu. Donc les doux, n'allez pas voir. Je compte sur vous. Est-ce que je peux vous faire confiance? Je ne fais jamais confiance aux doux, moi. Je sais, mais bon, voilà. Bon, il y a DJ Crafter qui dit ma console préférée, c'est la PS et la Xbox One. Tu nous as pas dit laquelle PS, DJ Crafter. Et Vincent qui dit moi, c'est PS3. 29 minutes de retard, l'appel va faire mal. Eh ben, je te le confirme, effectivement. Voilà, en pleine gueule, Vincent. Et Yves aussi, moi, je suis sur la Xbox 360 et ma copine sur la PS3. Ça doit être sympa, les soirées. Et Grégory qui dit moi, j'ai des petits seins. Pour un mec, c'est chiant aussi. Ah bah oui, effectivement, faire du sport. Et Fan de Fun qui dit mon père travaille à Ubisoft à Montréal, je peux peut-être vous prendre des jeux de chez Ubisoft. Ah bah avec plaisir. Ah bah avec plaisir, Fan de Fun, évidemment. Appelle-moi, Fan de Fun, fais-moi un mail. Mais ça fait bizarre quand même de recevoir des jeux du Canada alors que Ubisoft c'est à Lyon, quoi. Ouais, c'est vrai, mais bon, écoute, il bosse là-bas, tant mieux. Hein. Il y a Juliette qui dit Tof, cherche des mecs jouant aux jeux de voiture, mort de rire. Pas des femmes sur Need for Speed? Bah si, les meufs dans Need4Speed, elles sont super bonnes. Qui plus est, voilà. Habillées tout en cuir et tout, j'adore. Ah ouais, la folie totale. Bon, on va parler des gros et des petits seins dans quelques minutes, puisqu'il y a une blogueuse qui a dit qu'avoir des gros seins, c'est juste une galère sans nom. Donc, on va faire évidemment notre petite enquête, et puis on va continuer à parler des jeux vidéo que vous préférez. Quels sont des jeux vidéo? Des consoles que vous préférez pour les 25 ans de la Game Boy. En attendant, eh ben, comme on parlait de gros seins, justement, tu vas donc appeler tes amis afin de voir si leur femme a des gros seins ou pas. Exactement. Et si on tombe sur une femme, tu lui demanderas directement si effectivement il ou elle a des gros seins. Grâce au numéro que beaucoup d'auditeurs nous ont déjà envoyé sur le mail de Tof. Je ne sais plus où les mettre. Eh ben oui, on va en appeler jusqu'à minuit. On a du stock. Bah je confirme, ouais. toph@funradio.fr. Continuez quand même, hein, si on n'appelle pas ce soir, rassurez-vous, on les garde, on appellera demain. Allez, c'est parti, on y va. Premier appel maintenant, 20h36. On est là de 20h à minuit. Ah, allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme avait des gros seins, monsieur. Oui, déjà, vous êtes qui, là? Moi, je m'appelle Toff, monsieur. Vous êtes qui? Toff. Toff? Oui. Ouais? Oui. D'accord. Voilà. Ce que tu sais pas, c'est que ton numéro, c'est affiché sur mon portable crétin. Oui, et alors? Ben, si tu penses m'avoir écrit en privé, ton numéro, ça... Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais appeler la gendarmerie, puis je vais faire écouter ton machin, puis je vais voir ton numéro de téléphone, connard. Bien sûr, avec plaisir, voilà. Mais ça répond pas à ma question, monsieur. Ben, moi, je t'emmerde, fils de pute. Mais ça répond toujours pas à ma question, ça, monsieur. Ben, je t'emmerde, voilà, donc je vais pas te répondre. Bah oui, mais c'est pas gentil, ça, voilà, monsieur. Mais sinon, mais je réponds pas, fils de pute. Mais pourquoi tu veux quoi? Qu'est-ce que je te dis? Bah, si votre femme a des gros seins ou pas, monsieur. Ben, moi, ta mère, tu lui demandes à ta mère. Ben oui, mais c'est pas votre femme, ma mère. Voilà, ben non, mais ma c'est ta mère, fils de pute. Je me comprends pas avec toi, parce que j'ai pas tort de moi. Quel homme charmant. Je vous avais dit des mecs sympas. Effectivement, lui est sympa. Attends, on va le rappeler parce qu'il est tellement sympa. Allez hop. Espèce de bâtard de merde. Le mec, il sait même plus. Il balance tellement d'insultes qu'il se raccroche à. Tu crois que t'es qui toi? Moi, dis-moi qui tu es. Non mais tu m'appelles la fille de pute. Écoute-moi bien. Oui. Écoute-moi bien. Porte tes putains de couilles, bâtard. Oui. Dis-moi qui tu es. Moi, tu viens me le dire en face. Moi, je m'appelle. Mets ta pote au téléphone. Viens me le dire en face. Et puis on va se régler, toi et moi, on va se régler tous les deux. Je m'appelle Toff. Tu veux savoir quoi, espèce de baltringue? Si votre femme a des gros seins, monsieur. Mais va te faire enculer, tu sais quoi? Viens me voir en face de moi, viens me le dire en face. Mais moi j'aimerais bien, monsieur, mais vous êtes un peu loin. T'es un peu loin, espèce de fils de pute, mais écoute-moi bien. Tu sais que même un numéro privé, je vais arriver à te retrouver, clochard que tu es. Mais je peux vous donner mon numéro, monsieur, ce sera plus simple. Eh ben donne-moi ton numéro, fils de pute. Alors 01? Ouais, va niquer ta mère, 01. Casse-toi pas le bonnet, je vais te retrouver. Fais-toi pas de soucis. Bah oui, mais vous voulez pas... Le jour devant Dieu, je vais te retrouver. D'accord, mais pourquoi vous voulez pas prendre mon numéro, monsieur? Parce que je vais te calibrer, fils de pute. Enregistre mon numéro, enregistre mes paroles, je vais te calibrer. Dis-toi le bien. Mais vous avez calibré quoi, monsieur? Vous êtes dans l'horlogerie? Écoute-moi bien, fils de pute. Bah je fais que ça, monsieur. Ouais, ouais, tu rigoles. Je vais raccrocher, écoute-moi bien, je vais raccrocher et je vais faire ce qu'il y a à faire. Par contre, je jure devant Dieu que je te donne face à toi, je t'encule toi et toute ta famille. Ah oui, ça va vous occuper quand même. Non, mais t'inquiète pas, je m'en bats les couilles. Toi et toute ta famille de mort, je vais vous cramer, espèce de fils de pute. Oui, parle pas comme ça de ma femme, parce que moi, ma femme, tu la connais même pas, tu la respectes pas. Par contre, moi, je vais t'apprendre ce que c'est que le respect, fils de pute. Ah bah si, moi, je respecte tout à fait. Ah on est bien là. Un homme sympathique, charmant. Ah oui. Tu as été assaisonné de gros mots là. Ah ouais ouais, parce qu'il a quand même juré devant Dieu qu'il allait t'enculer hein. Oui oui oui. Mais calibrer. Et oui, il allait te calibrer, voilà. Oui. On le rappelle quand même. Dans ta gueule. Ah bah oui. Bon, t'es sûr hein? Ah bah oui. Bon, par contre, Toff, si tu meurs, attends, tu meurs devant nous. Franchement. Non mais qui meurt devant nous parce que j'ai pas acheté un costard, un smoking ah, oui, pour oui, aller oui. ton enterrement bon. Là. Allez hop, on y va. On rappelle 20h39. C'est le cas, tu vas me péter les couilles, c'est le cas, sérieux. Mais non, monsieur, mais c'est pas la peine. Non, écoute-moi. T'as oui. pas de choses à faire dans ta vie? T'as pas de choses à faire dans ta vie, tu lui casses les couilles? Bah, non, monsieur, moi je vous appelle juste pour vous poser une question, vous n'y répondez pas. Non, mais de toute façon, écoute-moi, ça va vite régler l'histoire. Oui. Moi, demain, je vais à la gendarmerie, je porte plainte. Ils vont arriver à te retrouver même un numéro privé, ils vont retrouver ton numéro. Mais vous voulez pas que je vous le donne, le numéro, monsieur? Mais écoute-moi, je veux rien savoir de ta vie, Tu comprends ce que je veux dire? Je veux même pas savoir qui tu es. Moi, tout ce que je sais, c'est que demain matin, dès que j'ai fini mon travail, je vais à la gendarmerie la plus proche. Je oui. vais voir ce qui est enregistré. Oui. Parce que sache que tes conversations sont enregistrées. Oui. Je vais aller les voir. Oui. Et puis terminer. Oui, bien sûr. Mais vous voulez pas que je vous donne le numéro, ça, c'est. Mais va niquer ta maman, la putain. D'accord. Bon, bah répondez à ma question au moins. Non, je te réponds à rien du tout. Tout ce que je veux, c'est que tu me casses pas les couilles, voilà, c'est tout. Fais ta vie, va voir ta mère, va voir ta soeur, va voir tes parents, mais viens plus me péter les couilles. D'accord. Parce que sur mes morts, demain, la gendarmerie me dit ton numéro et j'espère qu'ils vont me donner ton adresse. Je vais venir te voir. Mais je peux tout vous donner, monsieur, si vous voulez, c'est rapide. Mais non, tu vas rien me donner du tout, t'as pas de couilles. Mais si, alors moi je suis 20. T'as pas de couilles. Bah, pourquoi vous voulez pas que je vous donne mon adresse? Parce que je vais te dire un truc, t'as qu'à venir sur la zone industrielle de Saint-Égrève, j'y suis, tu viens, tu pointes ton cul et on discute tous les deux. D'accord, mais enfin pour juste une réponse, c'est peut-être un peu... Non, mais juste une réponse, va niquer ta maman. Mais non, écoute-moi bien, espèce de baltringue, viens, je te dis, je suis à Saint-Égrève, tu viens, et puis on discute tous les deux, voilà. Là, en fait, je vais si t'as un homme ou pas, tu portes les couilles, tu viens... Au lieu de faire la putain derrière un téléphone, tu viens me voir en face de moi et puis on discute tous les deux. Bah oui, mais je trouve que c'est long pour... Donc voilà, donc écoute-moi, toi oui. et tous tes potes qui sont autour, parce que je pense pas que tu sois tout seul pour faire une merde pareille, avec tous ceux qui sont autour, allez tous vous faire enculer, voilà, tout simplement. Allez, je te laisse. Je suis bouche bée. Tant d'amour. Merde. Ça me touche. Je suis... Niquer ta maman. Ah ouais, je suis bouche bée. Oh, c'était bon. Je ne sais que dire. Je ne sais que dire. Ah, Tof, tu étais bourré. Ah ouais. Il y a Thèse de Julien sur le Twitter qui dit oh my god, cette violence. Ah non, mais c'est quand même violent là. Oh. Non, il était. Oh, bourré. J'en suis. Waouh. Wow. Pas aussi violent que la fin de la vidéo Playboy qu'on a mise sur le Facebook et le Twitter et sur le YouTube. Oui. Vous tapez Mickaël officiel pour aller la voir. C'est pas aussi violent, mais quand même. Mais c'est pas mal. Je rappelle que c'est toujours interdit au doux. Bon, puisqu'on est dans les gros seins, il y a Céline avec nous, 26 ans là. Salut Céline. Salut. Comment vas-tu? Salut. Oui. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? J'essaie d'enlever le haut-parleur. Ah oui, c'est mieux, ouais, Céline, effectivement, oui, c'est vrai. C'est très compliqué, hein. Voilà. En attendant, il y a Kimi Waurui qui dit aussi, va niquer ta maman, mort de rire. Oui, Tof a pris cher, là. Et on embrasse ta mère, d'ailleurs, encore une fois. Bien sûr, elle va très, très bien. J'imagine. Bon, alors, toi, tu voulais réagir par rapport au gros petit sein, puisqu'il y a une blogueuse qui a dit qu'il fallait arrêter d'imaginer que les filles qui ont des gros seins trouvaient ça génial et étaient ravies d'en avoir des gros, que c'était plus une galère qu'autre chose. Alors, est-ce que toi, t'es plutôt gros petit, Céline, toi? Alors, je sais pas, moi je dirais plutôt moyen. Bah, laissez-moi moyen vérifier tout ça. Ouais, attends, je te passe le professionnel. Oui. je fais du E. Non, mais combien mesures-tu? 1m72. Combien pèses-tu? Ah, ça va. 64 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 85. E. Oui. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? E comme étouffé? Le dernier taille de pantalon? Oui. C'est combien? 36. Non, c'est pas possible. 6 ou 8 alors. Ça marche par 2. Oui, mais les vis. C'est des vis, c'est plus possible. Ah, les vis, d'accord, ok. Ouais, très mais bien. Je préfère me dire que c'est 36. Ouais. Bonne. Mais attends, mais E comme énorme alors. C'est un truc de dingue. Comme non, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'avant, j'ai perdu du poids et avant, je faisais du D. Et en fait, en perdant du poids, c'est plus vite. Ah, tout oui. Est monté, hein. Bah, c'est génial. C'est la graisse s'est déplacée. Bah, parce qu'après, il y en a plein effectivement, qui font régime et qui perdent tout. Ouais. Donc, bah toi, t'as fait régime, t'as perdu du. En fait, c'est passé du bide ou des fesses ou des cuisses ou d'où tu veux dans les seins. C'est ça. Putain, c'est la folie, ça. Plus, j'adore. C'est scientifique, mais tu peux nous m'envoyer une photo à Polo ouais, c'est Radio. Ça, ouais, c'est ça. Le reste, il a pas besoin. Ouais, ouais. C'est ça. Il y a Katis Dell aussi sur le Facebook qui dit moi, j'ai des petits seins seulement 95A et c'est trop galère à trouver des soutifs. Quand je suis enceinte, je monte à 95C, ça me plaît et à mon homme aussi. Mais des sparadraps. Ah bah, tu m'étonnes. Ouais, c'est tu ça. Mets deux sparadraps, c'est hop. Non, mais passer du A à du C, tu m'étonnes que ton mec, il doit être comme un ouf. Et le pire, c'est qu'après, voir le petit qui est en train de téter et qui fait rien. Voilà, c'est gâché, hein. Ouais, c'est gâché. Ah, c'est vraiment perdre du temps et mais pour oui. Rien. Ah, c'est malheureux. Ah, c'est malheureux. Bon, et donc toi, tu le vis comment d'avoir du E, Céline? Très bien. Ah, toi, t'es contente. Et au niveau de la branlette espagnole? Tof. Bon, mais sinon, en termes de poids, comment ça va? Ça va. Mais ça doit être lourd quand même. Non, ça va. En fait, non, elle a des écarts en dessous pour soutenir. Ouais, donc c'est ça, des écarts qui viennent de chez Brico. Hop là, hop, non, on les place en bas. J'ai surtout de la marque en fait en lingerie justement pour pas avoir de problème de dos. Ah, justement, oui. Envoie une photo de là avec la lingerie. Arrête, espèce de pervers. Non, mais d'accord, ok. Bon, bah alors, donc c'est bien pour toi. Et alors, on a Angélique également de Toulouse là. Salut Angélique. Oui. Angélique. Ça va Angélique? Oui. Bonjour, oui, ça va. T'es en forme? Impeccable, je pars travailler. Ah, bon. Tu pars travailler, tu fais quoi? Là, je vais garder des enfants. D'accord, ok, très bien. Alors, tu fais quelle taille, toi? C'est beaucoup, c'est pas beaucoup? Moi, je fais du 100E. Ah ouais? Oh, mais combien mesures-tu? Ah ouais, non, mais Tof, tu vas pas le faire à tout le monde, là. Bah, si. Alors, combien mesures-tu? Moi, je suis 1m62. Quel est combien pèses-tu? 60 kilos. Et la taille du pantalon que tu as acheté? Hein? La taille du dernier pantalon que tu as acheté? Du 40. Ah oui, non, elle est... Ah oui, il y a du pare-choc. Hein. Super, merci. Mais en plus, on sera à Toulouse. D'ailleurs, si tu peux garder Tof également l'occasion quand on va à Toulouse. Non, avec plaisir. Je préfère que tu me gardes moi. Et voilà. Par contre, si tu peux envoyer une photo à Polo, oh, sur radio, tu me fais chier, putain, on dirait les deux, là. C'est dingue, ça. Bon, et donc, du coup, toi, Angélique, toi, tu le vis comment là? Trop ou pas assez? Ah non, moi, je le vis très bien. Toi, tu le vis très bien. D'accord. Ouais. Ok, très bien. C'est pas trop lourd? Non, impeccable. C'est marrant parce que pour l'instant, sur deux filles qui ont effectivement une belle paire de seins, les deux ne se plaignent pas. Alors que la blogueuse qui disait « Oui, toutes les filles, tu sais, genre, elle prenait son cas pour une généralité. Et c'est vrai que je me suis dit « Bon, c'est vrai que jusqu'au C, ça va. Tu vois, tu peux être beige. Mais après C, ça doit quand même être lourd et tout, tu vois. Non, D, après, ça faut va. Les entretenir. Enfin... Ouais, bien, non, mais bien sûr qu'il faut les entretenir, faut faire la vidange, tout ça, etc. De temps en temps. Mais... Ah bah elle leur met un peu d'engrais et tout pour que ça reste voilà, bien ferme. Exactement. Donner un petit peu à manger, tout ça. Non, mais je voulais savoir, bah, les autres filles, appelez-nous s'il y en a qui s'en plaignent, hein, justement, ou des filles qui en ont des trop petits, mais qui sont fières, parce que t'as des filles qui en ont très peu et qui sont très très bien comme ça, qui c'est plus facile pour s'habiller, etc. Et bah vous nous appelez 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Angélique et Céline, je vous fais des gros bisous, les filles. Bisous. Gros bisous, je vous embrasse, à bientôt. Et Angélique, tu passes nous voir quand on va à Toulouse, là, dans un mois, là. Ok, d'accord. Bon, je compte sur toi. Gros bisous. Okay. Viens avec les Libars. Hein. Salut. Bah oui, il va pas aller laisser la maison. Il est quoi. Bon, allez, restez là sur Fun Radio. On va revenir dans quelques minutes avec Magali pour parler des seins également. Avec Jordan et François pour parler des consoles. Elodie également qui voulait parler du tour de poitrine. Et puis, bah, vous toutes et vous tous en direct. La vidéo Playboy encore, allez voir sur le YouTube. Vous tapez Mickaël officiel pour aller la voir. Partagez-la à vos amis également. Hein. Je l'ai mis sur le Facebook de Fun et de l'émission en tapant Mickaël officiel. Je compte sur vous dans quelques minutes. Le son des Daft Punk. Ce sera Instant Crush sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. C'est Mickaël No Limit en mode 20h minuit jusqu'à jeudi. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Préparez-vous à passer des vacances de ouf sur Fun Radio. Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Ah oui, bah après on pense à ceux qui sont plus en vacances, parce qu'il y en a aussi, hein, ouais. Qui ne le sont pas du tout, tout court. Quoi qu'il en soit, on est là de 20h à minuit toute la semaine sur Fun Radio avec tous les messages. Il y en a plein qui arrivent, hein. On salue d'ailleurs tous les nouveaux qui débarquent pour la première fois peut-être ce soir sur Fun Radio. Par curiosité, bah, vous êtes les bienvenus. Vous vous rendez compte qu'il n'y a donc pas qu'une seule radio qui existe et que vous n'étiez pas obligé de rester bloqué sur une radio chiante. Bah non, oui, mais on est là, on est là. On est là également, 20h minuit toute cette semaine. Et puis en temps normal, de 23h à 2h la semaine. Et puis de 20h à minuit tous les dimanches. Il y a Aria qui dit tof enrobé. Je dirais plutôt qu'il a de la margarine plein le corps, tellement il est gras. Humour, tof, tu restes mignon malgré tout, à moins que j'ai de la merde dans les yeux. Oui, je crois que c'est ça. Hein. Oui, mais oui. Je sais bien que je suis super beau gosse. Pour ceux qui débarquent, donc c'est parce qu'on a mis la vidéo il y a quelques minutes de nos amis de chez Playboy qui sont passés nous voir hier avec des petits œufs en chocolat pour les œufs de Pâques, quoi. Ils sont venus avec les petits œufs en chocolat en mode sexy. Vous connaissez Playboy, ouais. Évidemment, ils sont pas venus avec avec les gens de Playboy. Ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent venir habiller n'importe comment. Ils sont de toute façon sexy. Ah, ils étaient beaux, hein. Mais là, pour le coup, ils étaient vraiment sexy. Je me suis dit pareil dès que j'étais dans mon boxer, j'étais sexy. Ouais, bah écoute, non, apparemment, comme quoi, ça marche pas à tous les coups. Hein. Donc du coup, ils sont passés nous voir hier en mode sexy. Tof s'est mis en mode dégueulasse et s'est mis entre les deux, entre Stéphanie et Jérémy de chez Playboy. Et vous pouvez voir le résultat final en vidéo, donc sur le Facebook de l'émission, tapez Mickaël officiel. Nicolas qui dit ah, les chaussettes. Oui, je n'en dis pas plus, mais c'est dans la vidéo. Donc je rappelle également qu'il ne faut pas aller voir la vidéo jusqu'au bout si vous êtes une âme sensible. Ah bah ouais. même pas plus loin que le message d'accueil. Voilà, et il y a un message. Il y a un message qui dit c'est ma première écoute, c'est déjà génial, Mickaël, 20h minuit, tu peux balancer mon Twitter à l'antenne, s'il te plaît, merci. Bah bien sûr, Nicolas. Le Cyclope, c'est Nico W-E-I-H-E-D. Voilà, ça au moins vous le trouverez facilement, en tout cas je l'espère. Sinon vous venez sur mon Twitter et puis vous le cherchez, il sera dessus. Adeline également, je mérite une belle tarte dans ma gueule car ça fait une semaine que je n'étais pas écouté et en plus une heure de retard. Bah bravo Adeline, alors là t'es au top. Hein. T'es au top. Voilà, c'est tout ce que tu mérites. Et Thomas qui dit ma copine fait du 115F et le vit super mal. Elle veut absolument une réduction mammaire et ça lui pourrit la vie et le dos. Bah ouais, tu m'étonnes, il y a un moment il faut faire quelque chose. Hein. C'est clair que ça peut devenir super chiant. Et Oncock aussi, ma console préférée c'est la Xbox et la PS3 et jouer à Minecraft. Et alors en parlant de console, on a Jordan avec nous de Corrèze. Salut Jordan. Salut Mickaël. Comment tu vas? Bien et toi? Bah tranquille. Dis-moi Jordan, je sais que t'es encore un doux mais... Plus tard, tu te verras avec une fille avec des gros ou des petits seins? Moyen. Moyen? Non, pas de risque, quoi. T'es au milieu, t'es neutre. Ouais, voilà. D'accord, ok, très bien. Bon, bah écoute, on parlait de jeux vidéo, c'est mieux, hein, finalement. Alors, toi, tu nous appelles donc parce que tu voulais nous dire quelle est ta console préférée, puisque ce sont les 25 ans de la Game Boy. T'as connu la Game Boy? Oui. Bon, de nom, quoi. Oui. T'as jamais joué à Tetris en noir et blanc? Ah si, quand même. Ah c'est bien. Oui. Bon alors du coup c'est quoi ta console préférée aujourd'hui? J'aime la PS3. La PS3 et ton jeu préféré dessus c'est quoi? J'aime GTA 5 et Far Cry 3. D'accord, tu sais que GTA 5 c'est normalement interdit, normalement tu n'es pas censé y avoir joué. Mais l'autre jeu non plus, comment il s'appelle déjà l'autre jeu? Faritas 3. Non, Far Cry 3. Ah oui. Far Cry. Oui, les deux, on va t'envoyer la police hein. Pour confisquer le matériel. On l'envoie tout de suite là, on appelle la gendarmerie, c'est pas sérieux là. Attends, on appelle la police immédiatement. Ils sont au courant tes parents? Bah oui. Ah ouais? Bah dis donc, on appelle la police, attends. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Police nationale, bonjour. Ouais, bonjour, c'est Mickaël, vous êtes en direct sur Fun Radio, la police. Oh, je suis à la radio, là? Ouais, parce qu'on a un auditeur, il y a Jordan qui a deux jeux vidéo interdits aux moins de 18 ans et il joue avec. Il a des jeux interdits aux moins de 18 ans, ça va pas être possible, ça, monsieur. Exactement, il est en Corrèze. On va devoir sévir. Il est en Corrèze. C'est ça son polo, la gendarme. Voilà, de quoi? C'est ta faute Polo. Non, pas du tout. Non, parce que Polo il est là et Toff il est là. Donc non, on est vraiment avec la police. Bon, et donc du coup, est-ce que vous pouvez aller faire le ménage là? Bien sûr, on va aller saisir, confisquer tout ça. C'est quoi ton adresse, Jordan? On fera un procès verbal. Donne ton adresse là. Jordan, c'est quoi ton adresse? Miami. Oh, l'autre il se fout pas de la gueule du monde. C'est rue des Mythos. Ouais, rue des Mythos à Miami, c'est ça? Voilà. Miami Beach. Voilà, d'accord, ok, très bien. Bon, ça roule. Bon, et attends, il y a aussi François avec nous de Limoges. Salut François. Salut Mickaël, salut Toff. Comment vas-tu? Très bien. Et vous savez que Polo sent la merde, hein, c'est pour ça qu'on le salue pas en fait. Bah ouais. Ouais, non, c'est vrai. Ah, t'es bon. Non, mais si, c'est parce que tu te rends pas compte comme ça, mais il y a des auditeurs qui à travers la radio le sentent, c'est pour vous dire. Bon, alors, du coup, toi, c'est quoi ton jeu préféré, François? Ma console préférée. Ta console, oui, c'est moi qui mélange tout. Ma console préférée, c'était la PS2. La PS2? Ah oui. Ouais, avec Star Wars Battlefront 2 dessus. Et pourquoi tu préférais celle-là? Ouais, pourquoi la 2? Parce que ça a fait long, là, quand même, hein. Il y avait Star Wars. Moi, j'étais à Vice City à 13 ans, moi, donc... Ah oui. Oui, d'accord. Oui, bah forcément la PS2 elle date à un moment un petit peu, effectivement. Ouais. Bon, bah dites-nous les autres encore avec le hashtag Mickaël 20h minuit. Donc vous mettez 20H00H, Mickaël 20H00H. Et puis vous balancez vos messages sur le Twitter de l'émission. Et toi François, pour parler des seins, tu préfères des filles avec des petits ou des gros ou des moyens? Moi je dirais une fille c'est un tout, donc ça dépend de la fille. Oh, l'enfumeur de première. Oh, l'autre, il est là, oui, mais je fais attention à ce qu'il y a à l'intérieur. La beauté intérieure. Blablabla, blablabla, bla, bla, c'est ça? Ouais, mais ça compte quand même un peu. Oui, enfin... un peu, oui, non, mais d'accord, mais attends. Eh, soyons francs. Il y a un moment, il faut être franc, si tu veux. Il y a un moment, c'est comme ça, il faut être franc. Quand tu vois, je suis d'accord, hein, il faut savoir ce qu'il y a à l'intérieur, ouais, bon, etc. Les gros, les énormes. Non, je parle pas de ça, mais tu vois une fille, parce qu'il y en a plein, tu sais, des mecs qui se la ramènent un peu et qui essayent de choper des meufs en disant ça, en faisant croire qu'ils sont bien, justement, qu'ils sont pas comme les autres, qu'ils sont pas des obsédés, alors que bon, tous les mecs le sont un peu, voire un beaucoup. Peu comme moi. Non. Et donc, tu sais, les mecs, oui, non, mais moi je m'en fous du physique, moi je fais attention à ce qu'il y a à l'intérieur, mais quand t'as deux filles, une super mignonne et une moins bien, voire pas terrible, peu importe, si tu regardes d'abord ce qu'il y a à l'intérieur, tu vas d'office aller vers la plus mignonne et si jamais ça va pas, t'iras vers l'autre. Faut pas me croire que quelqu'un qui a le choix entre les deux va automatiquement aller vers la moche, entre guillemets. Oui. Bon, voilà. Alors que les filles, c'est l'inverse. Enfin, c'est pas l'inverse. Mais les filles, elles préfèrent aller vers les moches. Non. Les filles vont pas forcément faire ce genre de... Je crois pas qu'elles vont réfléchir à se dire « Bon, il y a un beau, il y a un moche, je vais voir. » Non, je pense qu'elles sont moins... perchées que ça. Elles sont... Regarde le portefeuille et la carte de crédit. Mais arrête. C'est vrai. Mais il y en a, mais pas toutes. Arrête un peu. Regarde Toff, il arrive à pécho. Pourtant, il est cramé, il a pas rond. C'est parce que c'est un mec de radio. Ouais, c'est ça. Je fais de la radio que je fais croire que j'ai du pognon. Oui, c'est vrai, peut-être. Ouais. Bon, bah Jordan et François, merci d'avoir appelé. Vous revenez quand vous voulez, les gars. Ouais, plus, et c'est super sympa ce soir, ça part jeux vidéo et tour du poitrine, c'est sympa ce soir. Ah, t'as vu, hein, on est pas mal quand même, hein. On est en mode bien ce soir, on est en mode bien. Bon, salut en tout cas, à bientôt François, à bientôt Jordan. Bientôt. Ciao, à bientôt. Magali est avec nous également, salut Magali. Salut. Comment ça va? Ça va. Toi t'es en voiture là? Oui. Donc t'as pas encore été voir la vidéo Playboy quand ils sont passés nous voir hier et qu'on vient de poster ce soir sur internet? Non. Ah, c'est dommage parce que tu as certainement. En plus, je peux pas te faire quelque chose, j'ai pas internet, ça résout le problème. Ah oui, alors évidemment, ça résout le souci, effectivement, oui. Bon, bah alors, comme je le disais, pour ceux qui vont aller sur internet, sur le YouTube ou sur le Facebook en tapant Mickaël officiel, vous verrez la vidéo de nos amis de Playboy qui sont passés nous voir hier et donc de Toff en nu assez. Je me suis trouvé très sexy. À vomir. Remettons les choses dans le contexte, Toff a une espèce de combinaison de graisse. Eh oui, exactement, c'est voilà. Ça. et il a mis par-dessus la combinaison de graisse le boxer Playboy. En fait, en dessous, il est surmusclé, le mec. Ouais. Bien sûr. C'est parce qu'il veut pas rendre les autres mecs jaloux. Exactement. Voilà, c'est ça, ça doit être ça. Ça doit être ça. Si j'étais arrivé, tu vois, si j'étais arrivé comme Jérémy, tout le monde dirait oh putain, encore un beau gosse et tout, alors que là, bon. Ouais, voilà. C'est ça, mais oui. Bon, et toi, Magali, alors on parlait des tours de poitrine, puisque il y a une blogueuse qui a dit que les gros seins, c'était chiant, que c'était horrible, que c'était super dur à vivre, parce que, bah, évidemment, tous les mecs un peu pervers regardent dedans, parce que c'est lourd, parce que c'est difficile pour s'habiller. Bref, il y a quand même pas mal de problèmes. Du coup, toi, tu as quoi? Tu es plutôt du style menu ou tu es plutôt du style gros sein? 110B. 110B. Bon, ça va, ça, B. En D. Ah, non, D, mais... D comme Denise. Oui. Ah oui, comme démesuré. Ou comme dire là. Oui, aussi, effectivement. Donc, et ça, voilà. C'est... Non, voilà. Mais j'explique le contexte, c'est que je suis une femme assez forte au départ. Ouais. Et j'ai eu une grossesse similaire. Et t'as une quoi? Une grossesse de jumeaux. Ah, t'as eu des jumeaux? Oh là là. Ah oui, d'accord, ok, ouais, forcément. Bah, il faut les nourrir, les deux, là. Hein. Oh là là. Non, non, il n'y en a plus qu'un, il y en a un qui est décédé à la naissance. Ah, oh, merde, d'accord, ok. Oui, mais enfin, ça, à la limite, ton corps, il s'en rend pas compte au début. Bah, voilà. Bah, exactement. Forcément. Et c'est surtout que je suis large de dos. Donc, c'est pas autant que j'ai des... C'est pas les pamplemousses qui sont grosses, tu veux. C'est les pamplemousses. c'est surtout la largeur du dos qui fait que je fais 110. Et le D, c'est juste parce que j'ai des... Les dessins, on peut dire démesurés, mais en fait, ils sont pas si gros que ça. En fait, d'accord, oui. En fait, c'est parce que c'est allé à un gros dos. Oui, voilà, mais après, t'as des filles qui sont effectivement plus larges, qui ont les épaules plus larges, bien sûr. D'accord. Mais le fait de porter du dé, c'est pas trop lourd, hein, maman? Non, du tout. Au contraire, moi, je m'en porte très bien. D'accord, parce qu'elle a bon dos, justement. Non, c'est lourd. D'accord. Joli. Ouais, franchement, là, ouais, une minute, ouais. Hop, une minute. Au coin, ça le chien. Interdit d'antenne pendant une minute. Voilà, ça fera pas. Ça fera même plaisir à tout le monde, je pense. Je pense. Mais en fait, ils sont pas durs à porter parce que, en fait, comme je suis corpulente, j'ai du poids de partout, donc je m'en rends pas compte. D'accord, ok. Bon, bah écoute, alors si tu le vis bien, tant mieux, Magali. Bah, je te fais des gros bisous, en tout cas. Est-ce que je peux te choper un CD conflit de fan? Oui, si tu veux. Bah écoute, on va voir ce qu'on a en stock. Tu vas gérer ça avec Sandro, alors. Ça marche. Salut, et Magali. Je fais une dédicace à mon chéri avec lequel je suis fiancée depuis samedi. Et ben voilà, ben c'est fait. Félicitations. Y a pas de soucis. Salut, à bientôt. Salut, Magali, je t'embrasse. Merci. Ciao. Y a Elodie également avec nous de tour. Salut Elodie. Salut Mickaël. Ça va? Tu trouves pas que depuis qu'on a mis Toff au coin, ça sent meilleur à l'antenne? Non. Si. Non. Regarde, respire là. Non. J'ai l'impression que t'es à la montagne. N'importe quoi. Je sens l'iode à la mer. Ah. Moi je trouve que ça sent meilleur. Hein. Pas toi, vraiment pas alors. Non. Ah ouais, c'est marrant ça. Bon bah tant pis. Alors, bah, ça y est, t'as fait de retour du coup. Moi, ça y est, j'aime c'est bien. Bon. Ah tu l'aimes bien toi. D'accord, ok. Mais parce qu'il te fait pitié, parce que nous aussi non, dans l'absolu on l'aime bien. Tous, de quoi? Je vous aime tous. Oh, moi aussi je t'aime, Elodie. So sweet. Bon, tu nous appelles pour parler de saint, toi, Elodie. Oui. Eh ben toi, nous aussi on t'aime. Alors, vas-y, explique-nous. Eh ben, je fais un 95D. D'accord. D comme Denise. Voilà. D'accord. Mais combien mesures-tu? Combien? Alors, je fais 1m57. D'accord, combien pèses-tu? 60 kilos et mon dernier pantalon est 40. Ah, inhabitué donc. Hein. Voilà. Ah bah oui. Et la photo, je l'attends pour raison scientifique. Pour évidemment. Radio.fr. Tout à fait, oui, tout à fait. Bon, et donc du coup, toi, elle tu es pas bonne. Elle. Ah si. Ah oui, pardon, j'oublie la musique. Voilà, Elodie, c'est offert, c'est pour toi, c'est gratuit. Bon, continuons maintenant. Donc, tu disais que tu avais du dé, c'est ça, hein? Voilà, et c'est une galère pour faire Tort. Enfin, quelqu'un qui est d'accord avec la blogueuse. Je me demandais si à un moment, elle allait pas se foutre de notre gueule. Voilà, et bah pour faire du sport déjà, c'est affreux. On peut pas courir sans que les gars ils disent gauche, droite, tout. Mais non, ça c'est pour les jambes, c'est pour te donner le rythme. Ouais. Des trucs de merde, les t-shirts. Au niveau de ma taille, de tout, je fais du M, sauf qu'avec mes seins, bah faut prendre du L. Ah oui, putain, oui, la galère, donc du coup c'est super large en bas en fait. Ouais, mais c'est bien, quand il pleut, tu peux te mettre juste en dessous et ça fait parapluie. Super. Ouais, ah génial, ouais, ça c'est cop, ça c'est top. Ouais, c'est parfait ça. Non, le dos, ça fait, on en a mal, dès qu'on se baisse, ça y est, faut que tout le monde regarde. Non, franchement, c'est juste affreux. Ouais, c'est clair. Bah oui, mais baissez-vous les filles. Mais attention, hein, des fois, moi je regarde pas parce que parce que c'est tellement gros que t'es attiré par le truc. Bah tu vois plus que ça. Ouais. Non, c'est vrai, c'est pas par perversité, moi ça m'arrive souvent. Moi, oui. Ça m'arrive souvent, je vois, la meuf, elle a des trucs tellement énormes que tu regardes un peu... Tu sais, c'est comme si le mec avait la moitié de la tête, quoi. Oui. De toute façon, les mecs ont la moitié d'une tête, de toute façon, quoi qu'il arrive. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Autant dire les choses, autant que ce soit franc, quoi. C'est clair. Bon, attends. Elodie, reste avec nous deux minutes. On va prendre Amandine aussi dans quelques minutes avec vous. Et puis, on va prendre Evan aussi. Bon, on va le prendre maintenant. Tiens, Evan, on a un petit peu de temps. Reste avec nous, Elodie. Bouge pas. Evan, t'es là? Oui. Ah, très bien. Tu t'es pas évanoui? Non, heureusement. Bon. Belle Vanza. Merci. Bon, allez, Evan, on y va, c'est parti. Fais péter la colle. Je rappelle qu'il y a 200€ en bon d'achat à gagner pour aller un petit peu partout dans plein de boutiques. Il y en a plein où vous allez pouvoir claquer ces 200€ justement. Vas-y, Evan, on t'écoute pour la colle. Alors, je n'ai pas les mains dans les poches, mais on m'attribue un empire. Qui suis-je? Je n'ai pas les mains dans les poches, mais on m'attribue un empire. Qui suis-je? C'est bien ça? Oui. Très bien, si vous avez la bonne réponse, eh bien allez-y, vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse au 64-900 par SMS ou alors au 63-22 depuis la Belgique. Et vous pouvez aussi jouer sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Il y a le poste qui est dessus avec la colle, il suffit d'y répondre. Et si vous avez la bonne réponse et vous êtes tiré au sort, à vous peut-être les 200€. Voilà, je vous souhaite en tout cas bonne chance. Evan, t'as internet toi? Ouais. T'as pas été voir la vidéo de Playboy, j'espère? Non. Bon, je compte sur toi, c'est bien. J'avais dit de pas y aller si on n'avait pas 18 ans. C'est bien, vous avez suivi le conseil. Bravo, je suis fier de toi, Evan. Reste avec nous. On va revenir avec vous toutes et vous tous dans un instant. Avec promis, le son des Daft Punk qui arrive dans quelques secondes là. Ce sera Instant Crush sur Fun. Pendant que le Doc, Karima et Karen sont en vacances, Mickaël s'occupe de vous tous les soirs de 20h à minuit. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster. Et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Ah bah sauf cette semaine évidemment, 20h ouais. Minuit sur Fun Radio, il n'y a plus de pub pendant 30 minutes, on est à la cool. Ah oui, il y a aussi le match de Champions League ce soir aussi, l'Atlético Madrid face à Chelsea. Je vous tiens au jeu, il y a 0-0 pour l'instant, comme ça si il y en a qui n'ont pas forcément l'occasion de regarder, qui sont peut-être en déplacement et qui veulent quand même suivre, eh bien je vous tiens au courant, voilà, il n'y a pas de problème. On va également se faire le jeu de la rupture dans quelques minutes. Si vous voulez participer et repartir avec un appareil photo numérique, il suffit de nous appeler 01 42 48 5000. C'est un numéro qui n'est pas surtaxé, donc c'est un numéro normal, déduit de votre forfait. Et on vous rappelle directement derrière pour jouer au jeu de la rupture. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0, c'est pareil, c'est pas surtaxé non plus. Il suffit de nous appeler, on vous rappelle juste après. Le jeu de la rupture est très simple, vous serez deux auditeurs. Vous allez appeler chacun à votre tour quelqu'un au hasard. Le but, avoir une discussion de rupture. Voilà, comme si c'était votre meuf par téléphone ou votre mec avec qui vous dites non, écoute, ça va plus, faut qu'on arrête, je peux plus, blablabla, blablabla. Tu me saoules. Celui qui tient le plus longtemps, eh bien, repartira avec l'appareil photo numérique. Jeu, on ne peut plus simple. 01 42 48 5000 pour nous appeler. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. Vous avez pris note, je l'espère. On va donc jouer juste après le son des Daft Punk et Instant Crush. On parle encore de vos jeux vidéo préférés dans quelques instants, des seins également avec Amandine d'Aix-en-Provence. Et puis vous toutes et vous tous, hein, si vous voulez parler avec nous, n'hésitez pas, hashtag Mickaël, 20h minuit sur Twitter, on est là jusqu'à minuit sur Fun Radio. Allez, bienvenue si vous arrivez, c'est Mickaël No Limit en mode 20h minuit toute la semaine pendant les vacances. Si vous voulez balancer vos messages, n'hésitez pas, hein, Twitter ça fonctionne, vous mettez le hashtag Mickaël 20h minuit. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit de 20h à minuit sur Fun Radio. Et en direct, évidemment, il y a Rémi qui dit petit message de bienvenue pour mon pote Antoine. C'est son anniversaire aujourd'hui. Ah bon, si c'est son anniversaire, alors petit message de bienvenue. D'autant plus qu'on a de nouveaux amis depuis tout à l'heure avec Toff. On l'a appelé tout à l'heure, il y a quoi? Il y a trois quarts d'heure le mec. Un homme charmant. Totalement. Pour ceux qui n'étaient pas là, bah écoutez, c'est ça. Je jure devant Dieu que je cherche ton face à toi. Je t'encule toi et toute ta famille. Voilà, très gentil, comme vous avez pu le remarquer au demeurant. Ah, adorable. Hein. On l'avait eu ça aussi. Allez, tous vous faire enculer, voilà, tout simplement. Tout simplement, voilà. Bah oui, c'est ça. Gentiment, tout simplement. Tu portes les couilles, tu viens. Au lieu de faire la putain derrière un téléphone. Au lieu de faire la putain derrière un téléphone. Eh la putain. T'as pas de couilles. Non mais ça oui, ça c'est vrai. Fais ta vie, va voir ta mère, va voir ta soeur, va voir tes parents. Mais viens plus me péter les couilles. Voilà, donc c'est ce qu'il avait dit tout à l'heure. T'as niqué ta maman, la putain. Voilà. Bon, bref, un gars très charmant. Voilà, donc tu as le message de bienvenue, Rémi. T'en as même eu plusieurs. Et on appellera d'autres personnes dans moins d'un quart d'heure. Il y a Nancy qui dit, il n'y a pas que celles qui ont des gros seins qui galèrent. Il y a aussi celles qui ont des grandes jambes, mort de rire. Je sais de quoi je parle. 1m80, Nancy. Waouh. Quand même. Ah ouais, elle est bien. Ah ouais, tu dois avoir des putain de jambes. Oh, j'aime bien les grandes cochonnes comme ça. Oh. Non, mais j'ai dit ça comme ça, pardon. C'est ça, ouais. Il y a Clubman qui dit, moi perso, je préfère les filles avec un bon petit bonnet B ou C, limite un D, bien ferme, mais si pour jongler avec à 40 ans, laisse tomber. Une belle paire de poitrines, rien de mieux. Oui, je suis d'accord aussi, hein, c'est, faut que ça tienne dans la main. Ouais. Dans l'idée, c'est ça. Et Maëva qui dit, Mickaël, est-ce que les filles aussi peuvent être hindous? Mais pas hindous comme en Inde. C'est hindous, genre une la douceur. Hein, UN espace doux DOX. Bah oui, je suis pas président de l'Inde. Voilà. Mais oui, oui, oui, les filles peuvent être douces également, bien entendu. Et Hancock qui dit, moi je jouais à GTA Vice City à 6 ans sur PS2. Et Aria qui dit, Mickaël, je voudrais un message de bienvenue. Je te l'ai demandé, s'il te plaît. Et de passer une dédicace à mon pote Tupac qui écoute Pete Kentucky et aux reconnaisseurs. Ah, je savais pas que Tupac est donc encore vivant. Et Tupac écoute l'émission, il est fort ou pas? Et ça fait plaisir. Est-ce tu crois qu'il est avec Jackson et Elvis? À mon avis, oui. Tu voulais un message de bienvenue? Mais vous êtes un peu con, mon pauvre ami. Bah complètement, à mon avis. Bon, allez, hop, on va récupérer. On va se faire les jeux maintenant. On va récupérer Gado et Amandine pour parler de Saint. On a Romain et Oussama avec nous pour jouer et pour faire le fameux jeu de la rupture. Salut Romain, salut Oussama. Salut Michael. Comment allez-vous? Ça va. Très bien. Alors, Oussama qui appelle de Tours, Romain qui appelle de Libourne en Gironde. C'est ça. Très bien. Alors, le principe du jeu est très simple pour ceux qui viennent de débarquer et qui ne connaissent pas encore le principe de l'émission, puisque je rappelle que d'habitude, on est là de 23h à 2h et pas de 20h à minuit, mais là, pendant les vacances, on a squatté. Ouais, bah oui, tant qu'à faire. On savait pas où aller. Voilà, on s'est installé, on squatte. On n'a pas de potes, nous. Et du coup, eh ben, on fait le jeu un peu plus tôt. Voilà, tout simplement. Bon, donc le principe est simple. Vous allez appeler chacun à votre tour des gens au hasard. Le but, arriver à avoir une discussion de rupture. Ok? Donc il ne faut pas dire, comme on l'a déjà eu le cas, bonjour, je crois qu'il y a une rupture. Parce que ça ne veut rien dire. Une rupture de quoi? D'anévrisme, une rupture de tuyau, une rupture de quoi? On ne sait pas. Et surtout, il faut faire une rupture. Racontez pas votre life. Parce qu'il y en a, ils te racontent leur vie, en fait, mais pour rien. Ouais. Si je peux vous donner un conseil, effectivement, c'est censé être votre copain ou votre copine, donc vous dites pas oui, tu me reconnais pas, mais si, mais si, si, tu dois me reconnaître, vous, tu pas vois. De vouvoiement. Et voilà, vous dites tu, enfin, vous êtes censé être ensemble, d'accord? Ok. Bon, évidemment, le petit point en plus, c'est la petite difficulté, c'est qu'on peut très bien tomber sur un mec, ou sur une fille, ou sur un vieux, ou sur un jeune, bref, on sait pas. Le but, c'est que ça dure le plus longtemps possible pour repartir avec l'appareil photo numérique. Qui veut commencer, Romain ou Oussama? Ah, je voulais commencer. Tu veux commencer, Romain? Perso, non, mais bon. Non, ouais, bon, on va commencer avec toi. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Oussama, reste avec nous. Et vous, tu es content? On appelle, bah, dès que t'entends plus la petite musique en dessous de toi, tu dis allô et puis bonne chance, Romain. Ok. Allez, vas-y. L'avantage, c'est qu'à cette heure-ci, normalement, ça devrait décrocher plus vite. Je dis bien normalement. Je vois la poisse, hein, c'est-à-dire que... Bon, on appelle un autre, c'est pas grave, c'est le répondeur, tant pis. Allez, putain, heureusement que je dis à cette heure-ci, ça devrait aller plus facilement. Ouais, bah mon cul, ouais. Allez. Tiens-toi prêt, Romain. Ouais, ouais. Non, mais c'est pas sérieux, ça. Ah ouais, t'as raison, ça décroche plus vite. Ouais, ça va. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oh, il a de la chance, il a le même que son âge. Oui, oui, c'était pour te dire qu'entre nous, c'était fini. Oh, on va rien comprendre. Bingo! Bravo! Oh, oui, bravo. Secondes. Romain, bravo. Deux secondes! Oh, oui. Oh, oh mec, t'as été bon là, Romain, là! T'as été au top! La poêle. Alors, évidemment, c'est vrai que quand on fait le jeu plus tard, on n'a pas d'enfants qui décrochent parce que bah, forcément, ils sont au lit à 21h et en plus, pendant les congés, bah, peut-être qu'ils regardent la télé, effectivement. Bon, Romain, c'est effectivement la poisse, mais c'est pas grave. Bravo, Romain! Bah, il y aura une deuxième manche après, t'inquiète. Bon, Oussama, on y va avec toi là? C'est parti. Allez, on y va, c'est parti. On appelle maintenant. Romain, tu restes avec nous. Et Oussama, t'as compris ce qu'il fallait pas faire, hein? Ouais. Allez, c'est parti. Allô? Oui, allô? Ouais, salut, ça va? T'as qui? Ouais, ça va, tranquille. Allô? Ouais, tu m'entends, ça va bien? C'est qui? Ouais. C'était pour dire, t'as vu, maintenant c'est fini entre nous, quoi. Moi je veux plus te voir. Ça ne peut plus continuer comme ça, t'as vu. T'as vu. Ouais, c'est moi là. Tu me reconnais pas ou quoi? Non, je connais pas. Ouais, ben c'était pour dire voilà quoi, moi je pouvais plus continuer comme ça, tu vois. Parce que je me sens mal, j'ai un mal-être et j'arrive pas à continuer ma vie à me dire que voilà quoi. Bah, on va terminer où là, ça va mener où, tu vois ce que je veux dire? À la fin, ça mène à rien. Tu vois, c'est pour ça que je préfère m'arrêter avec toi. Je préfère te dire que c'est fini, quoi. C'est fini entre nous. Allô? Ah mais t'es qui toi aussi toi? Comment? Moi je t'appelle. Non mais moi là je t'appelle pour te dire que c'est fini entre nous, voilà quoi, je peux plus continuer. Ah, il voilà, est pas mauvais, hein. Ah, il est bon, il est bon. Voilà quoi, moi je me dis voilà quoi, j'ai une femme et de continuer avec toi, voilà quoi, de la tromper et tout ça, je peux plus continuer avec toi, c'est fini, voilà. Je te l'annonce, ouais. Voilà. Ouais, tu j'ai plus avec toi. Comment? Tu j'ai pas, là tu parles avec un mec, hein. J'arrive pas à t'entendre, je t'entends mal là. Ouais, après je suis un mec, je suis pas une femme, hein. Ouais, bah moi je te dis c'est fini entre nous, voilà quoi. Moi je peux pas continuer. Ah, il est bon. Pourtant je te kiffais grave quand je t'ai vu, j'ai eu le coup de foudre, mais voilà, je peux plus continuer comme ça, c'est plus possible. Tu me comprends, j'espère. Ah moi. Bon, hein? C'est quoi ton nom? Oh, tu racontes ça live. Bah, c'est Marc, tu me reconnais pas ou quoi? Moi là, pourquoi tu fais un miroir comme ça? Ouais, mais je parie de moi, on se connaît pas, hein. Je connais pas par contre, non. Non mais. Hey, t'es sérieux là, tu fais l'ignorant et tout ça? Après tout ce qu'on a vécu ensemble. Alors t'es en train de me faire mal au cœur. En fait, j'aurais dû arrêter avec toi depuis longtemps, quoi. Hein? C'est ça? C'est ça que t'es en train de me dire. Non mais là je prenne pas, là, je suis un mec là. Comment ça, Alex? Hey, mais, non, je suis un mec, c'est un homme, je suis pas une femme, je suis un homme. Il est bon, ah, il est bon. Tu me reconnais pas ou quoi? Mais t'es sérieux là? Alors qu'est-ce qui s'est passé entre toi et moi? Mais t'es sérieux là? Mais franchement, on a vécu, on a été au centre-ville, on a mangé au resto ensemble, on a été au cinéma, on a été au bord de la mer, au Sable d'Olonne, il y a 3 semaines, tu te rappelles pas de moi ou quoi? Mais t'es sérieux, en plus pourtant moi, on a vécu plein de choses ensemble, fais pas le mec qui te rappelle pas de moi. Alors c'est pas la peine de faire une deuxième manche. On a éclaté. Deux fois ensemble. Ah, parce que moi j'ai une femme, j'ai 4 gosses, donc moi je connais pas. Ouais, bref, moi c'était pour te dire, voilà, je te kiffais. Après, j'espère que je vais pas te blesser au plus profond de toi-même. Bah voilà, je préfère te dire que ça, voilà, c'est fini quoi. C'est à contre-cœur, mais je suis obligé d'arrêter là quoi. Il est à 3 minutes le cochon. Hein. Ouais, tu m'en veux comme ça, on arrête là au pire. Hein. Bon, on arrête. Au ouais, pire. Bah, j'espère que voilà quoi. Franchement, j'espère que voilà que tu prends bien, voilà quoi. Et ça change pas, on peut rester amis, on peut se revoir. C'est une rupture longue et douloureuse. Ouais, on peut voir demain si tu veux. Voilà, franchement ça me fait plaisir. Ah, ils veulent savoir. Ça me fait plaisir, là. Au moins je peux me dire voilà quoi, t'es quelqu'un de bien, tu vois, je me suis pas trompé. C'est pas parce que c'est fini entre nous que voilà, on va arrêter, on va plus se voir, au moins on peut rester amis, tu vois. Ouais, ok, on peut t'en faire si tu veux. Bah vas-y, si tu veux. Ah, c'est une première. Je te propose demain si tu veux. On peut faire un petit. Il est en tracteur ou quoi? Un petit pique-nique ou un truc comme ça, toi, en famille, quoi. Pour voilà, que finaliser la rupture, quoi, pour de bon. Tu veux rayer? Comment? Et c'est pas possible. Demain. Bah on irait au centre-ville, on irait manger un petit bout au Paligno, par exemple. Et où ça va? Je connais pas ça. Le Paligno, bah c'est un petit restaurant qu'ils ont fait là. Bon allez, ils l'ont inauguré il y a une semaine et demie, un truc comme ça. Ah, tu vois, ça. Au bourg, vraiment le bourg du centre-ville. Ils sont vraiment ensemble ou pas là dans l'histoire là? J'ai des doutes là. Attends, non mais Alex, franchement, tu sais très bien, je t'ai toujours kiffé, mais bon, voilà, moi j'espère que tu le prends bien, tu me fais pas un cinéma parce que je te sens... Il y a Adine qui a mis le niveau super haut, le mec, bien joué. Donc, ah, oui. Ça me fait un peu, tu vois. Il y a Balom qui est trop fort. Il faut que tu le prennes bien, voilà, on va se voir demain, ça me fait plaisir, tu vois. J'espère que, voilà, quoi, ben... Je pense qu'il y a battre record, là, 4 minutes 30. Voilà, t'inquiète pas, je prends bien, t'inquiète, c'est pas de soucis, oh. Au moins, toi tu me prouves que t'es quelqu'un de bien et voir bah, qui enchaîne. Thomas, stop, s'il te plaît. Comme ça, je pensais que t'allais mal le prendre, tu vois. Ça fait plaisir. Non, t'inquiète pas, je te prends bien, on voit demain au pire. On se voit demain. Je te prends bien, bah, c'est sympa. Ah, bah, c'est cool. Toi, au moins, t'es quelqu'un que voilà, que je peux admirer. Je me dis. On s'amant, on lui a dit le plus long possible, mais bon, quand même, il faut pas prendre toute l'émission, quoi. C'est le mec à minuit, il sera encore là. Non, mais ça me fait plaisir, tu me prennes bien et tout. C'est improbable. Et on va l'appeler le squatter. Ouais, ouais, bah, ça arrive. Il y a des hauts et des bas, comme tu vois. Il y a. Il y a Caracal qui dit la rupture se termine en rencontre. Tu mets ta vie, tu retrouveras d'autres gars, tu vois. Comme tout le monde, quoi. Ah, t'inquiète pas, moi, je suis là, je suis avec les gosses, là. Putain, comment? Retour à la case départ. J'ai l'impression qu'on débute l'appel. Ouais, ouais, bah je sais, moi, c'est comme moi. 5 minutes 30. J'ai une femme et deux enfants, tu vois. Ouais. Ouais, voilà, quoi. Bah voilà, quoi. Bah, de toute façon, t'inquiète pas, ça restera entre nous, tout ce qui s'est passé. Moi, ça me fait plaisir que tu le prennes bien, la rupture, voilà. Ça me fait super plaisir, voilà. Placement et tout. On fait comme ça, alors voilà. Ouais, là, ça, c'est peut-être comme je suis occupé, donc en plus, tu me rappelles demain, Pierre, si tu veux. Bah, on fera ça, ouais. Par contre, Alex. Oh non, ouais. Non, ça va, merde. Je te remercie beaucoup, hein. Il s'appelle pas Alex. De rien, moi, t'inquiète pas. Ah, je te remercie beaucoup, du plus profond de mon cœur. Tu peux même pas savoir comment. Ok, ok. Bah, ça, c'est là, je suis occupé, mon grand. Bah, d'accord. Bah, tu sais quoi, bah, je te rappelle demain, hein, on se capte. Et puis, okay, ouais. On se fait un petit pique-nique. Ah, d'accord. Ouais, fais comme ça alors. Ah, tu me fais plaisir. Bon, allez, je te fais un gros bisou, salut. Ouais, ciao, ouais, bisous. Ciao, ciao. Bisous. Oh là là, putain, oh, bon. Je préfère arrêter là parce que c'était trop, hein. Il m'a fait mal au cœur, Romain, tu vois. J'ai pas voulu aller trop loin, je me dis, oh, bah, non, bah, on a bien vu, ouais, bah, 6 minutes 20 là. Est-ce que je pourrais travailler avec vous, les gars, hein. Bah, peut-être, ouais, Oussama. Écoute, bordel, quoi. Écoute, pourquoi hein pas. Bon, Romain. Ouais. Ça sert à rien de faire une deuxième manche. Ouais, ouais, mais. Ah, je pense que autant abdiquer directement. Voilà, aïe aïe aïe. Si c'est allé direct, je me suis fait griller direct. Bah ouais ouais ouais ouais, ouais. Bah écoute, t'as pas eu de chance, hein, Romain. Bon bah tant pis, bah bravo Oussama là, hop là. Je suis inspiré, par moment quand je suis inspiré, je déborde d'imagination. Ah bah je vois ça, ouais. Bon, en tout cas, t'as eu de la chance, t'es tombé sur un bon client aussi, accessoirement. Non non non non non non non non, la chance, il faut la provoquer. C'est vrai, c'est vrai. Bon, eh ben, en tout cas, tu l'as provoqué, elle est là, l'appareil photo numérique est pour toi, Oussama, tu vas retourner chez Sandro, on va prendre toutes tes coordonnées, ouais, et t'envoyer ça. Salut Oussama. Merci, Michael. Ciao à toi, ma gueule. Bye. À bientôt. Merci. Romain également. Je peux faire une petite dédicace? Ah bah t'auras gagné ça aussi, allez vas-y. Alors je fais une dédicace à tous ceux qui m'ont écouté, qui me reconnaîtront. Bah ils t'ont pas écouté très longtemps malheureusement, mais on les embrasse quand même. Pas de problème. Salut Romain, ciao à toi. Ciao. Allez, à bientôt. Bon du coup, Amandine et Gado là, vous êtes là les filles? Oui. Oui, vous pouvez encore attendre juste le temps d'écouter David Guetta? Non. Oh si si si. Allez, dans 3 minutes je vous reprends, promis. Allez, ça va. Bon, ça va alors, parfait. Amandine Gado, bougez pas de là, on va parler encore des seins, puisque bah on va encore faire des appels d'ailleurs avec toi dans quelques minutes, puisqu'une blogueuse a dit que bah avoir des seins trop gros c'était super chiant et qu'elle avait donné 10 raisons pour lesquelles c'est hyper relou. Donc on va en parler avec Amandine, on va en parler avec Gado, vous restez là. David Guetta, ça vous branche les filles? Ouais, carrément. Ah carrément. D'accord, ok. Maman, je me suis dit, bah non, non, oui, ça me fait chier en fait. Bon, c'est bon. Et bon, on se lève maintenant. David Guetta et Showtech, restez là, mesdemoiselles. On écoute Bad et on revient juste après. 21h27, c'est Mickaël No Limit sur Fun. Pendant que le doc sauve des vies, que Karima sirote des cocktails à Miami et que Karel se repose en Normandie, Mickaël est là. Mickaël. Ouais. 20h minuit, Mickaël No Limit. Sur Fun Radio. Exact, on est là sur Fun, 21h30, ouais. Il y a Willy qui dit je crois que le mec de la rupture s'est pas trop mal débrouillé. Ah oui, ça c'est clair, ouais. Avec 6 minutes 20, je pense que c'est le record, hein. N'oublie pas Willy, t'as pas mis le hashtag et Mickaël 20h minuit là, 20H 00H. Il y a Véronique qui dit eh bah dis donc, voilà le temps là, rupture par contre trop fort. Laetitia énorme avec l'appel Alex là, Oussama. Amy également qui dit l'excellente rupture qui se finit bien pour le coup, il m'a tué, c'est vrai que c'était pas mal. Cathy qui dit il a géré le type, là je suis plié en les écoutant. Il y a Jules aussi, la rupture la plus longue du monde, il est quand même fort. Et Romain aussi, on commençait vraiment à croire que le début d'une relation. Et hop, ouais. Il continue en plus. Enfin, il continuait, dingue, oui. La rupture pour Valou. Et AXA 1070 qui dit merde, il est quand même pas mal. Et Félicie aussi, c'est quoi cette rupture de dingue? Oui, ça effectivement. Non, ils vont finir heureux ces deux-là. Ouais, on fera d'autres appels avec Tof dans quelques minutes par rapport aux gros seins. Cette blogueuse qui a dit qu'avoir des gros seins c'était plutôt relou qu'autre chose. Et Amandine qui est avec nous d'Aix-en-Provence. Salut Amandine. Salut Mika. Comment vas-tu ma belle? Je vais très bien. Tant et mieux, toi? Bah très très bien, très très bien. Tu fais quoi dans la vie toi? Eh ben je suis commerciale. En quoi? Tout ce qui est toiture et façade. Toiture, ah bah oui. Et façade, donc tu vends des façades? Oui. Tu veux pas faire celle de Toff? Je les vends pas quand même pas. Bah tu fais quoi? Déjà créé, moi c'est plus tout ce qui est rénovation. Mais si tu veux, je te reparlerai à un autre moment en fait. Oui, bah tu veux pas refaire la gueule de Toff? La quoi? La gueule de Toff. Si, mais là, si tu le dis ravalement, là, c'est... Ah, ouais. C'est carrément un gros projet, là. Bah, c'est ça, c'est le travail d'une vie, hein. C'est, je comprends. Ouais, voilà. Je comprends. Bon, Amandine, alors dis-nous, bon, je vais y aller franco, hein. C'est quoi ton tour de poitrine, du coup, puisqu'on en parle? Moi, je suis à 90D. Ah oui, D comme Denise. D comme alors. Denise, ouais, ouais, on est toujours dans le D de Denise. Ah ouais. Ouais. D comme D beau sein. Ouais. Ou comme D pas mal, D pas mal. Ouais. Mais combien tu mesures? 1m75. D'accord, combien pèses-tu? 70 kilos. D'accord, quel est ton tour de poitrine? 90D, je l'ai déjà dit. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, tu es tellement perturbé là. Ouais, mais c'est ça, c'était D, c'était énorme. Et la taille des pantalons que tu as acheté? 40. Ah oui, ouais, pour 1m75. Bonne. Ah oui, pas mal. J'apprécie la petite musique, c'était sympa. Écoute, quand même. Avec plaisir, nous aussi on peut rendre service, hein, y a pas de souci. Bon, alors que tu vois, chez Toff, en général, c'est plutôt cette musique là. Oui. American Horror. Faites attention. Voilà, ça lui va mieux. Exactement. Bon, alors du coup, toi tu le vis bien ou pas d'un dé? C'est pas trop lourd? Non, franchement. Bah après, je dis pas c'est un atout de séduction, mais sincèrement, il y a, bon, vous allez être d'accord avec moi les garçons, il y a le sexy classe, on est d'accord, et il y a le sexy un peu dégueulasse. Non. Et une fille qui m'a habillé, bah oui, évidemment. Ouais. Mais carrément. Non, mais évidemment, et évidemment. Une fille qui m'a habillé et franchement d'avoir des gros seins, ouais, OK, ça les met en valeur, mais qui se balade dans tous les sens, enfin, ça va quoi. Bah et, disons que comme, ouais, j'en avais vu une passer un jour, j'étais au feu rouge, elle traverse et effectivement, elle avait une grosse paire de seins, mais elle avait pas mis de soutien-gorge. Oh là, c'était ouais. Violent. En plus, c'est comme il fait un peu bon maintenant, en journée t'as du soleil, donc tu sais, c'était un espèce de petit haut, c'était pas un pull quoi, donc tu voyais vraiment pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, ça bougeait quoi. D'accord, ok, ouais, j'imagine. Ah, j'imagine, mais ils ont beau bien tenir ou pas, hein, c'est pas classe du tout quoi. Oui, voilà, mais après, voilà, effectivement, mais on peut faire des trucs qu'on peut pas faire avec des petits quoi, par exemple. Oui, voilà. Non, mais on est d'accord. Voilà. Mais après, par exemple, à la plage, bah, vous, quand vous êtes au masculin, vous faites un petit trou en fait, quand vous voulez bronzer sur le trou, enfin, quand vous voulez bronzer votre le dos, on va dire. Ouais. Bah, nous, c'est des gros trous qu'il faut faire quoi, pour être bien à plat quoi. Ouais, non, c'est clair. Putain, voilà. Ça, c'est vrai que c'est une galère. Encore quand t'es dans un matelas, le matelas s'enfonce un peu, donc ça passe. Mais quand t'es effectivement. Non, mais pas tous les matelas. Non, pas tous, mais je veux dire, si t'en as un bon, ça peut le faire. Mais quand t'es effectivement à la plage, ouais, tu dois creuser. Tu creuses un peu, il y en a qui mettent font une espèce de petite bosse pour faire un coussin. Mais il y a des meufs, elles doivent creuser pour mettre. Ah bah, elle, c'est ça, hein, c'est-à-dire que d'abord elle met ses seins pour faire la bosse et après elle peut se retourner, ça lui fait un siège. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est pas mal. Attends. Et puis, il y a même la chemise, tu vois, enfin, une chemise que tout le monde peut porter, quoi. Enfin, oui. Il y a un moment où le premier bouton qui pète, ben, tu peux penser que c'est un peu sexy, c'est un peu. Mais moi, je trouve ça super sexy, moi. Tout, mais sauf que c'est pas volontaire, en fait. Il le fait automatiquement, le bouton, il se barre tout seul, quoi. Ouais, mais justement, ça montre toute cette pression qu'il y a derrière. C'était à Miami ou à Los Angeles qu'on avait vu une boutique spéciale gros seins. Bon, en fait, c'était à Los Angeles. C'était des mannequins. Ils, étaient, tous, ils étaient tous hyper fit, mais ils avaient des uns surdimensionnés. Ouais. Tu vois, toutes les fringues étaient taillées pour des meufs avec des gros seins. C'était aux États-Unis. Oui, mais c'est bon, normal. C'est marrant, quoi. Tu vois que là-bas, ils aient pris en compte ça. Ah oui, bah évidemment. Attends, il y a Gado aussi avec nous là, de Nantes. Là, bonsoir Gado. Salut. Ça va? Ça va. Tu t'appelles comment? Gado, G-A-D-O. Mais t'as reçu un gado Noël ou pas? C'est drôle ça, dis donc. Non, c'est mon surnom. Ah, et c'est quoi ton prénom? Gwendoline, d'accord, c'est ok. Mieux. Très bien, bon pourquoi pas, Gwen, gado, Gwendoline, bon écoute. Ouais, alors, du gado ou pas? C'est drôle ça, allez hop. Comment? Au coin. Oh, supprimer l'antenne pendant une minute, t'as de la chance gado. Tu vas pouvoir parler sans avoir Toff qui va te casser les burnes. C'est quand même. Mais non, quand même. De quoi? Il est mignon quand même. Arrête, non mais c'est pas mignon, possible Gado, arrête, écoute, tu peux pas dire de trucs comme ça là, c'est pas normal. Bon, alors Gado, toi t'as quel tour de poitrine? 95 F. Oh, ah oui, F comme fils de fuck pute. Me I'm famous. Moi je préfère fils de pute. Ouais bah bon bah c'est moins sexy hein. Fuck me I'm famous, c'est encore le côté un peu sexy là, fils de pute c'est quand même dégueulasse. Hein. Mais, ouais, c'est un peu moins bien. Ouais, un peu moins bien, ouais. Et donc du coup, tu le vis comment toi en termes de poids, en termes de vie de tous les jours? Bah ça dépend des moments, on va dire. Les mecs ils s'en plaignent pas, c'est sûr, mais bon après il faut les entretenir, ça coûte cher hein, les sous qui sont. Bah oui, non mais c'est clair, t'as dû mettre des équerres en bas pour que ça tienne ou pas? Bon, peut-être quand même, hein. Non, mais bon, évidemment, mais qu'est-ce que t'en penses par rapport à la blogueuse là qui avait dit que c'était hyper compliqué à gérer, que c'était super lourd et qu'en plus de ça, bah, les mecs passaient leur vie à regarder et que c'en était limite chiant en fait. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Bon, un peu partagé, je pense. Il y a les avantages et les inconvénients. D'accord. Et avantages, dis-moi? Avantages, bah du coup, on se fait vachement regarder, c'est sûr. Ouais. Et puis, bah, les mecs, ils apprécient. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr, hein, ça, effectivement. Ah bah, tant qu'il y a à palper. Ah bah, il y a à boire et à manger, hein. Ah bah je pense ouais. Ah ouais, ça c'est clair. Bah merci beaucoup les filles en tout cas d'avoir appelé. Amandine, Gado, je te fais des gros bisous. Et Salut, salut. Et vous revenez quand vous voulez, les filles, je vous embrasse. Ça marche. À bientôt. Salut, les filles. On aura Evan dans un instant avec la colle. On aura Mamadou et Thomas pour parler aussi des gros seins. Il y aura Mélanie dans quelques minutes, là. Salut, Mélanie. Salut, Vicente. Comment vas-tu? Ça va, super. Et toi? Bah, tranquille. On va parler de quoi dans un instant avec toi? Bah, j'ai trouvé le journal intime de ma mère. Oh, voilà, ah, quel horreur, parfait. On en parle dans un instant. Reste avec nous, Mélanie. Ça va être du lourd, à mon avis, si tu nous appelles. En attendant, eh bien, appelons les nouveaux amis de Top. Tu vas commencer à me casser les couilles longtemps, espèce d'enculé, là. Voilà. Donc, on fait. On parlait des gros seins, justement, puisque c'est cette blogueuse qui nous a mis sur le dossier, là. Apparemment, avoir des gros seins, c'est plus chiant qu'autre chose. Donc, on appelle des gens, enfin, tu leur demandes si, s'ils ont des gros seins ou pas. S'ils ont des gros seins ou pas. Donc, on y va, c'est parti. On appelle grâce au numéro que vous nous avez envoyé sur le mail de Tof, toph@funradio.fr, 21h38. C'est parti. Allez. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez des gros seins, madame. T'es con ou quoi? Mais pas du tout, madame, pourquoi vous dites ça? Ferme ta gueule. Bah, enfin. Oh bah dis donc, au bon accueil, bonjour. Ah oui, très bon accueil. On rappelle. Allez, c'est parti. On retourne donc chez madame. Monsieur, je sais même pas. Oui, allô. Quoi, c'est t'amuse? Bah non, mais c'est pas la peine de le prendre comme ça, monsieur. Bah si, tu fais pas chier comme ça. Qu'est-ce que t'appelles les gens comme ça à cette heure-ci, toi, espèce de connard? Bah juste pour savoir si votre femme a des gros seins, monsieur. Ouais, ouais, c'est ça. Et toi, tu, espèce de blaireau, bah, à mon avis, toi, t'as pas de femme pour faire chier les gens comme ça. Tu dois avoir une sale gueule, toi. Ah oui, oui, ça, oui, ça, j'ai une très... Ouais, j'imagine, ouais, j'imagine. Bah oui, mais monsieur, ça n'empêche pas que... Comment, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça n'empêche pas de répondre à ma question. Ben qu'est-ce que ça peut te foutre, espèce de petit branleur, quoi. Bah c'est juste pour savoir, monsieur. Bah ouais, allez, c'est ça, ferme ta gueule et arrête de sonner parce que je te jure tu commences à me saouler, toi. Bah oui, mais répondez à ma question, je vous rappelle. Ouais, ouais, c'est ça, ferme ta gueule. Bah oui, mais répondez à ma question. Ferme ta gueule. Oui, d'accord, mais ferme ta gueule. Vous voulez pas répondre à ma question d'abord? Paniquer ta mère, hein. Tu vois qui est blaireau, Steve. On va le rappeler, il avait l'air gentil. Ouais, je me demande si on n'est pas vers Charleroi. Bah à mon avis, oui, on doit y être, ouais. Allez, on rappelle. Allez. Alors, décroche-le. Allô? Oui, allô? Ouais, c'est qui là? Ouais, d'accord. Quoi, tu t'es sûr que t'es pas trompé de personne là? Non, pas du tout, pourquoi? Je vais parler de qui? Un sac. Moi, je m'appelle... Je vais te mettre sur un message, oui. Ciao. Vas-y, salut. Hey, c'était gros hein, dès le début là. Mais non, parce qu'au début je me dis bip. Non, mais au début je me dis ouais c'est le répondeur. Et après tu sais comme elle continue à parler, je me dis ah non merde, je me suis fait baiser. Ah oui bah oui, là tu t'es fait baiser au figuré. Et en fait je me suis fait baiser deux fois. Eh oui, deux. Ah bon, non, au propre lui. Oui, ah oui, lui c'est au propre effectivement. Non, c'est jamais propre avec moi. Bon, on fera d'autres appels tout à l'heure. C'est la mi-temps là sur Atlético Madrid Chelsea en Ligue des Champions demi-finale 0-0. J'avais dit que je vous tiendrai au courant. C'est donc fait. Félicia qui dit oui, avoir des gros seins c'est chiant, fatigant et moche. Bon, fatigant, je veux bien l'imaginer, chiant probablement aussi, mais moche, bon, ça dépend. Après, il y en a qui sont plus beaux et moins beaux que d'autres. Il y a Lisa qui dit, je suis dans la moyenne, 90D ou E, ou des fois 95B. Comment tu peux passer d'un D ou E à un B? C'est ça la question. Je sais pas s'il y a des hommes qui aiment les moyens. Bah, oui. 90D ou E, c'est pas moyen. B, oui, on peut dire, mais E, non, quand même. Il y a Kali qui dit, il a fort bien joué, bravo. Ah, bah, c'était tout à l'heure, ça. Et alors, un message aussi qui est arrivé. Julia, je peux avoir un message de bienvenue et une petite dédicace à ma cousine Luane qui m'a fait découvrir Fun Radio. Merci à vous, vous déchirez, je vous adore. Merci, Julia, et merci à Luane également d'avoir fait passer le message, évidemment. Petit message de bienvenue, si tu veux, allez. T'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes oreilles. Voilà, et tout simplement. Et Anthony qui dit, ouais, c'est moi tout pas que je suis vivant, lol. Eh bah très bien, bah on est ravis de l'apprendre. Et Maxence aussi, moi perso c'est la PS3, ma console préférée. Et mon meilleur jeu c'est Scream. Et la taille des seins préférés c'est des petits. Voilà, eh bah très bien, comme ça au moins on a tous les goûts. Allez, restez sur Fun Radio, on va se refaire un petit coup la colle avec Evan. Là, t'es toujours là Evan? Ouais. Très bien, allez, refais péter la colle encore une fois. Je n'ai pas les mains dans les poches, mais on m'attribue un empire. Qui suis-je? Je n'ai pas les mains dans les poches, mais on m'attribue un empire. Qui suis-je? Si vous avez la réponse, vous envoyez M.I.K.L. et la réponse au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez aussi répondre sur le Facebook de l'émission. Vous tapez M.I.K.L. officiel. On te récupère avant 22h30 et on saura donc qui gagnera les 200 euros en bon d'achat dans plein de boutiques. Peut-être toi, Evan, c'est ce que je te souhaite. Tu restes avec nous? Ouais. Allez, reste là. Et puis, ben, pour les autres, n'oubliez pas également d'aller voir la vidéo, si vous venez de débarquer, la vidéo de la venue de Playboy hier soir dans l'émission. Ils sont venus nous déposer des petits œufs en chocolat pour Pâques. Plutôt cool. Et également des petits sous-vêtements Playboy. Et puis surtout, on a pu voir, on a pu rencontrer Stéphanie et Jérémy qui représentaient Playboy. Oui, bien. Oui, il représentait bien. Que toi, il a préféré Jérémy, hein, par exemple. Évidemment, ouais. Évidemment. Et donc, si vous voulez la, si vous voulez la vidéo, attention, ne regardez pas jusqu'au bout parce que ça peut faire très mal aux yeux. Vous allez voir sur le YouTube, donc tapez Mickaël officiel, ajoutez-nous, hein, suivez la chaîne, abonnez-vous à la chaîne et puis vous regarderez la vidéo, vous la partagez également avec vos potes pour qu'ils puissent voir ce qu'ils ont raté hier soir. C'était dans l'émission, dans Mickaël No Limite. Et puis n'oubliez pas également tous les messages sur le Twitter de l'émission. Tapez hashtag Mickaël 20h minuit pour prévenir tous les autres, hein, puisque d'habitude c'est 23h 2h. Vous mettez le hashtag et Mickaël 20h minuit 20h00h. Je compte sur vous. Restez là dans quelques minutes. Le nouveau son de Pitbull, découverte sur Fun Radio avec Gino. Ce sera la musique de la Coupe du Monde 2014. Ce sera We Are One et c'est ce qui va débarquer dans quelques secondes sur Fun Radio. Love in Fun est en vacances. Mickaël No Limite. Mickaël prend le contrôle de 20h à minuit sur Fun Radio. Préparez-vous à passer des vacances de ouf sur Fun Radio. Mickaël No Limite. Mickaël. De 20h à minuit sur Fun Radio. Exactement. Et d'ailleurs, on va se faire un petit jeu dans quelques minutes. J'ai un jeu sympa. J'ai surtout un cadeau sympa puisque vous allez pouvoir repartir avec la personne de votre choix partout en France. Voilà, donc si vous habitez à Lille, vous avez envie d'aller à Marseille en première classe, évidemment, en train, vous allez pouvoir repartir avec un cadeau SNCF, c'est-à-dire que vous allez pouvoir partir où vous voulez en France et quand vous voulez, surtout jusqu'à la fin du mois d'août. Cool. Bah, je suis totalement disponible. J'imagine bien, j'imagine bien. Et donc le principe est simple, vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Vous passez l'antenne, on appelle un pote, on appelle un de vos potes et vous appelez ce pote en lui disant voilà, écoute mec, fais tes valises, on part demain matin, j'ai le train de 7h pour aller loin. C'est genre si t'es à Lille, tu dis que t'es à Marseille, si t'es à Marseille, tu dis que tu vas à Lille. Et donc voilà, si le pote dit oui, c'est gagné et vous partez tous les deux quand vous voulez. Bon, oh, là, c'est bon ça. Là on lui fait croire que c'est le départ demain matin, mais après vous n'êtes pas obligé de partir demain matin, vous avez jusqu'à la fin du mois d'août pour partir. Voilà, donc si vous voulez jouer et repartir avec ça, ce qui est plutôt sympa pendant les grandes vacances, hein, première classe en plus, attention. Hein. C'est bon ça. Première classe, vous partez où vous voulez. Vous appelez donc le 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. On jouera tout à l'heure. Donc si avant vous êtes une fille, vous voulez m'appeler, vous n'hésitez pas. Ouais. Mais là, c'est pas possible, malheureusement. Ah bon. Non, c'est physique. Y a Lilou qui dit vos conneries m'avaient manqué quand même. Ah bah oui, bah toi aussi, tu nous as manqué, Lilou. C'est pas bien d'être parti comme ça là. Y a Amy aussi. C'est possible d'avoir un message de bienvenue pour mon cousin Alexis qui vous écoute. Oui, on peut éventuellement te mettre un message de bienvenue pour ton cousin Alexis qui nous écoute. Y a pas de problème. Bonjour devant Dieu, je cherche ton passe à toi. Je t'encule toi et toute ta famille. Voilà, Amy. Y a Thomas également en toff. C'est quoi ce bide? Ah bah oui, c'est tout à l'heure, évidemment, avec le répondeur quand on a appelé pour les gros seins là. Et on a également Nicolas qui dit Minecraft, c'est le super jeu. Et Brandon qui dit je mérite un coup de pelle. Hier, je me suis endormi, mort de rire. Moi, ma console préférée, c'est la PS3 et le jeu, c'est NFS. Voilà pour le coup de pelle. Tu l'as eu. Et avant de terminer avec les gros seins, avec Mamadou, avec Thomas, avec Mélie, avec Jean-Loup également, eh bien, je voulais vous demander s'il y avait des trucs sur lesquels vous avez fait un scandale pour être remboursé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'acheter un truc dans un magasin et puis retourner en tapant un scandale pour dire je veux être remboursé, c'est une honte, c'est dégueulasse, c'est scandaleux, etc., etc. On t'entend mal, Toff. J'ai dit moi non. Ton micro, ça marchera pas. Non, voilà. Moi non, mais ma mère, ouais. Oui, ça m'étonne pas, tiens. Non, mais ma mère, c'est la championne du monde pour ça. Ah, il y a une petite histoire là. Ouais, j'en ai plein. J'explique d'abord l'histoire. Il y a un Américain qui s'était acheté une nouvelle Porsche. Jusque-là, sympa. Jusque-là, pépère. Sauf qu'il a eu plein de problèmes avec la Porsche. Il a demandé à Porsche de lui rembourser ou de lui remplacer. Ils ont pas voulu. Et donc, du coup, il a fait un scandale sur Facebook et Twitter au point que Porsche a fini finalement par accepter à faire marche arrière. Et donc, ils ont accepté la demande. Il a donc reçu une Porsche toute neuve. Putain. Voilà. D'où ma question. Est-ce que vous avez déjà tapé un scandale? Et si est-ce que vous avez déjà été remboursé ou pas? Ça peut être de la mauvaise foi. Dieu sait que j'ai déjà fait ça à maintes et maintes reprises. L'exemple de maman Celui dont j'ai le plus honte. Attends. Merci. Celui dont j'ai le plus honte, c'est donc on est dans une très grande surface. Ma mère achète, je sais plus, une sauce à la con. Donc elle arrive à la maison, elle ouvre le pot et en fait c'est tout moisi à l'intérieur. Donc soit quelqu'un avait déjà ouvert le pot et l'avait refermé. Enfin bon, bref. Et donc ma mère va retourner dans cette grande surface pour se faire rembourser le pot. Et donc, en là, mode vénère. Et là, en mode vénère. Ah mais pourquoi elle arrive pas en disant oh, écoutez c'était moisi, bon, ah, non, non, on l'a remplacé. C'est la merde de toi. Et donc, ouais c'est ça. Donc là la meuf fait à l'accueil super gentille, lui dit oui pas de problème madame, il y a pas de souci, vous avez le ticket, ma mère donne le ticket. Et donc elle va pour lui faire un bon d'achat. Je rappelle que le prix de la sauce est de 2,40€ grand max. Ouais. Et là bien sûr ma mère qui fait un scandale parce qu'elle veut les 2€ en liquide. Donc elle a meute. Elle les a eu en liquide dans le pot là. Et donc elle a meute toute la direction de la grande surface. Oh là là. Pour fi, le mec lui dit au bout. Et je pense que le mec en fait lui a donné 2€ de sa poche et il a pris le bon d'achat pour lui. Oui bah oui en fait. Et voilà, et donc retourne dans le magasin, racheter le même pot. Exactement. Non, t'es pas sérieux. Elle va à la caisse. Mais elle est pas sérieuse. C'est véridique. J'avais honte, je te jure, véridique. Surtout après quand tu repasses à la caisse. Bon, je reprends le même. Véridique. Et j'avais honte. Non mais n'importe quoi. Bon bah dites-nous si vous avez déjà tapé des scandales justement pour être remboursé ou pas. Moi ça m'est arrivé. Bon pour l'instant j'ai pas encore été remboursé. Mais pour le coup j'étais dans mon droit. J'étais dans mon vrai droit. Aux dernières vacances, vous savez, j'avais raté. J'ai fait l'émission en direct de New York improvisée puisque oui. Bah il y a eu la neige à New York, tout ça c'était un bordel. Mais avant cela, il y avait j'avais un petit avion qui devait m'emmener justement jusqu'à je sais même plus où. Jusqu'à Porto Rico. Sur une petite île et donc je devais prendre ce petit avion, un petit avion local, donc je fais l'aller sans problème et au retour le vol est annulé, donc je vais voir les mecs de l'agence et je leur dis bah alors je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Oui en fait c'est parce que les pilotes ont trop volé hier, aujourd'hui doivent se reposer. Ah bah c'est normal, ils sont fatigués, comment ça ils doivent se reposer? Bah oui ils doivent se reposer, donc ils peuvent pas voler. Je fais ouais mais bon moi je dois, j'ai un avion dans 4 heures, moi il faut que je rentre chez moi. Ah oui non bah écoutez bah là il va falloir revenir demain et encore là demain c'est samedi donc à mon avis si vous avez un vol pour lundi vous devez vous pourrez être content. Non mais attendez vous êtes pas sérieux là. Donc du coup je me suis arrangé, j'ai pris un autre avion d'une autre compagnie, j'ai fait effectivement un scandale pour être remboursé et je n'ai jamais eu de réponse. Ah merde. Donc les mecs quand même m'ont quand même laissé en plan. Ah oui mais moi c'est pareil, je m'étais fait fister que dernière vacances, donc pas celle-ci mais celle d'avant, où je prends l'avion avec un bagage en cabine, ouais. Les mecs me laissent partir et au retour les mecs me demandent 45$ ah oui, pour oui. pouvoir reprendre l'avion. Ah oui ça m'est déjà arrivé aussi, ça. Moi aussi avec, ouais. Avec la même valise. Voilà, même compagnie, même valise, à l'aller, tout est gratuit, au retour, ah ouais monsieur, faut payer la valise, bah oui mais à l'aller. Ah ouais mais à l'aller vous pouviez. Ah ouais. Et donc alors je fais quoi? Je l'abandonne la valise. Et en plus le pire c'est que ils te font bien galérer parce que t'arrives au desk pour monter et juste au moment où tu montes dans l'avion le mec il te dit ah ouais c'est 45$ sinon, ah ouais. Sinon vous restez là. Voilà c'est ça, donc t'as pas le choix, t'es mis devant le fait accompli. Et donc j'ai demandé à être remboursé et bien évidemment. Dans le cul. Bon, moi j'avais répondu. Évidemment. Bon, bah dites-nous si vous avez déjà été remboursé, enfin si vous avez déjà tapé un scandale pour quelque chose comme la mère de Toff là. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Est-ce que ça t'est déjà arrivé toi Thomas de Lyon? Oui, ça m'est déjà arrivé. Ah, vas-y, t'as fait quoi? Alors tu parles des remboursements, c'est ça? Des remboursements, enfin pas spécialement remboursement, mais scandale. Le fait d'avoir été gueulé pour être remboursé ou faire un truc. En fait, j'avais acheté une paire de chaussures. Ouais. Pour le sport et si tu veux j'ai joué avec pendant 6 mois et ce qui s'est passé c'est que la bulle de dessous est sortie. D'accord. Alors du coup je pourrais plus du tout l'utiliser, donc du coup je suis retourné, je l'ai expliqué, m'en a redonné une paire toute neuve. Ah bah ça va. Non, donc, super. Cool. Non mais toi tu l'as fait super. Encore en mode à la cool. Ah bah ouais, je suis allé, je l'ai expliqué, c'est pas normal, moi j'ai fait oui. ça il y a pas longtemps, voilà. Bah voilà. Dit, ok, pas de soucis, je cherche pas. Hop, il m'en a passé une toute neuve. Bah moi ça m'est arrivé de faire Joe la mauvaise foi. Hein. C'est-à-dire que tu sais, j'avais besoin. Je suis même plus que c'était. Je vais prendre un exemple, t'achètes un téléphone, t'as les écouteurs dedans, t'as la prise, tout ça. Et donc du coup, moi je l'avais ouvert et j'avais remplacé. Donc mes écouteurs étaient foutus, j'avais remplacé les nouveaux écouteurs par les anciens. Et puis après je suis retourné à la boutique en disant non bah écoutez finalement là bon ça va pas le truc, regardez les écouteurs sont pétés. Il me dit, bah écoutez c'est pas possible. Mais je le faisais directement, c'est genre j'attendais pas d'arriver chez moi, je le rapportais le lendemain parce ouais. que là ils pouvaient s'imaginer que j'ai moufouté de leur gueule. Non je le faisais, j'achetais, je rentrais dans ma voiture, je faisais l'embrouille, je revenais 5 minutes après, je dis attendez, je viens de l'ouvrir, regardez les écouteurs. Ah oui, on est désolé, ouais. Monsieur, on va vous donner une autre boîte. Et du coup, bah comme ça, j'étais pépère, quoi. Mais ça, c'est moi, c'est super. Ça, ah oui, ça marche. Hein. Bon, c'est des escroqueries, attention, hein, mais ça marche. J'ai déjà fait plein de escroqueries du jour. Ouais. Genre t'as besoin d'un truc, mais tu sais, enfin tu sais que tu l'as besoin juste pour 3-4 jours. Tu peux pas le louer, tu vas l'acheter dans n'importe quelle grande surface. Tu l'utilises, tu le réemballes bien, oui, tu le remets voilà. bien. Non, bah en fait j'en ai pas besoin. Et comme de toute façon il le déballe pour vérifier que tout est dedans. Exactement. Il le voit pas. Exactement. Parfois t'oublies de mettre des câbles ou des trucs comme ça. Enfin bon, tu gagnes un peu quoi. Bon et donc du coup Thomas, toi à la base tu nous appelais pour les seins, toi. Tu préfères les gros, les petits? Dis-moi. Bah moi je préfère les gros, ça c'est sûr. D'accord, bah, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce que t'appelles gros? Parce que là, pour qui tu sais, c'est pas énorme, mais c'est vrai que Ouais, c'est, moi je trouve que c'est excitant des gros seins d'une femme. Oui. C'est la première chose que je regarde, moi. Sur une femme, c'est la première chose que je regarde. Oui, oui, non, mais bah, d'accord, ok, mais qu'est-ce que t'appelles gros? Bah gros, je dis pas du F ou du... Ah, mais du F déjà... Ah ouais, non, mais ça c'est énorme. Non, mais ça c'est énorme. Après, je te parle du C, du D, ça c'est bien ça. Oui, voilà, ouais, c'est pour, D, moi, c'est pas mal. Pour moi, C, ça tient dans la main. C'est parfait quand ça tient dans la mais main. C'est pas si faut gros pas que ce soit ça, trop. Le... Après, faut voir la gueule de la main aussi. Mais... Le C et le D sont pas si gros. Bah, si, c'est. Non, si, D, c'est quand non, même D, déjà balèze. D, hein, c'est déjà pas mal. D, ça, oui. commence à être balèze. On voit que Polo n'en voit pas souvent. Oui. Non, mais voilà, non, mais c'est juste que. Ça, après, ça dépend de la main. Mais non, C, c'est une bonne moyenne haute. B, c'est une moyenne basse. Bon, A, c'est petit, hein, ça, y a rien à dire. Oui, oui, c'est. Et puis, A, c'est vraiment petit. Ah, ouais, et puis D, là, on commence vraiment à aller dans du high level, là, quand même. Ah, hein, ouais, ça, c'est clair. Et tu passes sur du E, après, là, on devient vraiment sur quelque chose d'encore plus. Ah, bah, c'est ça, c'est ça. Attends, il y a également Mamadou qui est avec nous, là. Salut, Mamadou. Salut. Ça va? Ça va, et vous? Très bien. Toi, t'appelles pour les paires de seins aussi, toi? Oui, voilà. C'est Mickaël. Oui, c'est Mickaël, Mamadou. Ah, Mickaël, c'est toi qui j'entends à la radio, alors. Ah, bah oui, c'est mieux. Oui. C'est pour ça que tu m'appelles, Mamadou. Ouais. Bon, alors, Mamadou, tu préfères les gros ou les petits seins, toi? Ah, moi, c'est les gros seins. C'est les gros? Moi, voilà. Moi, c'est comme au pays, tu vois, c'est les gros seins. C'est d'accord. Ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. D'accord, ok. Mais quelle taille? Le plus gros. Les plus gros. Tu vois les fesses des hippopotames, là? Ouais. Tu veux les mêmes, mais en seins? Hein? Tu veux les mêmes, mais en seins? Voilà. D'accord. C'est comme ça, les bébés, là, ils peuvent... Oui, ils peuvent téter, tout ça, ils peuvent tout faire, quoi. Et comme en plein, c'est dur d'avoir des boulots. Et là avec les seins. Je comprends le rapport, Mamadou, avec les seins, les enfants, tout ça. Moi, je demandais simplement si ça faisait mal au dos ou pas. Faut payer les femmes. Mais oui, mais je vois pas le rapport, non, Mamadou. On peut pas les payer. Pourquoi les payer? Parce que là, vous avez dit, si les gens ils aiment bien les gros seins, on appelle. Oui, tout à fait. Non, mais à la base, j'avais demandé aux filles d'appeler pour savoir si effectivement, comme le disait la blogueuse, est-ce que ça fait mal au dos, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? La blogueuse disait que ça faisait mal au dos, que c'était pas bien, que tous les mecs regardaient dedans, que c'était limite gênant en fait, hein, finalement. Et donc voilà, et après j'ai demandé aussi aux mecs ce qu'ils préféraient, les grands ou les petits. Donc toi tu préfères les gros, Mamadou? Moi je préfère les gros, comme ça moins les allocations familiales. Qu'est-ce que tu racontes, Mamadou? Tu parles de... Il va n'importe où, n'importe comment. Bon attends, Mamadou, et Thomas, donc toi c'était sur les gros aussi, hein, c'est ça, hein? Thomas? Oui, pardon. Et toi, c'était les gros aussi, hein? Exactement. Très bien. Étonnant, je n'ai pas eu de garçon qui préférait les petits. C'est bizarre. Ouais, c'est étonnant. Bon, bah, merci Thomas, en tout cas, d'avoir appelé. Hein. Bah, c'est vous, merci à vous. Et puis, tu reviens quand tu veux. Pareil pour Mamadou, je t'embrasse. À bientôt, merci beaucoup, Mamadou. Vous retournez tous les deux chez Sandro au standard. Et puis, vous revenez quand vous voulez, surtout. Il n'y a aucun problème là-dessus, évidemment. Restez bien là, puisque nous avons encore plein de messages qui sont arrivés. Il y a Bloulou qui dit: vous vous rendez compte, c'est du lourd des seins, même avec des. C'est lourd des seins, même avec des soutifs. Ah, mais oui, mais attends, mais moi, je m'en rends bien compte, c'est clair. Il y a Jérémy Titi aussi. Ah! Le pâtissier. Ah. Coucou toute l'équipe. Alors vous voulez que je vienne avec des macarons vanille demain pour ton anniversaire? Ah bah oui, Jérémy Titi, évidemment. Ouais, je veux bien là. C'était mon anniversaire le 19 avril. Moi je m'attendais à un petit macaron géant avec une petite bougie. Enfin je sais pas moi, quelque chose. Non mais. Un macaron géant avec une voilà. Bougie. Mais si je peux faire une commande, Jérémy Titi, tes derniers étaient très bons, mais j'aimerais bien les full vanille, voire des spéculoos, mais je sais pas si tu peux faire ça. Mais les full vanille, parce que t'as mis de la pâte d'amande en plus dedans, c'était pas mal, mais les full vanille j'aime bien aussi. Donc voilà, je fais ma petite commande comme ça. Hein. Oui, voilà. Bah, tant qu'à faire, autant demander. Bah, évidemment. Nadia également qui dit: moi j'avais une amie au lycée qui faisait du 90 E, elle souffrait car trop gros modèle, mal du dos au quotidien. Bah tu m'étonnes. Et Pierre qui dit: moi je me suis fait cambrioler, ma mère est allée à la Fnac, elle avait une facture, ils n'ont pas voulu rembourser, du coup ma mère a gueulé. Et en plus je me suis refait cambrioler il y a pas longtemps et la Fnac n'a pas voulu rembourser encore une fois. Et donc ma mère a encore plus gueulé. Oui, a-t-elle été remboursée au final? Pas sûr. Et Caracal qui dit: scandale, ma mère est allée au McDo avec sa carte, elle est pas passée à la borne où on commande. La fille commence à lui dire: oui mais vous n'avez pas d'argent, pas besoin de venir. Ma mère sort, retire 5 euros, retire un billet de 500 euros et lui ramène et lui sort: ah non effectivement j'ai pas d'argent, depuis on mange plus au McDo. Ouais, effectivement. Moi, les seules fois où j'ai fait scandale, puisque ça n'intéresse personne, c'est quand ils m'ont perdu mes valises. Ça n'a rien à voir avec de l'achat. Bah, ça arrive tout le temps ça. Voilà. Non mais c'est un scandale. Oui c'est vrai. Voilà, c'est tout. C'est vrai, mais en même temps t'as pas retrouvé. Non. Ouais, jamais on t'a rappelé ni rien. Voilà. Il y a Romain qui dit aussi, la mère de Toff a tapé un scandale quand elle a acheté Toff. Oui, peut-être, elle a peut-être dû aller gueuler au service après-vente, mais bon. Mais ils n'ont pas remboursé. Ouais, Aria aussi, j'avais fait un scandale pour des chips et du coca, car le mec avait m'avait arnaqué de 5 euros. Là, c'est différent. Bah oui, évidemment, il y a Alexis qui dit, je pourrais avoir un message de bienvenue, je vous écoute. Depuis Saint-Pierre-et-Miquelon. Non, ah, c'est non. Alors, pour ceux qui localisent pas bien l'endroit, ça se trouve tout près du Canada. Bah, c'est une île qui se trouve à côté du Canada, du côté est du Canada, c'est une espèce de mini-île française. Et putain, Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors ouais. Si j'avais imaginé qu'un jour on aurait des auditeurs de là-bas. Mais on a un émetteur ou par internet? Non, non, par internet. Ah, oui. Non, je crois pas qu'on ait un émetteur à Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais donc, là, il est quelle heure là-bas? Il est bah, il y a 6h, 5 ou 6h de moins. Il est demain, 14h de demain? Non, et, non, non, il est 17h d'aujourd'hui. Putain, il y a 5 ou 6 heures de moins, je sais plus. Donc dis-le, bah écoute, bienvenue à toi en tout cas. Comme quoi, tu vois, tout le monde est bienvenu ici, il n'y a pas de problème. Bon, on va récupérer Mélanie qui est avec nous là. T'es là, Méla? Oui, je suis là. Ça va bien? Tu veux la métro? Ouais, ça va, ça va. Tant mieux, tant mieux. Faire comme si j'avais pas entendu cette vanne de merde, Toff, pour lui rendre service, évidemment. Non, bon, alors, drôle, moi, Mélanie, avant de faire le jeu SNCF là, enfin, je dis le jeu SNCF, mais c'est le jeu qui va vous permettre de partir n'importe où en France, en train, en première classe avec la personne de votre choix. Le principe est donc très simple, on va appeler quelqu'un au hasard, enfin pas au hasard, on va appeler un de vos potes, vous lui faites croire qu'il doit préparer ses valises et qu'il part demain, Ouais. Si il décroche, enfin si il dit ok c'est bon, banco, on y va, eh bien vous repartez avec deux billets pour aller avec la personne de votre choix. Et là où on est comme des enculés, c'est que vous n'êtes pas obligé de partir avec votre pote. Ah oui, vous pouvez partir avec votre copine, vous pouvez partir avec qui vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de partir avec lui ou avec elle que vous allez appeler ce soir. Et c'est ça que j'aime bien comme jeu, tu vois. Ah, c'est ouais. Quand même, c'est quand même un jeu d'enfoiré, j'adore. Bon, Mélanie, avant de faire le jeu, on va donc parler avec toi. T'appelles du Morbihan et tu as trouvé le journal intime de ta mère. Et en tant que personne très classe, bien sûr, tu as tout lu. Oui, tu n'as rien lu. Non, non, j'ai rien lu du tout. Ah bon? Non, je rigole, je rigole. Ah. J'ai tout lu. C'est pas bien. Tu connais mal. Tous les secrets non. de ta mère maintenant. Ouais. Mais pourquoi t'as fait ça? Non, non. Mais c'est parce que tu sais, au début, je croyais que c'était un cahier de mon frère. Il y avait ouais, marqué, genre. Bah oui, bah, l'écriture se ressemble. Bah oui, c'est non, ça. Non, mais vraiment, c'est un vieux cahier de mon frère de CM1. Et puis, j'ai regardé vite fait. Et puis, j'ai reconnu l'écriture de ma mère. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit? Bah, voilà. Bah, elle parle. Bah, déjà, ça a été écrit en 2003. Ça fait un peu longtemps. Ah oui, ça fait un bail, effectivement, ouais. Ouais, et bah elle parle tout le temps de quelqu'un dont elle était amoureuse alors qu'elle était mariée avec mon père depuis 12 ans. Oh merde. Ah merde. Ah ouais, ça fout les boules, ça, par contre, hein. Ouais, c'est pour ça que je vous ai appelé, c'est pour savoir s'ils doivent lui en parler ou si... Bah, si c'est ça, hein. Mais ils sont encore ensemble aujourd'hui, tes parents? Non, ils sont divorcés. Ah, oh, bah ça va. Non, à cause de ça? Ouais, à cause de ça ou rien à voir? Non, non, rien à voir du tout. D'accord, ok. Bon, écoute, après, lui en parler, non, je crois pas que tu dois lui en parler. Après, elle fait sa vie, hein. Parce que, tu sais, je voulais retrouver la personne dont elle parle et puis les mettre en forme. Oh, c'est mignon. Mais tu sais oui, qui mais... c'est, vraiment ou Non, je sais pas. Ah bah, c'est compliqué, là, t'as aucun indice. En même temps, en passant... non, aucun indice. C'est pour ça que je me suis dit, en passant à la radio, peut-être que... Ah bah oui, mais bon... nous écoute et bah, tout. Ouais, mais le problème, si tu veux, c'est que c'est compliqué. Si tu sais, bah, tu connais même pas son prénom ni rien, comment tu veux qu'on le retrouve? Non, rien du tout. Bah oui, c'est compliqué, mais j'y arriverai, je m'en fous. Mais dans le cahier, elle met des indices? Ouais, alors déjà, attends. Comment se prénomme ta mère? Florence, elle habite dans quel coin? Avec moi, dans le Morbihan. Et en 2003 aussi? Non, en 2003, on était dans la région parisienne. Eh ben voilà, donc déjà, il faut le préciser, parce que le gars, si elle l'a connu à ce moment-là, en 2003, eh ben, c'était la région parisienne. Donc d'accord, où ça dans la région parisienne? Tu en sais un peu plus ou pas? Bah en 2003 c'était l'année de naissance de ma soeur, c'est-à-dire qu'on devait être soit dans le 28, soit dans le 94. D'accord, ok. Tu connais pas son prénom, mec? Non, tu sais pas? Non, il n'y avait pas marqué du tout. D'accord. Bon bah en gros oui, on a pas beaucoup plus d'infos, hein. Ouais, c'est ça, oui. Non, je sais qu'il est parti à l'étranger pour travailler. D'accord. Marqué dedans, que bah elle devait travailler avec lui, je sais pas, c'est déjà, ouais, c'est ça. Patron. Non mais déjà t'as des indices là. De oui, travailler ensemble. Donne... Ouais. Et donne, c'est donne, professionnel déjà. Et donne la première lettre du nom de famille de ta mère aussi, ça. L. Elle, d'accord. Bon, bah, déjà. En ce temps-là, c'était elle. Ah, en ce temps-là, c'était. Bon, bah, c'est le principal. C'est en ce temps-là que c'est intéressant. Donc, bah, si jamais vous vous reconnaissez, quel âge doit avoir le mec aujourd'hui, tu sais pas? Je sais pas, une quarantaine d'années, puisque ma mère a 45 ans, du coup. À peu près, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, à peu près. Ok. Bon, écoute, on va essayer. Alors, je te promets rien, alors là, mais loin de là oui. même. Des fois que cette personne se soit reconnue, des fois que un miracle se soit produit ce soir. On ne sait jamais qu'il n'hésite pas à nous rappeler ce miracle. Hein. 01 42 48 5000. Si jamais il est en Belgique, 02 851 4x0. Et puis bah reste avec nous, Mélanie. On va demander aux autres, tiens, est-ce que vous êtes déjà tombé sur les journaux intimes de votre frère, de votre sœur, de vos parents éventuellement? Est-ce que vous avez lu comme des enfoirés? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Bah là aussi, vous nous appelez, vous nous dites, hein, tout ça. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon, bah, Mélanie, du coup, tu restes avec nous. On aura Anne-Lou dans un instant. Olivier qui va nous parler de son remboursement et du scandale qu'il a fait. Et puis là, le résultat de la colle avec Evan. Je n'ai pas les mains dans les poches, mais on m'attribue un empire. Qui suis-je? Si vous avez la réponse, à vous de jouer. Vous allez sur le Facebook, vous venez nous rejoindre. Tapez Mickaël officiel. Il y a la colle qui est écrite sur le Facebook. Vous y répondez et dans moins d'un quart d'heure maintenant, eh bien, on prendra un gagnant ou une gagnante qui repartira avec 200 euros de bon d'achat pour aller faire la folie dans les boutiques. Et Dieu sait que c'est valable dans une centaine de boutiques. Hein, donc vous êtes tranquille. Hein, il y a d'office au moins une boutique que vous allez kiffer à l'intérieur. Donc si vous voulez gagner, bah, je vous souhaite bonne chance. Vous venez nous rejoindre, tapez Mickaël officiel sur le Facebook de l'émission. Allez, restez là, je vous l'avais promis, le son de Pitbull. Il arrive dans un instant, We Are One sur Fun Radio. Pendant que le Doc, Karima et Karel sont en vacances, Mickaël s'occupe de vous tous les soirs, de 20h à minuit. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël No Limit, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 20h à minuit, sur Fun Radio. Exactement, on est en direct sur Fun. Il y a Carole qui dit on était au Cora et la caissière parlait avec la cliente de ses tatouages. La cliente se gênait pas, elle mettait sa jambe sur la caisse pour montrer les tatouages et tout. Alors mon père, il a gueulé, la caissière a dit si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à aller voir ailleurs. Alors mon père, après, il s'est plaint et on n'a plus revu la caisse, mais ailleurs dans le magasin. Ah bah oui, bah écoute, c'est pas mal. Ah, elle a dû se faire engueuler un peu. Ah, un peu, ouais. Lilou aussi, demande-lui de parler de ses premiers amours, genre t'es amoureuse d'un mec en secret, etc. Ah oui, bonne question ça, Lilou. Tiens, je vais en parler dans quelques minutes. Avec Mélanie. Allez, restez sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. On est en direct hein, jusqu'à minuit. Spécial toute la semaine, 20h minuit pendant les vacances. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous voulez participer au Top Twittos hein, pour gagner des sextoys à faire part, passagedudésir.fr. Et ben la règle est très simple, il suffit simplement de balancer un maximum de messages sur Twitter avec le hashtag MIKL20H00H. Donc MIKL 20h minuit. Je compte sur vous. Bienvenue si vous arrivez 22h10, Mickaël No Limit au cœur de 30 minutes sans pub avec le son de Pitbull comme promis. Et Julio, maintenant c'est We Are One sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël No Limit de 20h à minuit sur Fun Radio. Et en direct, hein, 22h14, il y a Jeanne Françoise qui dit imagine le mec de sa mère, c'est Jean-François, la déception totale. Bah, oui, bah, ah ça, ouais, c'est clair. Drôle. Oui, bonjour, c'est Jean-François. Ah, évidemment. Non, attendez, il faut que je vous le présente parce que c'est vrai que on fait 20h minuit là, il y en a plein qui nous connaissent peut-être pas forcément, qui viennent de débarquer, etc. Donc Jean-François, c'est lui. Voilà, c'est ça, c'était lui, c'était... Ah, il mouille. Voilà. Si, je commence à bander, mais il faut que je boive un café avant. Voilà, donc avant de bander, il faut qu'il boive un café avant, c'est lui Jean-François. Hein. Ouais, je veux bien qu'il me brande, je veux bien. Voilà, il veut bien, bon bref. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'écoutent pas forcément l'émission de 23h à 2h la semaine, eh ben Jean-François, c'est à lui. Donc imagine, c'est vrai, ça peut tomber comme ça sur Mélanie, quelle horreur. Bon, on reparle avec elle dans quelques minutes. Mélanie qui a trouvé le journal intime de sa mère, elle s'est rendue compte qu'en 2003, sa mère kiffait un autre homme. Et bah du coup, elle voudrait retrouver cet autre homme. On va en parler dans quelques minutes. Il y a Elodie dans quelques instants également qui va débarquer. Olivier pour parler de remboursement. T'es là Olivier? Ouais, c'est bon, je suis là. Tant mieux, impeccable. Et puis on va jouer aussi dans quelques minutes pour vous envoyer partout en France pour aller faire un aller-retour hein, en train. Voilà, première classe, partant en vacances, ça marche jusque fin août. Donc plutôt bon élire quoi. Plutôt bon esprit pour les vacances. Ça peut être même parfait. On va jouer, ce sera avec Clément dans quelques minutes. Bon Olivier, 24 ans de Rennes, toi tu voulais parler de remboursement puisque il y a un mec, un Américain qui s'est acheté une Porsche. Elle allait pas bien apparemment. Il a voulu se faire rembourser ou en tout cas qu'on lui remplace. Porsche a dit non. Du coup, il a fait un scandale sur Facebook et Twitter. Twitter. Résultat, Porsche a fait marche arrière et lui a donné une toute nouvelle Porsche. Et donc, on voulait savoir si ça vous était déjà arrivé de taper un scandale pour un oui ou pour un non. Et est-ce que vous avez été remboursé? Comment ça s'est passé? Etc, etc. Stop! Ouais. Ça y est, Sandro a ramené le, l'énorme fond chocolat avec tous les Mars, les sneakers à l'intérieur. Allez! Non, mais c'est Polo qui m'a forcé. Ouais, c'est ça. Oh, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai! Bah quoi? Hein, c'est improbable. En plus, c'est une auditrice qui me l'a envoyé pour mon anniversaire. Bah, mais je le remercie d'ailleurs. Tout à l'heure, tu m'as oui, mais vas-y, bah, si tu veux, moi, c'est pas de problème. Et elle va bouffer, hein, ça y est. Ah bah elle a faim. Alors que regarde, hein, alors qu'il y a de l'ananas qui t'attend ici. Voilà, bah, c'est ça. Des ananas, moi je les mange. Ouais, bah il en veut pas. Il est en train de le sucer devant moi. C'est ça, ouais. Bon, Olivier, bah, t'inquiète pas, elle va bouffer l'ananas plus les chocolats, hein, t'inquiète pas. Oh là là. Bah voilà. Elle m'en laisse un peu quand même. Ouais, ouais, non, mais que dalle, Olivier, elle va rien te laisser, tu vas voir. Là, elle mange un ananas pour se donner bonne conscience et après, elle va bouffer le chocolat comme une vache. Ah, non, mais je commence demain. Oui, bah oui, bien sûr. Oui, bah c'est ça, commence demain seulement. Bien sûr. Ma tête que je commence demain. C'est ça. Bon, t'as fait longtemps que t'as plus de tête alors. Hein. Bon, Olivier, alors toi, tu veux nous parler remboursement. T'as fait quoi pour te faire rembourser, dis-moi? Bah, du coup, moi, en fait, j'ai acheté un portable en octobre chez SFR, un iPhone. Ouais. Et en fait, du début jusqu'à la fin, il n'y avait pas de couverture réseau. Ah, ça passe. Ça marche moins bien, du coup. Hein. Ouais, ça marche moins bien. Donc, du coup, bah, j'appelais. Il me disait, oui, on est en train de réparer l'antenne relais. Et puis dans 48 heures c'est fini. Ah ouais. Et puis en fait ça a duré 4 mois comme ça. Pendant 4 mois t'as eu un téléphone qui coûte la blinde et sans avoir de communication possible. Voilà c'est ça. Et j'ai dit au bout d'un moment, j'ai dit faut arrêter de me prendre pour un jambon quoi. Pour un jambon? Ah bah ouais, chez nous c'est comme ça, c'est la Bretagne. Hein. Oui, non mais bien sûr, mais bon, parce que t'aurais pu dire pour me prendre pour un con, mais non, pour un jambon. C'est l'expression que je connaissais pas, mais très bien. Alors, c'est plus poli, tu vois. Oui, c'est vrai, non mais c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, les amis de Tof devraient s'en inspirer, effectivement. Bon, ouais, moi je suis allé chez un autre opérateur, ils ont été beaucoup plus cool. Ah ouais? Ouais. Ça marchait pas, ils m'ont dit, ouais, bah, on est désolé. Oui, mais ça arrive. En fait, le problème ne vient pas de la marque. Ça peut être SFR, ça peut être Orange, ça peut être n'importe quoi. Ça dépend du mec qui est derrière et qui va, oui ou non, s'il va être de bonne humeur. Parce que dans l'idée, tu vois, c'est comme ton banquier. Quand t'as des agios, etc., il peut les effacer. Tu vois, il peut faire marche arrière. Mais si tu tombes sur un mec qui a décidé que la règle était la règle et qu'il avait envie de t'emmerder, il va pas faire marche arrière. Alors que si tu vas voir un banquier, que le mec est cool, qu'il est de bonne humeur, j'en sais rien, et que tu lui dis, voilà, écoutez, c'est la première tu fois. Tu lui as fait une petite pipe avant. Mais tu sais, genre, c'est la première fois, et tu lui expliques pourquoi t'es en retard exceptionnellement d'un ou deux jours. Bon, le mec dit, bon, ouais, écoutez, c'est pas grave, hop, on fait comme si c'était rien passé, on vous les offre les 2-3 jours dans le rouge, et puis bon, bah voilà. Mais si tu tombes sur un connard, bah voilà, et pourtant, ça peut t'arriver à la BNP, et puis pour autant, c'est pas pour autant que la BNP est une banque de merde. C'est que non, tu vas voir un connard. Si c'est parce que c'est le connard qui va être au guichet qui va décider de t'emmerder. Voilà, c'est une belle banque, c'est la Banque Nationale de Paris. Ouais, c'est ça, c'est la banque de Polo. C'est la banque de Polo, c'est pour ça que c'est la meilleure. Oui, et c'est d'ailleurs grâce à Polo que la BNP a pu aller dans tous les pays comme ça, grâce à tous les adjoints qu'il leur a donné. Merci la BNP, je vous aime. Voilà, c'est ça. Suce ta banque. Bon, alors Olivier. Suce ta banque. Et comment ça s'est passé du coup après? Bah du coup là je les ai rappelés début avril, j'ai dit je leur ai gueulé un peu dessus et tout. Ouais. J'ai dit faut vérifier là parce que ça doit pas être vérifié que la zone blanche elle est actuelle quoi. Et là, quelle zone blanche tu parles de quoi? D'un mec qui a éjaculé? Non, attends. Je sais pas, tu me parles de zone blanche. C'est pour ça qu'il marche plus ton téléphone. Voilà, c'est ça. Voilà, du coup ils vérifient quoi. Et du coup, ils me disent, ouais, vous êtes en zone blanche, donc du coup, c'est pas couvert et tout. Il y a 4 mois pour me dire ça. Ah ouais, d'accord, ok. Mais attends, mais ça, c'est l'enfume des opérateurs. Hein. Oui, mais le réseau est couvert, couvre 90% du territoire. Ah bah, il marche pas. Ah, vous êtes dans le pourcent. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas de vol. Bah oui, bah, c'est désolé. Voilà. Hein. Ou 99,9, tu vois. C'est, voilà. C'est, bah, vous êtes pas dedans, vous êtes dedans. Bah, c'est ballot, c'est dommage, c'est malheureux. Bon, du coup, t'as eu un nouveau téléphone? Et du coup non en fait donc du coup bah je leur ai dit que je voulais la résiliation. Ouais. On dit bah oui c'est bon, on va vous faire une résiliation sans frais. Puis par contre je veux la restitution de tous les forfaits que j'ai payés jusqu'ici. Bah oui normal. Et je veux le remboursement de mon iPhone. Et bah j'ai tout eu. Oh putain, t'as eu du bol, c'est bien. Les 85 euros que j'avais payé pour l'iPhone. Ouais. C'est 260 euros de forfait que j'avais déjà versé. Oh bah ça va, tranquille. Bon bah ça va, ils ont été bon esprit, ils ont été cool. Bah ouais, donc du coup un iPhone 5S gratos, tu vois. Bah grave, bah t'as eu la raison, non mais c'est bien. Bon bah merci d'avoir appelé en tout cas Olivier. Ouais, ça marche. Eh, je voulais te dire aussi là. Ouais. À propos des seins. Ouais. Moi, je le jure, hein, devant Dieu, j'ai eu du 85 H dans les mains. Oh la vache. H comme Comme Hawaï. Comme Hawaï. Ouais, ouais, comme énorme. Voilà, c'est ça, énorme. Énorme. Ah ouais, putain. Et alors, ça fait quoi du H? Je n'imagine même pas le truc, en ça fait. Ça met des grandes claques dans la gueule, je te le dis. Ah ouais, mais tu sais que je n'imagine même pas ce que ça peut être, c'est une violence. C'est des ballons, hein. Là, elle s'est fait opérer parce que sinon, c'était fauteuil roulant. Putain, mais oui, mais H, oh, la pauvre, ça mais elle a dû en souffrir, 18 grave. 18 ans, elle avait. Elle avait 18 ans, elle avait du H. Ouais. Oh putain, ah bah je la plains. Bah elle va mieux là aujourd'hui là. Bah ouais, ouais, là ça va mieux là, mais du coup, c'était chaud pour le fauteuil roulant. Hein, bah ouais, ouais. Il y a quelques mois après, c'était le fauteuil roulant. D'accord, ok. Bon bah tant mieux. Voilà. Bon bah c'est et parfait. Alors. Moi j'arrête pas de liker sur Facebook et tout. Ouais. J'ai jamais un cadeau là, je suis pas d'accord. Hein. Bah c'est ouais, scandaleux. Mais regarde, moi je arrête pas de jouer à l'euro million et je gagne jamais, tu vois. Bah ouais, mais c'est normal. Bah c'est pareil. C'est pas l'euro million déjà, c'est l'euro bidon. Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah tu diras ça à ceux qui ont gagné le million, hein, mais bon après. Ouais, voilà. Enfin, voir plus une encore. Dédicace. Allez, vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. Bah, je fais une dédicace à ma petite femme et à ma fille de moi là que j'aime fort. Voilà. Très bien, et bah y a pas de problème, le message est passé. Salut à toi Olivier, à bientôt. Hein. Ouais, merci, salut les gars. Ciao Olivier, bye bye. Allez, on va jouer maintenant, avant de récupérer Mélanie avec son histoire de journal intime. Là, on va prendre Clément de Cergy. Ça va, Clément? Salut, ça va, et toi? Eh ben oui, ça va très très bien. T'es en forme? Ouais, nickel, la pêche. Bon, impec. On va donc appeler un pote à toi? Ouais, une pote. Ah, c'est une pote. D'accord, ok. Et tu vas lui faire croire donc que tu que demain matin, voilà, vous partez pour... tu veux partir où demain matin, soi-disant? On peut partir sur Marseille, ouais, c'est bien Marseille. Eh ben sur Marseille, d'accord, ok. Donc tu vas lui faire croire que demain matin vous partez sur Marseille à deux et que c'est elle qui doit gérer sa valise, tout le bordel, et que demain matin tu l'attends à la gare. Si elle dit ok c'est bon, je suis, tu repars donc avec tes deux places pour partir quand tu veux, pendant à partir de demain en l'occurrence, hein, jusqu'au 31 août, direction où tu veux, en première classe, partout en France. Donc ça peut être Marseille, ça peut être Bordeaux, ça peut être Lille, ça peut être, j'en sais rien moi, Strasbourg, etc., etc. Tu vas où tu veux dans les quatre coins de la France si jamais ça te branche. Et puis en plus de ça, tu repartiras également avec la carte 18-27. Voilà, voilà. Et la carte 18-27, l'intéressant aussi, c'est que tu vas pouvoir du coup partir, tu vas pouvoir faire profiter tes potes également, puisque si vous partez à jusqu'à 4 en tout cas, les 4 profitent de l'avantage de la carte 18-27, donc ce qui est plutôt cool. Bon, ouais. On y va, on l'appelle, comment s'appelle ta pote? Alors elle s'appelle Charlène. C'est ta pote ou c'est ta meuf? Alors c'est ma pote. Et est-ce que c'est ta future meuf? Peut-être. Peut-être. Ah ouais, d'accord, ok. Ça, ça dépend peut-être de nous en fait, c'est ça que t'essaies de nous dire. C'est ça. Bon, ça dépendra surtout de sa réponse. Bon, oui, on y va. Allez, c'est parti, on y va, on l'appelle. Attention, tu lui dis pas que t'es en direct à la radio, tu fais genre on était tout seul avec elle au téléphone. Hein. Pas de problème. Bon, allez, vas-y. Bonne chance. Sinon, on partira. Merci. On enverra Paul. À Marseille. Il adore, c'est lui préféré. Ouais. Allô? Oui, Charlène, ça va? C'est moi. Ah, salut, ça va? Ça va? Oui, toi? Ouais. Ouais, nickel. Je t'appelle, dis-moi, je t'appelle parce que j'ai, j'étais en Belgique là pendant 2-3 jours pour le boulot, ça s'est pas super bien passé et franchement, j'en ai marre. Merde. J'en ai marre, j'ai appelé mon... Non, mais voilà, les installs, le boulot, tu vois, le boulot de commercial, c'est un peu tendu, là, je suis sur tension, le chiffre, je suis pas dans les chiffres et tout, donc ça craint. Ouais. Donc voilà, donc du coup, j'ai appelé mon patron aujourd'hui, j'avais besoin de te parler, et voilà, j'ai posé des jours, j'en ai marre, et voilà, je veux me barrer, je veux changer d'air, et franchement, voilà, moi, je sais pas, c'est des pâtes arrière, sur 8 semaines. Donc voilà, je voulais savoir si demain on se barre, on va à Marseille, tu sais, moi j'ai un cousin là-bas. On va à Marseille, demain matin on prend le. Voilà, je sais pas, on prend demain matin. Ouais, demain matin. Mais t'es en vacances, t'as quelque chose de prévu? Bah non, mais bon, attends, t'as vu à l'heure à laquelle tu m'appelles pour me dire ça, hop, allez, on part demain matin. Bah oui, je sais, mais bon, voilà, Tu sais que le boulot c'est chaud, j'ai posé mes journées et voilà, j'ai posé ma semaine jusqu'à vendredi inclus. Je vais péter un câble, j'ai vraiment. Et ça te prend comme une envie de chier quoi, franchement. Bah oui, c'est bien, voilà. Franchement, moi j'ai vraiment envie de changer d'air et voilà, tu sais très bien que voilà, tu comptes beaucoup pour moi, t'es ma meilleure amie. Oh la meilleure amie, oh là là. Tu sais très bien que tu peux compter sur moi de toute façon, c'est sûr. Bah, j'espère bien, voilà. Maintenant, tu sais que ça me travaille. Je sais, je te prends un peu de cours, mais franchement, voilà. Pas que de cours, il aimerait bien apprendre. Ouais. Hein. Demain matin, quelle heure, quoi? Allez, on vit qu'une fois, tu viens avec moi et voilà, voilà, tu poses pas de questions et puis voilà, tu fais ta valise, on part demain, on vit qu'une fois et t'es en vacances en plus, donc si t'as rien de prévu. Banco, je sais pas, on prend le train de 9h, 9h30, je sais pas, j'ai pas regardé les horaires encore, mais je vais regarder ça. Tu veux, on peut regarder ça après. Ouais. Bah écoute, si tu veux, moi je m'en fous, j'ai rien de plus, alors je veux bien, mais ouais. Bon bah banco, alors on part tous les deux demain. Bah ouais, mais faut que je me mette à préparer les affaires maintenant là. Elle va être déçue après. On part combien de temps déjà, parce qu'il faut que je prévoie en conséquence moi aussi. Bah on part jusqu'à ce week-end, on revient dimanche ou samedi. Ouais, d'accord. Voilà, il suffisait de demander. Très bien. Voilà. Raccroche pas. Non, bon, Charlène. Oui. Bon, en fait, il nous avait appelé, t'es en direct sur Fun Radio là, c'est Mickaël, Charlène. Vrai. Si, et Clément nous avait appelé parce qu'en fait, il aimerait bien casser les pattes arrière. Et donc du coup, ben il a inventé n'importe quoi pour voir si t'allais le suivre éventuellement, voilà quoi. Voilà, mais justement il aimerait bien te retenir, que tu le retiennes. Mais plutôt à quatre pattes. Non, j'irai pas jusque là, mais bon. Il aimerait bien. Bon, quoi qu'il en soit, la règle du jeu a été faite, Clément, comme elle a dit oui. Donc vous ne partirez pas demain à Marseille. Enfin, cela dit, vous faites ce que vous voulez. Mais en revanche, vous avez quand même. Enfin, en tout cas, toi, après, t'es pas obligé de partir avec elle, Clément. Hein. On a dit que c'était un jeu d'enfoiré. C'est vrai. Tu peux partir avec qui tu veux. Hein. T'as deux billets en première classe pour partir avant le 30 août, n'importe où en France, en train évidemment avec la SNCF. Et tu pars, avec qui tu veux. Voilà. Non, ça déchire. Merci beaucoup, les gars. Eh ben, avec grand plaisir. Pas, vous êtes super et tout. Oh, t'as intérêt de m'emmener. Ah bah ouais, mais bon, hey, Charlène, ouais. Hey, Charlène, et comment ça se passe, toi, t'as un mec là? C'est compliqué. Ah ouais, d'accord, ok, ouais. Ah donc il y a peut-être moyen qu'il se passe des trucs. Ah, donc il y a une ouverture. Je sais pas. Oh, ça c'est le je sais pas. Ouais. Ça c'est non, je sais pas qui veut dire beaucoup de choses là. Bon d'accord, ok, très bien, pas de problème. Bonne bourre tous les deux alors. Bah c'est ça, voilà. Et en plus comme t'as 24 ans, tu repars aussi avec la carte 18-27 du coup. Bah voilà, bravo à toi, bravo à Charlène, on va t'enfiler une aussi tiens. Bah merci. T'as quel âge Charlène? J'ai 25. Ah bah parfait, bah tu vas pouvoir en profiter pendant 3 ans, c'est parfait. Bah c'est super. Et je m'en prends une aussi parce que j'ai 23 ans donc oui 23 ans. Oui 23 ça. Maintenant faut faire. Ah oui je suis perturbé, ouais, évidemment. Bon, moi je peux pas moi. Si. Non bah là c'est non. Salut Charlène, salut Clément, à bientôt tous les deux. Merci beaucoup, changez pas, vous êtes super. Mais salut. C'est gentil, gros bisous à vous, bye bye. Allez, restez sur Fun Radio. Je vous l'avais promis, le son de Avicii, on va se le mettre maintenant. Et hop là, le nouveau Lay Me Down, vous allez voir c'est une tuerie. Juste après les appels de Toff, on va récupérer également Guillaume pour parler de remboursement. Il y aura Mélanie qui a trouvé le journal intime de sa mère. On aura Elodie pour en parler. Et puis la réponse à la colle des vannes, c'est juste après. Avicii, Lay Me Down maintenant sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël Me Limite en mode 20h minuit toute la semaine. J'adore le nouveau son d'Avicii, ouais. Avec Lay Me Down sur Fun Radio. Ça, c'est du son. Il pète. Pendant que le Doc, Karima et Karel sont en vacances, Mickaël s'occupe de vous tous les soirs de 20h à minuit. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Exactement, toujours 0-0 d'ailleurs. Hein. J'avais dit que je vous tiendrais au courant. Bon, bah, il s'est rien passé. L'Atlético Madrid face à Chelsea, demi-finale aller de la Ligue des Champions, 0-0. Il reste à peu près 5-6 minutes de jeu. Il y a Elise qui dit ça fait du bien de vous écouter, ça change les idées. Brevet blanc demain. Bah, bon courage à toi et puis bonne chance, surtout Elise. Il y a Valou qui dit j'ai pu coller des autocollants Mickaël No Limit sur les ambulances de la boîte où bosse mon père. Mais j'en ai pas assez. Ah merde, attends, on va t'envoyer. Bah oui, Valou, fais-moi un mail, mickaël@funradio.fr. Il y a Lilou qui dit demande de lui de parler de ses premiers amours. Ah oui, c'est vrai, c'était par rapport à Mélanie. Avant de reprendre Mélanie, on va d'abord donner le nom du gagnant. Enfin, en tout cas, on va appeler le gagnant ou la gagnante éventuelle de la colle d'Evan. T'es toujours là, Evan? Ouais. Bon, très bien. Allez, c'est parti, on y va. On appelle maintenant le ou la gagnante éventuelle, puisque je rappelle que la personne qu'on va appeler maintenant, si elle décroche et donne la bonne réponse, elle repart avec les 200 euros, tu perdras. Si elle ne décroche pas ou qu'elle donne la mauvaise réponse, c'est toi qui gagnes. D'accord? D'accord. Allez, c'est parti, on y va. T'as enterré ta famille, Evan, ou pas? Quoi? Non, je voulais savoir si t'avais enterré ta famille parce que t'as l'air super triste. Ah non, non, non. Ah bon, ça va, me voilà rassuré alors, très bien. Il y a un jour où quelqu'un va me dire oui, je vais avoir l'air bien con. Ouais. Allô? Oui, allô, bonjour, c'est Mickaël, oh. Tu es en direct sur Fun Radio, comment vas-tu? Comment tu t'appelles? Madame Ludivine. Ludivine, et tu vas bien, Ludivine ? Oui, ça va. Très bien. Tu as quel âge, Ludivine ? 21 ans. Et tu aurais peut-être la réponse à la colle d'Evan. Evan, repose la colle, s'il te plaît, Ludivine. Alors, je n'ai pas les mains dans les poches, mais on m'attribue un empire. Qui suis-je ? Alors, Evan, Ludivine, pardon. Le manchot. Le manchot. Ouais. Eh ben, bravo ! Eh ben, 200 euros pour toi, Ludivine. Bon d'achat de 200 euros dans une centaine de boutiques. Tu vas pouvoir dépenser ce que tu veux dans l'high-tech, tu peux dans les sous-vêtements, dans les vêtements, dans les chaussures, dans le maquillage, dans les courses journalières, dans ce que tu veux. Tu voudrais t'acheter quoi, là, avec 200 euros? Je sais pas, je fais construire, donc des choses pour ma maison. Ah bah, pourquoi pas. Eh ben, écoute, nickel. Bah voilà, bravo à toi. Je te fais des gros bisous, Ludivine. Avec plaisir. Tu peux remercier Evan, hein, qui lui repart les mains vides. Désolée pour lui. Ben voilà. Bon, bah salut Evan. Hein. Salut. Oh, ça arrive, t'inquiète, va. C'est pas grave. Tu vas te refaire, je suis sûr. T'inquiète, c'est pas grave. Mais oui. Bon, salut Evan. Salut. Ciao à toi, mec. Bon, ben gros bisous Ludivine aussi, hein. Tu reviens quand tu veux, toi. Ciao. Il y a pas de problème. Salut. À bientôt. Salut. Allez, avant de prendre Mélanie, comme promis, on va donc faire les appels de Tof. Hein. On parlait de gros seins. Oui, de très gros seins. De très gros seins. Si jamais vous avez encore votre avis, d'ailleurs, vous pouvez aussi nous appeler. Hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. C'est une blogueuse qui a dit que les gros seins, c'était plus pénible qu'autre chose. Parce que c'était lourd, parce que les mecs n'arrêtaient pas de regarder. Parce que les mecs qui regardaient, enfin qui discutaient avec cette fille qui a des gros seins, bah, regardaient plus dans ses seins que dans leurs yeux, etc. Bref, ah oui, mais c'est normal, ils sont là, faut même faire quelque chose. Que c'était plus une galère qu'autre chose. Voilà. Donc, on va demander l'avis des amis de Tof. Hein. Mais oui, allons-y. Voilà, c'est parti. On va donc appeler maintenant tous les numéros que vous nous avez envoyés sur le mail de Tof. Allons-y. Ah, pardon, toph@radio.fr. Oh, allez, c'est parti, on y va. Premier appel. À 22h35, 36 même. On y va. Et ça ne décroche pas. Oui, allô ? Allô, oui. Oui, bonsoir, monsieur. Oui ? Oui, voilà, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme avait des gros seins, monsieur. Ah, visiblement, il n'a pas l'air plus motivé que ça à répondre. On rappelle ? Ah bah oui. Bah oui. Allez hop, on y retourne. Allô ? Oui, je m'excuse madame, j'étais en communication avec votre mari, on a été coupé. Oui, de quoi s'agit-il ? Bah, en fait, je voulais savoir si vous aviez des gros seins. Mais bien sûr, t'as une grosse bite, toi ? Normal. Mais Non, ça m'intéresse pas. Salut non. Mon grand. Ah mais attendez, c'est pas la question. Allô. Allô. Oh, ouais, non, bah elle a rien compris. Hein. Bon, attends, on va la rappeler. Rien. Ah oui, attends, on rappelle. Elle a pas aidé, elle a pas compris la question. Ouais. Oui, non, je m'excuse, mais attends. Je suis en train d'appeler la gendarmerie. Si tu veux que ça continue, tu continues à appeler et c'est vite réglé, ok. Mais vous voulez pas répondre juste à ma question, ça sera, ira plus vite. Ouais, ça va. Mais non, gendarmerie, mais... je l'appelle. Salut. Non, mais attendez, allô. Oh, elle est relou, elle, quand même, pour faire un effort. Bon, on rappelle. Allô, allô. Ça n'a même pas sonné. Allô. Prout. Ah, je pense qu'on est tombé sur la petite, là. Oui. À mon avis. Bon, et ben voilà, on va pas insister plus longtemps, c'est pas grave. On en appellera d'autres tout à l'heure. En attendant, retour avec Mélanie. Bon, Mélanie, t'es toujours là, ma belle ? Oui, je suis toujours là. Toujours dans le Morbihan, toujours ouais. 16 ans, ça n'a pas changé. Et oui, toujours et à la recherche. Ouais. Je voulais dire à Tof, j'ai 16 ans, je fais du 95E. Oh, ah oui, quand même. Ouais, quand même, ouais. Ah, ouais. Ah bah écoute, dans quelques années, ce sera parfait. Ah, c'est ouais, ça. Ma pauvre. Et c'est pas ouais. trop. Enfin, tu le vis bien, là, mal, c'est pas trop lourd. Ça le vit pour mon copain parce que ouais, voilà. Ah bah lui, il est au top. Hein. Bah la dernière fois, elle a failli l'étouffer pendant la nuit, hein. Ah non, faut pas abuser quand même. Non, mais au dos, au niveau du dos, la blogueuse, je suis d'accord avec elle parce que franchement, galère. Ça pèse. Hein. Ah bah tu m'étonnes. Non mais c'est vrai, en plus ça doit être vraiment, ça doit être infernal quoi. Et même, tu sais, quand, ouais. Quand tu dois te mettre en bikini, tout ça, etc., ça doit être pénible quand même. Horrible. Ah ouais, tu sais, c'est super gros et tout, enfin bon. En fait, c'est des caches-tétons ouais. pour toi, un bikini. Ouais, c'est ça, ouais. c'est comme les trucs brésiliens, là, ouais. qui cachent vraiment que le téton, ouais. là, ouais, c'est ça. Bon, alors Mélanie, donc toi, tu recherchais, t'as lu le journal intime de ta mère, donc ça c'est mal déjà, ouais. mais enfin, ça part finalement d'un bon sentiment, puisque tu t'es rendu compte qu'en 2003, elle kiffait sur un mec, avec ouais. qui elle n'est pas aujourd'hui. que tu ne connais pas et que tu aimerais bien retrouver. Ouais. Et pourquoi tu veux absolument le retrouver? Parce que ça se trouve, c'est un enculé, en fait. C'est ouais. Ils sont oui, séparés parce que fait, c'est un connard, je sais pas. Ouais, bah en fait, le truc, c'est que, bon, pour vous expliquer l'histoire, elle a divorcé avec mon père. Ouais. Et depuis, elle a jamais eu personne. Ça fait 6 ans qu'elle a eu personne. Et depuis ça, à chaque fois avec mes copains, bah, elle rejette la faute de mon père sur mes copains. Du coup, je me suis dit que si je lui trouvais l'amour de sa vie, eh bah, me lâcherait un peu. D'accord, parce que quel âge elle a, elle? Ça. Hein? Quel âge elle a, elle? Elle a 45. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit tout à l'heure. Bah sinon, attends, on envoie Tof, nous. Hein, bien sûr. 45, ça rentre, oui, non? Bah 45, je rentre dedans direct. Il n'y a pas de problème, merci, viens, viens, y a pas de problème. Oh pas de putain, tu vas voir Tof comme beau-père. Non, mais t'es pas sérieuse, Mélanie. Hein. Ah non, mais il n'y a pas de souci. Oh là là, si, justement, il y a des soucis. Tu me connais déjà. T'inquiète, moi je la démonte. Je connais ma mère. Moi je connais ta mère? Ouais. Ah bon? Quand tu travaillais sur NRJ, tu as fait gagner des places pour aller voir Marie Giblet en concert et ah bah oui, alors enfin bon, mais Mélanie, comme si c'était hier d'ailleurs. Mélanie, voyons, depuis le temps. Oui, c'était voilà. Non mais je l'ai peut-être déjà vu, oui, ça c'est possible. Mais après je me souviens pas. Alors je t'explique. Déjà, les personnes que je croise une fois dans le couloir, voire même deux trois fois, je les recroise le lendemain, je me souviens plus de comment ils s'appellent. Alors, on était venus plusieurs fois dans la station. Ouais, non mais bien sûr, mais bon. Enfin, on s'est déjà vu en tout cas, voilà, très bien. Ouais. Et Tof l'a vu aussi? Oui. Il a dragué ou pas? Non. Mais il osait peut-être pas à l'époque. Non, hein. Bah oui, oui. C'est une daronne, tout ah ça, bah, c'est ça. Jack, c'est bah ouais, il y avait tout le monde, mais donc Tof n'a pas fait l'effort. Non, bon, alors attends, il y a Lilo qui lui demande lui peut-être de parler de ses premiers amours, genre t'es amoureuse d'un mec en secret, que tu sais pas comment faire, etc. pour voir ce qu'elle va dire. Ouais, c'est pas mal ça, pour essayer de lui faire cracher le morceau. Pas mal. T'es genre, tu lui dis, ouais, voilà, t'es déjà tombée amoureuse d'un gars en secret, t'as rien dit, blablabla, tu vois. Mais oui, ma fille. Ouais, bah oui. Ouais. Non, elle me répondra pas, ma mère. Bon. Elle est pas comme ça. Bah, autant, pourquoi tu lui demandes un conseil en tant que fille, hein. Elle est coincée. Mais je vais la décoincer, moi. Ouais, bon, alors attends, il y a Elodie qui est avec nous, là, des Vosges. Salut, Elodie. Salut, Mika. Comment vas-tu? Bonsoir. Bah, ça va? Bonsoir à toi. Bon, alors, Elodie, toi, tu voulais aussi réagir, toi, par rapport à Mélanie, oui. Je vais y arriver. Oui, bah en fait, je voulais réagir parce que voilà, j'ai trouvé le journal intime de la copine de mon père et j'ai découvert comme quoi, en fait, elle tromperait mon père, en fait. Ah, mais c'est bon ça aussi. Ah non, ça c'est pas cool ça. C'est ce que j'ai cru au début, moi aussi, parce qu'on m'a dit qu'elle l'aimait et tout ça dans tout le livre. Je croyais qu'elle trompait mon père pendant le mariage. Et je me suis rendu compte que c'était pas vrai. D'accord, bah, c'est déjà ça de pris alors. Ouais. Et alors après, ouais, t'as fait quoi? Tu lui as dit? T'as fait quelque chose? Bah en fait, comme je suis pas vraiment copine avec ma soi-disant belle-mère, bah en fait j'ai osé rien dire, même à mon père. D'accord, ok. Et donc du coup aujourd'hui? Et ben aujourd'hui, ben ça fait pas si longtemps que j'ai été fouillée dans le portable de la copine de mon père et j'ai découvert qu'elle parlait à un gars qui s'appelait Kekeur dans son répertoire. Kekeur? Attends, mais ça c'est quand même un truc. Comment tu peux appeler quand t'as une deuxième vie, t'appelles ton amant ou ta maîtresse Kekeur ou tu sais mon petit loup, mon petit amour, mon chéri? Attends, mais si c'est pas un truc à se faire griller ça? Oui. C'est quand même ouf. Je veux dire, il y a des gens qui sont quand même, ils réfléchissent pas quoi. Tu peux arrêter de souffler sur le téléphone? Ouais, non mais il y a des gens qui réfléchissent pas. Et donc du coup, t'as fait quoi alors, Elodie, pour finir? Ça fait que en fait j'ai trouvé les messages là, j'ai trouvé que le nom de mon père au lieu de l'appeler mon chéri, c'est Nicolas Toussaint, en fait c'est juste son prénom. Ouais. Et depuis j'ai osé rien dire non plus parce que je veux pas non plus briser le cœur à mon père quoi. Bah oui. Ouais, c'est vrai, mais bon, à côté de ça, c'est bien qu'il le sache hein, si la meuf elle se fout de sa gueule. Mais ce qui est bizarre, c'est pourquoi elle l'écrirait dans le journal intime? C'est chelou parce que tout le monde peut le trouver, tu vois. Tout le monde peut trouver, regarde moi. Bah oui, non, ouais, c'est ça. Ouais, mais là, elle a rien fait. Généralement, t'écris dans un journal intime parce que tu penses qu'on va pas le trouver. Ouais. Ouais, enfin, ça dépend après où tu le mets, ton journal intime. Hein. C'est aussi ça qu'il faut voir. Mais bon, écoute, bon, à voir en tout cas. Bah, merci en tout cas, Elodie, d'avoir appelé. Hein. Est-ce que c'est possible d'avoir un pack fun? Oui, bien sûr, tu vas gérer ça avec Sandro, je la repasse, sans problème. Merci. Je t'en prie. Salut à toi, Elodie. Et puis, bah, Mélanie, eh ben, écoute, si on a encore d'autres conseils à te filer au journal intime, bah, on va pas hésiter à te le dire, hein, ça, de toute façon. Et puis, autre chose également, ce que je voulais dire, c'est que, bah, peut-être éventuellement répéter la description, physique, de ta meuf. Ah non. Ouais, de ta meuf. De ta mère, pardon, afin que cet homme éventuel se manifeste et nous recontacte. Description physique aussi? Bah tout ce que t'as comme info quoi. Combien mesure-t-elle? Ouais, elle s'appelle comment ta mère encore? Elle s'appelle Florence. Voilà, Florence, son ami, c'est un L. C'était en 2003 où elle a rencontré ce mec, dans la région parisienne, dans le 94 ou dans le 28, c'est ça? Oui, dans le 94 ou dans le 28, on habitait Manou avant. Voilà, d'accord, ok. Elle est blonde, brune? Elle est blonde, elle fait 1m70, elle est ronde, bah gros sein aussi, ma mère. À l'époque, ah. Aujourd'hui on s'en fout, hein, c'était en 2003. Hein. Cette famille. D'accord. Bah, c'était pareil en 2003, elle était pareille. Oh ouais, elle était pareille, très bien. Et donc voilà, donc si jamais ce mec se reconnaît, eh bien qu'il n'hésite pas, bien entendu, à nous contacter, et puis on passera le numéro sans problème. Mélanie, je te fais des bisous. À toi aussi, et joyeux anniversaire en retard. Ah bah c'est pas grave, merci quand même Mélanie, je t'embrasse. Gros bisous, oui, à bientôt. Il y a moyen de gratter quelque chose aussi. Oui, bah je vais te repasser Sandro au standard, on va te le faire sans problème. Oh, d'accord. Génial. Salut. Il est cool aussi, moi j'aime bien. Ciao Mélanie, gros bisous. Il y aura Guillaume dans un instant qui va nous parler de remboursement, puisqu'il a gueulé comme le mec aux États-Unis qui a râlé parce qu'il avait acheté une Porsche qui marchait pas bien. Il a voulu se faire rembourser ou en tout cas se faire échanger la Porsche. Porsche n'a pas voulu. Il a tapé scandale sur Facebook et Twitter. Et du coup, Porsche a fait marche arrière. Voilà. Donc on voulait savoir si ça vous était déjà arrivé de taper scandale dans un magasin pour un truc qui fonctionnait mal, qui fonctionnait pas. On vous a remboursé ou pas. Venez, appelez-nous, on en parle. 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Dans un instant, on écoute le son de Clean Bandit. Clean Bandit, ce sera Rather Be. Et c'est sur Fun Radio que ça se passe. Je vous cale ça dans quelques secondes. Love in Fun est en vacances. Mickaël nos limites. Mickaël prend le contrôle de 20h à minuit sur Fun Radio. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël nos limites. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël. De 20h à minuit sur Fun Radio. Ouais, on est en direct sur Fun. Il y a Laura qui dit bonne nuit à demain, je me réveille tôt pour travailler. Big up à Toff, Mickaël, Polo, Sandro. Je vous aime. Ouais. Merci Laura. Bon, bon taf demain, puis bonne nuit. Alors gros bisous. Sarah aussi, je vous adore. Merci Sarah. Et Joshua qui dit je fais une dédicace à Ryan qui vous écoute au collège Michel de Montaigne à Dompère. Et puis Léo également sur le Facebook. Je pourrais avoir un message de bienvenue. Je vous aime trop, vous me faites rire. Vive la Vendée. Eh ben oui, Léo, avec plaisir. On va te mettre un petit message de bienvenue. Alors. Qu'est-ce que j'ai en stock? J'ai du nouveau aussi là, tiens. Si tu veux, face de sodomie, ça. Voilà, j'en ai un autre. Faites chier, la femme. Ah. Bon. Non, mais alors, qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Eh ben alors, voyons. Ah, alors. Bon. On fera d'autres appels avec Toff tout à l'heure. On est en mode 20h minuit ce soir. Et le match est fini entre l'Atlético Madrid et Chelsea. Ça s'est terminé sur un match nul 0-0. Il y a Victor qui dit je peux aussi avoir un message de bienvenue. Ça fait 3 mois que je vous écoute. Bah écoute, avec plaisir. Alors attends, je vais t'en mettre un là. Mais vous êtes un peu con, mon pauvre ami. Eh ben voilà, Victor. Monique qui dit la honte à Toff avec les chaussettes, ça le fait pas sur la vidéo. Et puis Baran aussi qui dit oh là là là là, dans votre vidéo Playboy, le torse nu de Toff va me faire des cauchemars, mort de rire. Sinon, les filles en Playboy, ça gère. Ah oui, ça, effectivement, je confirme. Bon, si vous voulez aller voir, c'est Playboy, l'équipe de Playboy qui est venue nous voir hier dans l'émission entre 20h et minuit, qui nous a apporté des petits œufs en chocolat pour Pâques. Bah oui, c'est sympa. En plus, on a des petits sous-vêtements également Playboy qui nous ont offert. Et j'ai négocié pour vous en offrir également. On vous offrira ça jeudi, je crois. Demain ou jeudi, je sais pas encore. Ça dépend quand est-ce que je les recevrai. Mais je vous offrirai ça demain ou jeudi. En tout cas, cette semaine, les petites tenues pour filles ou pour garçons. Les petites tenues Playboy. Voilà, comme ça, vous savez tout. Et puis, on va également, vous pouvez aller voir la vidéo. On vous l'a mise, hein, la vidéo de la venue de Playboy hier soir dans l'émission. Où tu es gros beau. Tu es trop gros. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, donc vous allez la voir, vous vous abonnez à la chaîne officielle donc de Mickaël Officiel sur YouTube et vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Facebook, tapez Mickaël Officiel également. Il y a Freestan également qui dit moi je suis d'accord, la PlayStation 3 c'est mieux que la 4. Ah oui, on en parlait tout à l'heure. Et puis bah tous vos messages qui arrivent encore, n'hésitez pas avec le hashtag Mickaël 20h minuit. Guillaume est avec nous. Guillaume, t'es là? Oui, je suis là. Tant mieux, bienvenue, t'as la radio derrière toi là? Non, je n'ai pas de radio derrière moi. Ou le haut-parleur ou le kit ma libre? Non plus. D'accord, alors très bien. Un téléphone pourri? Ah, ça c'est possible. Oui, un téléphone pourri. Oui. Ah, ouais. D'accord, ok, déjà, très bien. Bon anniversaire à toi, Mickaël. Bah, merci beaucoup, Guillaume. Et ça va, Sandro, elle a pas trop mangé de chocolat hier? Bon, hier non, mais oui, ce soir oui. Ah, ça m'étonne pas, elle s'en fera jamais, Sandro. Ah, bah ouais, bah ça c'est sûr. Hein. Bon, Guillaume, alors toi, tu as déjà tapé scandale pour être remboursé de quelque chose? Oui, parce qu'en fait, mon ex, elle s'était barrée avec mon scooter que je lui avais offert. Ouais, attends. Elle s'était barrée avec le scooter que tu lui avais offert. Bah si tu lui avais offert, c'était le sien. Ouais, je sais, c'était le sien, mais bon. Bah j'ai quand même appelé ma compagnie d'assurance. en disant que je m'étais fait voler. J'ai tapé scandale et donc du coup ils m'ont remboursé ils m'ont remboursé mon scooter en m'offrant un ordinateur portable et ils m'ont fait un an de voyage en train SNCF. Attends, j'ai rien compris, quoi ? C'est-à-dire que les mecs, tu te fais chouraf ton scooter et ils t'offrent un an de voyage sur la SNCF. Mais quel est l'intérêt ? Bah, je sais pas, ils m'ont fait ça à la place d'un scooter. C'est bizarre un peu ta compagnie d'assurance, hein. Bah non, ils ont grave géré quand même. J'ai pu... Ah bah oui, oh là là, c'est très pratique, moi je m'achète un scooter pour me balader dans la ville et j'ai droit à la SNCF gratuit pour aller partout en France. Bah moi j'en ai profité, hein. Alors ça va, c'était bien. Ah oui, oui. Au début ils voulaient pas, alors du coup j'ai tapé scandale et tout, je leur ai dit que j'allais leur foutre des emmerdes et tout, et voilà comment ils m'ont remboursé, quoi. Non, ouais, bon, bah écoute... Les mecs, ils ont dû se dire, bon, qu'est-ce qu'il nous reste là dans les tiroirs? Bon, allez, on a un an SNCF, allez, on va lui filer ça. Hop, on va lui filer ça, et puis comme ça, il va arrêter de nous prendre la tête, ça va être parfait. Hop, terminé, on est tranquille. Bon, écoute, pourquoi pas, bah tant mieux, hein, tant mieux pour toi, alors. Attends, il y a Béa aussi qui est avec nous, là, de Dijon, là. Salut, Béa. Bonsoir, Mika. Ça va bien? J'appelais pour, en fait, raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années. Ouais, bah vas-y, on t'écoute, sois la bienvenue, en fait, alors. Merci. Je suis super contente d'être avec vous, parce qu'en général, on est content, c'est quand aussi. Même pas évident à vous avoir. Ah, il y a du monde, mais bon, ouais, écoute, quand on insiste un peu, on y arrive. Voilà. Alors. Mais là, j'ai eu du premier coup quand même. Hein. Pour les autres, vous voyez, ça marche, appelez-nous. Voilà. Alors, vas-y, on t'écoute, Béa. Donc, il y a quelques années, en fait, j'avais été faire quelques commissions et j'ai acheté un paquet de mouchoirs par étui de 10. Et le truc tout bête qui s'est passé, à l'époque, il n'y avait pas de scanner aux caisses. Ouais. Donc, c'est la vendeuse qui a tapé le code du paquet de mouchoirs et je ne m'en suis pas aperçue tout de suite. En fait, elle m'avait tapé le paquet de mouchoirs de 10 à 135 francs à l'époque. Ouais. Donc, je me suis retrouvée que ben, quand j'ai été me plaindre, elle m'a dit que c'était invérifiable, donc on ne pouvait pas me rembourser. Ouais. Donc, j'étais pas contente du tout. Bah forcément. Et j'ai eu aucun recours. Donc, en fait... J'ai été mettre le feu à la boutique. Non, en fait, j'ai trouvé un recours à moi, c'est que régulièrement, j'allais faire mes courses. Et les produits qui étaient en promotion, qui ne me plaisaient pas spécialement, j'arrachais les étiquettes de promotion pour les mettre sur les produits qui m'intéressaient. Ouais, donc, mais voilà. Ça, c'était facile avant, ouais. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'en plus, je devais passer à l'accueil et en plus, on me filait des petites cartes de 20 francs ou de 30 francs de réduction. Putain, j'ai l'impression qu'on parle d'un ancien temps, là. Enfin, c'est le cas, là. Oui, on parle d'un avec les francs, temps. Là. Oh là là, je me dis, mais où on est, là? Eh oui, mais bon, j'ai plus de 40 ans, donc voilà, c'était la petite anecdote. À l'époque, c'était assez facile. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple avant d'escroquer. Mais on peut plus escroquer tranquillement. Ouais. Mais on est plus tranquille, on peut plus être malhonnête tranquillement. Moi, quand je bossais à Carrefour, on éditait des codes-barres. C'est-à-dire qu'en fait, tu pouvais éditer, j'étais au rayon informatique, et donc c'était l'époque, c'était tout début de l'informatique, donc personne connaissait vraiment les produits, et encore moins la meuf à la caisse. Donc du coup, on éditait des codes-barres avec des noms improbables, et on les surcollait en fait sur les, comme si c'était une promo. Ouais. Et après, on passait les packs de DVD genre à 1 euro quoi. Ah oui, d'accord. Ok. Ah ouais, donc tu es escroqué, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est du vol. Hein, ouais, c'était il y a 15 ans, il y a prescription. Il y a prescription, bah, bien sûr, évidemment. Ouais. Eh bien non, Teuf. Eh bien non, hop, la police est en bas. Voilà. Bon, mais merci beaucoup, Béa, d'être passé en tout cas. Rien. Et tu reviens quand tu veux. Hein. Ok. Salut, Béa. Salut, Guillaume. Merci d'avoir appelé. Bonne soirée, gros bisous. Ciao. Et vous repassez tous les deux chez Sandro, évidemment, sans problème. Julie avec nous également de Mont-de-Marsan. Salut, Julie. Salut, Mickaël. Comment ça va, Juju? Ah, mais ça va toujours très bien. Eh ben tant mieux, sois la bienvenue alors, Julie. Mais merci beaucoup. Dis-moi, est-ce que, puisque tu voulais réagir à ça, on a fait les appels de Toff il y a quelques minutes, on parlait de cette blogueuse, donc, depuis le début de l'émission, qui a des trop gros seins et qui, du coup, a fait un article avec les 10 points qui sont négatifs quand on a des gros seins parce que elle, ça la saoule. Alors, je vais pas réénumérer les 10 points, mais en tout cas, les plus gros... Sans vilain jeu de mots, c'est que c'est justement trop gros, que c'est trop lourd, que les mecs évidemment sont des pervers et au lieu de regarder quand elle a une discussion avec eux, au lieu de se regarder dans les yeux, forcément eux ils plongent dans le décolleté. Bah c'est normal. Et oui, que c'est super compliqué de s'habiller quand on a des gros seins, en tout cas par rapport à des filles qui en ont des plus petits. Du coup, toi, tu fais quelle taille, Julie? Est-ce que t'es d'accord avec la blogueuse ou pas? Dis-nous. Moi, je suis complètement d'accord avec elle et je fais du 90F. F comme formidable. Exactement. Ah oui, c'est énorme. C'est frais gros. Ah oui, vraiment frais gros. Ah, c'est vraiment frais gros. Ah mais oui. Mais naturel. Oui, naturel, oui. 100% naturel, 100% natural boobs. Et j'aimerais. J'aimerais bien avoir une photo à Paul. Oh, qu'est-ce qu'il est relou et pervers là. Un truc aussi gros. Je crois que t'as dit non, mais c'est parce que j'ai jamais reçu une photo. Si, j'en ai reçu. Ah, magnifique. Mais attends, mais tu le vis comment toi? Moi je vis trop mal. Ah oui, mais combien mesures-tu, Julie? Je mesure 1m67. Combien pèses-tu? 67. Quel est ton tour de poitrine? 67. Ouais. Donc c'est 100 F, hein? Ouais, 90 F. Ah pardon, excuse-moi, je sais pas pourquoi j'avais 100 en tête. Et la taille du pantalon que tu as acheté? 4. Ah ouais, bah ouais. Ah ouais, bah... Ah non, c'est pas mal, hein. Ah ouais, ça rebondit aussi. Bonne. Ah ouais. Mais attends, et... Attends. Qu'est-ce qu'elle est... Qu'est-ce qu'elle est bonne. Attends, mais donc du coup, c'est combien de kilos par sein? Parce que ça doit être quand même gros. Enfin, je veux dire, tu vois, le F, c'est quand même pas, c'est quand même balèze. Bah, moi, je pense 2 kilos. Au moins. Au moins. Par sein? Ah, mais oui. Waouh. Ah non, mais c'est invivable. En fait, tu pèses moins de 60 kilos. Bah, oui. Ah, oui. Mais s'il n'y avait pas les deux gros. Les deux gros. Les poches pas... de graisse. Et tu veux pas te faire opérer? Enfin, t'aimerais t'en enlever ou pas? Ah, non, mais oui, non, mais c'est prévu. Ah, d'accord, parce que je crois que c'est remboursé, non? Quand t'es. Ouais, quand c'est les problèmes d'eau de haut. Quand on enlève 300 grammes, c'est remboursé. Ah ouais, d'accord, ok. Oh là là. Et ton mec, il tire la gueule, non? Ouais, ça va. Non, mais il tire la gueule parce que tu veux les enlever. Bah, ça dépend, il y en a qui aiment pas, hein. Oui, non, mais bien sûr. Mais moi, je trouve que F, effectivement, c'est trop, là. Il y a un moment... Non, mais F, c'est pas possible. Ouais, F, c'est quand même violent. Avant qu'il disparaisse définitivement de notre existence... C'est violent. Tu pourrais m'envoyer une photo avant qu'il disparaisse, parce qu'ils ils n'existeront plus. Ouais, bien sûr. Bah oui. Alors, bah oui. Évidemment. Au moins qu'on ait l'avant-après. Oui, voilà, l'avant-après. Mais même habillé, hein, t'emmerdes pas, on n'est pas dans le détail. Hein. Non, enfin, en maillot de bain, on préfère. D'attendre 21 ans pour t'arrêter. Ah, merde. Ah ouais, putain, encore 3 ans, galère. Ouais. C'est ah putain, oui. Pourquoi? Parce que ça risque encore de changer, c'est ça, en termes de taille? Parce qu'ils vont grossir encore. Encore? Oui. Oh là là. Eh bah écoute, voilà. Bah bon courage, hein, Julie. Hein. Merci, va m'en falloir. Bah j'imagine. Bon bah les filles, appelez-nous encore, hein, les garçons aussi. Hein. 01 42 48 5000. On est là jusqu'à minuit ce soir et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Bon, je te fais des bisous, Julie. Bah bisous à vous. Et bah je t'en prie, gros bisous à toi, tu reviens quand tu veux, à bientôt. D'accord, ça marche, bisous. Salut, ciao à toi. Ah non, Julie, tiens, reste avec nous, tiens. Je voulais vous demander aussi, venez me dire comment est-ce que vous dormez avec votre mec ou votre copine. Parce que on va vérifier un petit sondage. Apparemment, alors déjà tu dors comment quand tu dors avec ton copain? Est-ce que tu dors dos à dos, dans le même sens que lui, vous êtes face à face? Face à face. Face à face, d'accord, ok. Ah ouais, d'accord, ouais. Ok. Non, parce que ceux qui dorment collés sont heureux, sont plus heureux. Plus ils sont loin, moins ils sont heureux. Je sais pas. Apparemment. Mais t'es plutôt du style collé ou pas toi? Parce ouais, que face à face. Un peu, mais pas trop. Hein. Pas un trop peu, ouais, même. un peu, mais pas trop, parce que la laine à un moment ça pue le matin quand même. Hein. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ouais, au début de la nuit, pas de problème, mais à la fin, non. Si t'es collé, si t'es collé genre en cuillère, ça passe, hein, t'as pas la laine. Ouais, mais c'est bon, vrai. Quand même. Ouais. Bon bah très bien. Bah dites-nous les autres, vous dormez comment vous? Avec votre copain ou votre copine, vous êtes plutôt effectivement collé ou chacun son côté et puis surtout faut pas me faire chier la nuit. Est-ce que vous dormez dans le même sens que votre copain, dos à dos, etc. Bon bah appelez-nous 01 42 48 5000, on va en parler. Et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Gros bisous Julie. Bisous. Salut, ciao à toi. On va revenir dans un instant avec vous toutes et vous tous. On va se faire un petit point top tweetos. Et puis je vous avais promis qu'on écouterait le nouveau son de Dimitri Vegas et Martin Garrix. Qu'on vous avait fait découvrir jeudi soir en exclu sur Fun Radio. Le nouveau son c'est très mort. On se l'écoute maintenant, il est 23h02, on est en direct 20h minuit toute la semaine, prévenez vos potes d'ailleurs. Et avec le hashtag également MIKL 20h minuit sur Twitter, je compte sur vous. Toutes les nuits, au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Aha. MIKL de 20h à minuit sur Fun Radio. Et on est toujours en direct, 23h05 sur Fun. Il y a Carole qui dit coucou l'équipe. Je vous kiffe trop, je vous écoute tous les soirs. Eh ben tant mieux, bienvenue à toi Carole. Il y a Valou également entre les C, D, F. Je suis limite complexé de mon petit B, lol. Non mais c'est va, mais non c'est mais attends, parfait. Ça va, mais c'est bien, pas déconner. Il y a Caracal aussi, je peux avoir un message de bienvenue puisque je ne peux plus aller au McDo à cause de ma mère. Eh ben écoute, si tu veux, cela dit, je vois pas le rapport, mais oui, on peut t'en mettre. mettra bien sûr avec plaisir. Alors, qu'est-ce que je peux te mettre comme petit message de bienvenue? Il est pas mal celui-là. Oh, espèce de connard. Voilà, je peux même t'en mettre un petit deuxième parce qu'il était court, hein, hop là. Non, mais j'ai des grosses couilles pour t'emmerder, mon botte dans ta gueule quand je te verrai, connard. Voilà, bon, on n'a pas bien compris, hein, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il voulait mettre des grosses couilles dans ta gueule. Oui, grosso modo, c'est ça. Bon, allez, vous balancez toujours vos messages. N'oubliez pas le hashtag Mickaël 20h minuit, évidemment. Il y a toujours la vidéo de la venue de Playboy hier soir dans l'émission. Si vous voulez aller voir ça, n'hésitez pas. Vous allez rejoindre la page de l'émission. Vous vous abonnez à la chaîne YouTube de l'émission M-I-K-L officielle. Surtout, n'hésitez pas. Bon, on va continuer à parler de ça avec Sarah, évidemment. Et puis, je voulais savoir aussi, comment est-ce que vous dormiez avec votre copain ou votre copine? Vous êtes plutôt du style à dormir chacun de votre côté? Vous êtes plutôt du style à dormir collé, face à face, dos à dos, dans le même sens que lui ou qu'elle? Bah, appelez-nous et dites-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. On va parler maintenant avec Christophe qui est avec nous de Sommières dans le Gard. Salut Christophe. Salut. Comment vas-tu? Très bien. Écoute, j'ai envie de te dire tant mieux, alors sois le bienvenu Christophe. Bon, t'as 35 ans toi et tu nous appelles pour parler de scandale. On y va, on t'écoute. Absolument. Alors moi en fait, j'étais avec ma femme à l'époque. On avait acheté du poulet, tu sais, sous vide. Ouais. Dans les emballages, là, de genre de cuisses de poulet ou de tranches, quoi, de poulet. Ouais. Et du coup, dans le frigo, tu vois, ça puait le mort. Et on regardait, tu vois, ça arrive dans les frigos de tout le monde, t'as des trucs qui peuvent rester un peu et qui, des fois, ça pourrit un peu, tu vois. Il y a des trucs, t'as des odeurs, tu cherches un peu, tu fouines dans le frigo. Ouais, tu fouines. Et là, tu retrouves un vieux camembert, c'est ça. Et là, je cherche de tout, tu vois, je trouvais rien du tout dans ce truc. Ouais. Alors après... Deux jours après, la veille qui périme le poulet, on l'ouvre pour faire à manger normal. Ouais. Alors, j'ouvre le poulet, un truc de fou. Laisse tomber, quoi. Même les égouts, ils sentent meilleur. Donc, j'ai dit, je vais aller au Intermarché. Donc, je prends mon truc dans un sac plastique et tout. J'osais même pas le toucher, tu vois. Le poulet, d'accord. Il était cancérigène un peu. Ouais. Et du coup, j'arrive là-bas, je vois le responsable du magasin. Et je lui dis, ouais, j'ai acheté le poulet, j'y explique. Il me dit non, je vous rembourse pas parce que on n'a pas la preuve que vous avez respecté la chaîne du froid, tu sais. Ouais. Du coup, j'ai commencé à péter les plombs un peu parce que si tu veux, je suis pas très riche. Donc du coup, 5 euros ou 6 euros, ben c'est 5 euros ou 6 euros. Ouais, bah ouais, c'est clair. Ah, surtout, c'est de la bouffe, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Ah ouais, carrément. Et du coup, j'ai pété un peu les plombs et j'ai dit écoute-moi bien ce que j'ai fait. Écoute-moi bien, espèce d'enculé. Si tu veux pas finir dans ta chambre froide. J'ai pas dit enculé, mais j'ai dit non, mais moi, je vais pas y taper sur la gueule, je tape pas sur la jambe. J'ai dit écoutez-moi bien. Si vous me remboursez pas mon poulet à 5 euros, tous les clients qui rentrent, je leur fais sentir le poulet que vous vendez aux gens. C'est bon ça. Ah non, mais il a pas voulu me rembourser. Il m'a dit attendez, j'appelle le directeur. Et alors, il a appelé ou pas? Il est redit pareil au directeur, mais lui par contre, il était plus. Il a négocié direct. Il m'a dit ouais, je te rembourse, va en chercher un autre. Ouais. Et du coup, j'avais les boules, je voulais pas reprendre du poulet. Bah tu m'étonnes. Ça faisait un peu flipper. Donc j'ai repris un autre, je suis bien tombé. D'accord. Et ils m'ont remboursé mon poulet. Eh ben écoute, plutôt pas mal. Absolument. Bonne opération pour le poulet, tu pourrais faire un truc avec la mère de Toff, tiens. Ouais, ah bah oui, non mais. Ah bah, ouais, là, ah non, mais pas mal. Association. Ah, mais moi, écoute, depuis 4 mois, je suis célibataire. J'en ai pris plein la gueule pendant 14 ans. Ouais. Donc là, je fais ce que tu veux avec qui tu veux. Eh bah écoute, bah voilà, bah, le message est passé. Je vais te présenter, tu verras, tu y a pas bien. De problème, tu vas être bien reçu, tiens. Tu bon bah salut Christophe, merci à toi en tout cas d'avoir appelé. Je t'en prie, avec plaisir. Salut Christophe, à bientôt. Ciao. On va prendre Salvatore dans quelques minutes. Ne bougez pas de là, il y aura aussi le son de Calvin Harris qui arrive avec Summer. Ce sera dans quelques minutes sur Fun Radio, bougez pas. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Pendant que le doc sauve des vies, que Karima sirote des cocktails à Miami et que Karel se repose en Normandie, Mickaël est là. Mickaël. 20h minuit, Mickaël No Limit sur Fun Radio. Et oui, on est en direct avec les derniers appels de Toff dans un petit quart d'heure. Nicolas qui dit je vais t'enculer 11h mon gars, mort de rire, trop fausse, repasse le site d'Altan. Ah oui, si, attends, je l'ai là. C'est quand? Alors on avait appelé le mec la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus. Et attends, qu'est-ce que c'était? Où est-ce qu'il est celui-là? C'est le petit jeune là. Ouais, je me souviens. Attends, où est-ce qu'il est? Merde. Je t'enculais pendant 11h. Ouais, mais je retrouve, je sais plus où il est, putain. On l'avait en plus là, je t'enculais pendant 11h, mon gars. Attends, je vais voir si on l'a pas. Je vais te briser tous les os et je t'encule au passage. Ah ouais, bah je le retrouve plus, bah c'est pas grave. Je vais le retrouver un moment, il y a tellement là qui sont dedans que bah ça va revenir un moment ou un autre. En plus je l'ai passé hier donc il peut pas être très très loin dans l'absolu. Hein. Attends, je cherche encore. Alors attendez. Tu devrais faire autre chose. Non, c'est pas ça. Au lieu d'emmerder le monde. Oui, bah on a compris, mais c'est pas ça. Alors attends. Bah si c'est la bite du chien, je vois Gorgon. Non, bah c'est pas la bite du chien non plus. Va te faire enculer, connard. Non, c'est pas ça non plus. Alors, va te faire enculer. C'est pas que tu aimes, hein, te faire sodomiser, toi, hein. Non, c'est pas ça. Merde, putain. J'espère que c'est pas effacé quand même. Attends. Celui-là peut-être, non? Ma main dans ta gueule, ah bah aussi, tu vas l'avoir, non? Non, c'est pas ça. Tu viens, je t'espère moi au visage. Ah oui, oh là là, la grande classe. Mais va te faire enculer. Ah, il était énervé aussi, mais c'est pas le même encore. Hein. Non, bah écoute, je sais pas. Ah oh. Ladies and gentlemen. Je vais te prendre et je vais te baiser pendant 11 heures, mon gars. Voilà, puis il y a eu celui-là. Je te brise les os, mon gars, je t'encule au passage. Voilà, toujours la grande classe. Et puis enfin, il y a eu celui-là. Pendant 11 heures, je vais te péter en levrette pour ce trou du cul. Voilà, tout ça, c'est ce qu'il a dit à Toff. Hein. Faut quand même le savoir, évidemment. Bon, il y a Thelma qui dit, Mickaël, je peux avoir un message de bienvenue. Ah bah, je viens d'en mettre plein, là, Thelma. Il y a Ste qui dit aussi, nous, on dort dos à dos. Mais c'est pas parce qu'on est heureux, c'est que je bouge beaucoup. Et je lui ai dit, je lui ai déjà posé une droite en dormant. Oh, la violence. Il vaut mieux, effectivement, rester tranquille. Il y a Valo aussi, je forme un couple très heureux avec mon oreiller. Comme il n'y a qu'avec lui que je peux dormir collé la nuit. Oui, bah c'est déjà pas mal, hein, Valo, il n'y en a qu'un, non pas. Et Félicia qui dit avec mon bébé, on dort l'un contre l'autre, moi sur sa droite, collé à lui. Dans le même sens, lui, dans mon dos, avec son bras sous mon cou. Oh, c'est mignon, c'est le début, ça va pas durer. Il hein, y a un autre truc, est-ce que vous dormez toujours du même côté? Je dis vous, mais en fait il y a qu'à toi que je peux poser la question. Non mais oui, bah non mais quand t'es avec une meuf, tu peux forcément ne pas dormir toujours du. Enfin tu peux dormir du même côté à chaque fois. Mais tu oui, peux très bien être dans ton lit et tu dis bah tiens quand il y a une meuf qui vient, quand c'est ta meuf ou pas c'est forcément vrai. Ta meuf, tu peux très bien te dire bon bah ça c'est mon côté, tu touches pas. Attends, est-ce que je peux avoir un temps? Ça veut dire quoi je te dis à toi, ça veut dire bah, parce qu'il y a que lui qui a une vie régulière avec la même meuf. Voilà. Ah d'accord, c'est mais ça. D'accord. Okay. Non oui bah ça arrive mais parfois ça non. Oui en règle générale oui, même côté. D'accord. Non, je dis ça parce que c'est moi qui ai la télécommande, tout le bordel. Ah oui, c'est ça, c'est pour ça en fait, c'est parce que voilà. t'as le matériel. Parce que de mon côté, c'est high-tech. Donc, et de l'autre côté, c'est lecture. Et oui, voilà, c'est ça, grosso modo, c'est un peu ça. Donc voilà, donc je sais plus ce que je vais dire maintenant, tiens. Ah bah je sais pas, j'ai oublié. Je peux pas t'aider. Voilà. Bah ouais, bon bah venez nous dire de quel côté vous. Bon, on s'en branle. Venez nous dire comment vous dormez avec votre copain ou votre copine, plutôt dos à dos, face à face, en cuillère. Est-ce que vous dormez séparés ou au contraire collés? Appelez-nous 01 42 48 5000 aussi ouais et 02 851 4x0. J'avais dit qu'on prendrait Salvatore, il est avec nous de Saint-Étienne. Salut Salvatore. Yo salut Salvatore, tu vas comment bien? Ça va. Ouais super. Bon tant mieux. Alors tu dors comment toi avec ta copine ou avec ton copain? Moi, je sais pas. C'est absolument collé serré parce que franchement honnêtement comme tous les hommes ça fait bander hein. D'accord. Ouais, mais justement moi, le problème c'est que quand je bande je dors pas hein. Ah ouais, ouais? Ouais, c'est le petit problème. Mais tu fais ton truc et hop, tu dors bien. Mais ça, c'est vrai par contre. Une fois que t'as joui, tu t'endors toujours super bien. C'est vrai. Mais ça dépend. Parce qu'après, t'as la meuf qui te prend la tête. Qui a peut-être encore envie. Ah non, parce que généralement, moi, je me suis endormi avant qu'elle ait le temps de me prendre la tête. Ah ouais, bah après, elle peut te réveiller. Hein. Oui, prends oui, le mec, était quand même le meilleur coup de la terre. Hein. C'est-à-dire que le mec, une fois qu'il a baisé, après, il ferme la boutique. Tu t'approches un peu, elle sent que t'as un petit truc entre les jambes. Ah, c'est bon, c'est dans la poche. Ouais, ça peut. Donc, c'est l'happy hour, tu vois. C'est-à-dire que le mec, il rentre dans le bar, il lui. Vous prenez quoi? Bah, je prends la verre. Bon, écoutez, buvez-le, on ferme, monsieur. Hein. Donc, cassez-vous, là. Ouais, non, mais après, faut voir, hein, parce que ça, c'est dans l'idée des mecs. Parce que les mecs sont pères. Non, parce que on sait bien, enfin, je veux dire je suis un mec, je sais de quoi je parle, hein, voilà. On sait bien que nous, un rien fait monter le matos. Non, c'est vrai. C'est voilà. Vrai. Tu peux avoir ta meuf qui se frotte innocemment à toi et toi tu dis elle a envie. Ah, oui. Alors que. Attends. Elle veut voir le loup. Attends, Salvatore. Alors que pas forcément, peut-être qu'elle se colle parce que voilà, elle a envie d'un câlin, j'en sais rien. Ou peut-être que rien du tout. Elle s'est peut-être collée à toi un moment ou un autre parce qu'elle dormait, qu'elle a bougé, tu sais pas. Toi évidemment, paf, t'as le braquemar direct. Et puis, comme la majorité des mecs. Les mecs, donc, dès que... C'est un réflexe humain. Mais ouais, je sais. D'hommes, voilà. Les mecs, si leur meuf, par exemple, se colle un peu, comme je dis, bah directement le braquemar, voilà, on croit que c'est la fête. Ouais. Et en revanche, même si le mec a pas envie, il va avoir envie si la meuf le touche un tout petit peu. Alors que le mec, il est persuadé que pour une fille, le fait d'avoir, de sentir un peu de braquemar, directement, elles vont être surexcitées et que ça va être la fête à la saucisse. Alors que pas du tout. Enfin, pas du tout, ça arrive. Mais je veux dire, c'est pas automatique. Bah, si elle en a envie, elle te le fait savoir, en général. Oui, non, bah, bien sûr, évidemment, voilà. Encore heureux, oui, c'est clair. Bon, ah, oui. Mais attends, mais parce que tu dois coller serré, toi, direct. Enfin, tu dors. Absolument. Moi, c'est absolument un truc que je peux pas faire, mais j'ai jamais pu, parce que le problème, c'est que j'ai l'ouïe tellement sensible que rien que la respiration me réveille. Ah, mais ça, non, mais... ça aussi, c'est un réflexe. Dès que je l'entends respirer, tout de suite, je me mets à son niveau, quoi. Je respire pareil qu'elle. Ah non, mais moi, je peux pas, parce qu'il y a des moments où c'est le problème, c'est que t'essayes de respirer en même temps qu'elle. Je peux dormir, mais bon, si fait. Ah ouais, je peux pas. Non, je peux pas, ah, mais c'est pour cool, ça. Après. Tu sais que moi, j'ai même les boules caisses et tout, cool. Tout est là sur la table, prêt à être dégainé, hein. C'est même pas tant le ronflement qui me dérange, parce que tu sais, bon, parfois t'es malade, tu peux ronfler. Non, mais voilà, si t'es malade, etc., c'est pas un problème. Mais déjà, ça me rend ouf. Mais voilà, mais je prends sur moi, parce que bon, je sais qu'elle fait pas exprès. Et puis après, le problème, c'est alors quand parfois. J'ai les mêmes problèmes. Mais voilà, mais quand elle respire fort, c'est. Oh putain, je deviens ouf. Ouais, juste un peu le nez bouché. Hein, je deviens ouf. Hein, je deviens ouf. Je comprends. Et voilà, puis ça pète, Yannick, les femmes, on ne sait pas, mais. Non mais après ça me réveille pas, enfin je l'entends pas donc ça va. Mais je suis obligé de mettre des boules caisses très souvent, ouais, parce que ah, sinon c'est galère. Tant que ça? Ah oui, mais je te dis, j'ai l'ouïe super sensible. Non mais bien sûr, c'est une horreur. Alors si tu veux, on a par exemple, quand j'habite dans un endroit, enfin j'habite dans la maison, il y a donc l'étage et les chambres, et puis en bas t'as le salon, tout le bordel. Quand le chat joue avec sa petite souris de merde ou n'importe quoi, à l'étage, quand il saute, par exemple, tu sais, genre cet abruti, il monte sur la table alors que ça fait 100 fois que je veux pas le faire. Fermez sa gueule. Voilà, non, il saute, voilà, il ressaute par terre, j'entends pac, parce qu'il retombe, tu sais, il atterrit, bah je suis réveillé. Pourtant, Polo est venu dormir chez moi, il sait que les murs sont gros quand même, tu vois, mais non, c'est ça impossible réveille. D'entendre quoi que ce soit. Mais si, j'entends. J'entends même ces putains d'oiseaux qui chantent. Parce que j'ai une chambre d'amis chez Mickaël. Il a sa chambre, hein. Il a sa machine à café où il a d'ailleurs flingué 14 capsules de l'espresso. Alors, m'a coûté une fortune. Bah, si tu veux, c'est pour moi en fait, parce que tu bois pas de café. Non, je sais. Je sais, mais bon, oui, c'est il vraiment m'a quand même dit la dernière fois, il m'a dit ouais, par contre, quand tu pisses la nuit, ne pisse pas dans l'eau. C'est que le mec m'entend dans les chiottes en train de pisser dans l'eau. Alors mais je suis sûr que c'est à l'autre bout. C'est à l'autre bout. Ah mais c'est vrai. Mais je sais, mais tu vois, c'est genre le mec, il faut absolument qu'il pisse dans l'eau. Mais pisse un peu. Non mais pisse légèrement à côté de l'eau pour qu'on l'entende pas. Non, il faut que ça fasse. Et puis alors la chasse, il est que les portes qui claquent, évidemment moi je dors pas. Mais c'est pour être sûr que tu entends qu'il est là. Oh là là là. C'est vrai que je m'en rends pas compte, mais je fais beaucoup de bruit. Ah non, à peine, oh là là. Mais je m'en rends même pas compte, sérieusement. Ouais, bah, t'inquiète pas, je m'en rends compte pour toi là. Bon ben Salvatore, encore un truc à ajouter? Non, ça va aller, j'ai tout dit. Bon. Si, je peux faire une dédie, s'il te plaît? Eh ben, vas-y, il y a une personne, choisis la bonne. Alors, qu'une seule? Ah ouais, une seule, ouais, c'est pas négociable. Alors, merde. Choisis la bonne. La bonne. Merci, dédie aux poitrines de ma copine. Voilà, merci. Très bien, bah, le message est passé. Bon, bah salut Salvatore. Allez, salut, ciao. Allez, à bientôt, ciao à toi Salvatore. Qui y a d'autre également? Sarah de Colmar. Bonsoir Sarah. Salut Mickaël. Salut Sarah. Ça va bien? Ouais, toi? Bon, oui, très bien. Tu voulais parler du sujet de la soirée, puisque c'était les appels de Toff. Donc cette blogueuse qui a dit que avoir des gros seins, c'était plus une galère qu'autre chose. Qu'est-ce que tu en penses toi? Tu fais quelle taille? Dis-nous tout ça, etc. Bah, c'est 95E. Oh putain, encore? Mais c'est violent quand même. Bon, j'espère qu'on aura un G avant la fin de l'émission. Ouais. comme Eude, comme électrique. Ouais, c'est ça, comme énorme. Énorme. Comme énorme. Et je peux mettre ma bite? Non. Ah bon. Alors, et tu le vis bien? C'est trop lourd? C'est pas trop lourd? Moi, je te punirai pour cette vulgarité. C'est vrai. Attends, je mets ça au coin. C'était pas bien. Voilà. Il faut pas faire ça, Toff, espèce de connard. Toff est au coin pendant une minute, il a interdit l'antenne. Voilà. Donc, je disais, c'est lourd, c'est pas lourd, dis-moi. Bah, si, c'est lourd parce que, genre, quand tu fais du sport, bah, c'est pas super pratique, quoi. Oui, c'est vrai que quand tu commences à courir, effectivement, t'as plutôt intérêt à avoir un soutien-gorge bien serré, bien qui gère bien. Ouais, voilà. Et pour les soutiens, c'est aussi galère à en trouver des biens, quoi. Oui, en plus, oui, mais c'est clair, en plus. Et t'as quel âge, là? T'as 17 ans, donc ça va encore grossir. Ouais, ouais. Oh là là, ta mère, c'est ta mère a aussi des énormes seins? Non. Mais comment ça se fait qu'avec toi, alors? Ta grand-mère, peut-être, paternelle, ou ta tante, ou je sais pas? Non plus. Non plus, c'est marrant ça. D'où ça vient alors? Moi je pensais que c'était génétique. Génétique, ouais, tu vois. Je vois pas forcément des parents, mais ça peut être des grands-parents ou des une tante, je sais pas moi. Comme c'est de la graisse, si tu fais, parce que c'est ça en fait les seins, on s'excite dessus, mais c'est des poches de graisse. Ah oui, si voilà. Si tu fais beaucoup de mais sport, mais non, mais c'est de la belle graisse. Ouais, c'est de la bonne graisse. Si tu fais beaucoup de sport, est-ce que le nibar va pas fondre? Bah si tu maigris, normalement ils font un peu, ouais. Ouais. Bah oui, normalement c'est un peu le cas. Peut-être que. Bah je sais pas, peut-être que tu devrais faire un peu plus de sport, j'en sais rien, après on te donne des conseils comme ça, on n'est pas médecin, je sais pas. Hein. On n'a pas de sein. Mais oui, on n'a pas de sein, non, mais après, oui, faut peut-être essayer, hein. Faudrait peut-être essayer, je sais pas. Bah si vous avez peut-être déjà essayé, si ça a fonctionné, appelez-nous. Bah merci Sarah en tout cas d'avoir appelé, tu reviens quand tu veux. Je peux passer une dédie ? Ouais, vas-y, il y a une personne, choisis la bonne. Je passe une dédie à mon cousin qui vous écoute. Eh ben on l'embrasse le cousin. Il veut un petit message de bienvenue le cousin. Attends, on l'emmerde. Non, attends, j'en ai un petit. Bah je me branle sur le cul de ta mère, d'accord. Il va adorer. Bon voilà. Oh, cette violence. Salut cousin. Salut Sarah, gros bisous. Salut. Allez, à bientôt, je t'embrasse. Ciao à toi Sarah. Bon, on va s'écouter quoi dans un instant? Enfin même maintenant d'ailleurs. Alors qu'est-ce que j'ai en stock? Ah putain, on l'avait demandé tout à l'heure le 5 hours de 10 euros là. Bon, on va se mettre maintenant, tiens. Hop là. Avant que j'oublie. 23h26, on va se mettre également, on va se s'appeler les derniers appels de Toff là aussi. Ah hein. Oui. Eh oui, et puis on aura une nouveauté aussi que je vous mets dans quelques minutes. Duck Demands avec I Got You. Vous allez voir, on va pouvoir chiller dans quelques minutes tous ensemble sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit jusqu'à minuit. Love in Fun est en vacances. Mickaël No Limit. Mickaël. Prend le contrôle de 20h à minuit sur Fun Radio. Exactement, 23h30 même sur Fun Radio. On est encore là pendant 30 minutes avec Nicolas qui dit Jean Bouchetoff en homme à tout faire chez moi pour un centime la journée. Ah bah c'est pas mal, c'est bien payé. Bah oui, plutôt. Hein. Tony aussi, moi je dors cul contre cul, je déteste être collé en dormant. Il y a Félicia qui dit moi je dors sur sa droite et même à gauche je dors mal ou je dors pas, d'accord. Et Émilie qui dit moi je dors toujours du même côté et dos à mon copain. Alors soit il me fait un câlin, soit il va se faire foutre. C'est bien. Sympa. Voilà, Sophie aussi qui dit chacun de notre côté, bord de rire, il prend toute la place. Et la friterie Alba qui dit nous on dort debout. Oui, c'est mieux au moins, comme ça tu perds pas de temps. Entre les frites. Voilà, c'est ça, c'est beaucoup plus pratique, effectivement. Allez, c'est parti, on va donc faire les derniers appels. Allons-y. Les derniers appels de la journée, là, hein, toujours avec cette les grande. Oui, exactement, cette grande question des gros seins, justement, puisque c'est une blogueuse qui se plaint que les mecs ne font que ça, regarder dans le décolleté. Oui, mais moi je trouve que les gens ont raison de faire ça. Bah écoute, je sais pas s'ils ont raison, mais en tout cas ils le font, hein, ça c'est sûr. Donc résultat, on y va, on appelle maintenant les derniers. Le dernier numéro qu'on nous a envoyé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Allez hop, c'est parti, on y va, on appelle. Allô ? Oui, bonjour monsieur. Oui ? Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme avait des gros seins, monsieur. Si c'est pour venir dire ça, de toute façon, je sais même pas pourquoi j'écrase, parce que c'est inconnu, et voilà, alors arrêtez, s'il vous plaît, parce que ça commence à m'énerver, voilà. Hein ? D'accord, mais... Je sais pas qui est derrière, mais voilà. Quoi. Moi, je m'appelle Toff, monsieur. Stoff, je m'en tape de Stoff ou de Stoff, je m'en fous. Je commence à en avoir marre des trucs comme ça. Si j'emmène la police au numéro, y a pas de souci. Et ils vont trouver savoir qui c'est comme ça et on va pour Londres. Oui, mais moi je m'appelle Toff, monsieur. Je peux donner mon numéro, y a pas de problème. Moi je voulais juste savoir si votre femme avait des gros seins, monsieur. Et puis ça vous dérange, non? De toute façon, j'ai pas de femme. Alors déjà première chose, hein? Ah non, ça ne me dérange pas, monsieur. Non. Hein, c'est... Voilà. Non, c'est pas la peine de s'énerver, monsieur. Hein. Vous êtes qui déjà? Moi je suis Toff, monsieur. Oui, mais de quoi? Bah Toff de chez moi. Non mais vous êtes sur une radio ou je sais pas quoi? Ah non, je suis chez moi. Non, oui, vous êtes Logan ou Florian, non? Ah non, je suis Toff, monsieur. Oh, Toff, oui, moi je m'appelle Lucky Luke, hein. Ah ben, si vous voulez, monsieur, moi ça ne me dérange pas. Ouais, hein. C'est dès que ça va faire, bonne soirée. Ah bah donc il est sympathique, il a l'air un peu speedé quand même là. Ah bah Lucky Luke hein. Ah oui c'est Lucky Luke, bon attends on va le rappeler, on va le rappeler. Son nom, hein. Attends on le rappelle Lucky Luke là, c'est parti, on y retourne. Allez. Oui. Oui, allô, Lucky Luke. Oui. Oui, je suis bien chez Lucky Luke. Ouais. C'est du Hervé, ça c'est Ervin. Ah non, pas du tout, monsieur, moi je m'appelle Toff, monsieur. Mais je vous l'avais déjà dit. Non, mais je m'entends. Vous pouvez y aller, hein, si vous avez que ça à faire de vos journées. Hein. Ah bah, oui, moi j'ai que ça à faire, monsieur. Hein. Bah moi aussi, comme ça, moi. Ah bah ça va alors. Comme ça on va bien s'entendre monsieur. Oui, l'appel est enregistré. Ah d'accord, et bah comme ça vous pourrez vous le repasser, ça c'est chouette. Voilà. Non mais surtout vous allez à la gendarmerie et puis je vais pas me casser dessus. Voilà. Oui, mais vous allez faire quoi à la gendarmerie monsieur? Bah trouver le numéro qui apparaît, comme il apparaît pas, vous êtes même pas le culot de mettre votre numéro, vous avez peur hein. Non pas du tout, je peux vous le donner monsieur si vous voulez. Oui bien sûr, vous croire. Mettez-le, retirez-vous moi, je raccroche, vous m'en rappelez un avec le numéro. Mais je peux pas monsieur, c'est bloqué, c'est cassé en fait. Mais bien sûr, c'est cassé, puis moi je vais vous casser la tête bientôt. Oh, quel est relou là. Bah oui, attends, on va le rappeler encore une fois là, voilà, ça y est, c'est fait. Espérons qu'il décroche encore. Oui. Oui, non, monsieur, moi je vous donne mon numéro, monsieur, il y a vraiment pas de problème, hein, je comprends pas. T'inquiète, on t'a reconnu, Erwin. Non, je. Les gens, il y a Cédric et tout, ils savent que c'est toi. Non, non, mais je m'appelle Toff, monsieur, je m'appelle pas Erwin. Toff, mais bien sûr. Moi, je m'appelle Lucky Luke. Et oui, je sais. Vous me l'avez déjà dit, monsieur. Ouais, mais bien sûr. Ben quoi, bien sûr, monsieur? Vous avez que ça à dire, je crois. Pardon? Vous avez que ça à dire, vous savez même pas quoi dire, vous venez de m'emmerder. Hein? Pas du tout, moi je vous appelle pour vous poser une question, monsieur, mais vous n'y répondez pas. Mais je m'en tape, j'ai pas de femme, je suis pas prêt de vous répondre. Bah monsieur, vous n'avez pas de femme. Ah oui, j'ai pas de femme. Pas de femme. Entre nous. Siècle. Voilà, de pas avoir de femme. Vous êtes peut-être des femmes, bah mesurez-les, et puis voilà. J'ai pas compris, monsieur. Vous avez qu'à mesurer vos propres seins, comme ça vous avez les réponses. Ah bah oui, je pourrais, parce que j'ai quand même une poitrine assez opulente, mais ça n'a pas de rapport avec ma question, monsieur. C'est votre femme qui m'intéressait. Voilà, non mais c'est ce que vous m'avez demandé. Vous m'avez demandé combien mesurer les seins de ma femme. Et je m'en ai rien à foutre. Voilà, j'ai pas de femme, je vais pas vous le répondre. Ouais. Mais c'est pas beau de mentir, monsieur. J'en ai pas, mais voir, vous avez vrai, rien. D'accord. Je suis célibataire, monsieur. Voilà, il y a juste mon chat. Ah, voilà. Et votre chat, il a des gros seins, monsieur? Oui, un chat a des gros seins, monsieur. C'est vous qui avez des gros seins, oui, hein. Oui, mesure 50 cm, les vôtres, hein. Ah, minimum, oui. Minimum, ouais. Ah. Bon, vous payez le téléphone, alors. Bon, oui. Bon, enfin, c'est gratuit, vous savez, de nos jours, le téléphone sur les fixes. Oui, bah, il faut le faire à vous. Hop là, il a raccroché comme un porc. Bon, avant de récupérer tout le monde, il y a Ervan qu'on va prendre aussi dans quelques minutes. Il y avait plein de messages qui voulaient savoir, des gens qui connaissaient pas Jean-François, qui voulaient savoir qui était Jean-François. Le meilleur moment, le meilleur moyen de savoir qui est Jean-François, c'est de réécouter son premier passage. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez là, bah tant mieux. Si vous étiez pas là, vous allez découvrir. Écoutez, c'était le meilleur moment de Jean-François, je pense. Attends, écoutez, écoutez. C'est bon, Cristal? Allons là, très bien. Cristal, bonjour. Allô. Ah, comment ça va, Cristal? Oh, je suis fou. Ah, bah, génial. Oh, je me sens fou, ça fait plaisir. Bah oui. Jean-François, bon. Je t'inquiète. Bon, Jean-François, je te passe Cristal. Allô, Jean-François? Oui. Oh, j'étais très inquiète. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai envie de faire l'amour. Mais moi aussi, j'étais là, j'étais tout chaude, et j'avais envie de toi. Et tu me répondais pas, je t'appelais, tu décrochais pas. Ah, excuse-moi, Cristal. Ah bah oui, il faut que tu te fasses pardonner maintenant. En passant en antenne. Mais oui, en plus, il y avait ma copine Vanessa. Tu te souviens de Vanessa? Oui, Vanessa, je m'en souviens. Oui, elle était là, on a pleuré toutes les deux, on a été obligés de faire des choses comme t'étais pas là. Elle a pas une dépression, moi. Non, t'en avais pas, mais je viens de t'en trouver. Allô, Jean-François? Oui. Jean-François? Oui, Jean-François, bah, parle à Vanessa. Vanessa? Mais oui, c'est moi. Parle-moi, Vanessa, parle-moi. Oui, je suis là. Dans ton oreille, dans le creux de ton oreille, Jean-François. T'as une jolie voix. Ah bah pas encore, chaque chose en son temps. On peut pas se parler hors antenne? Hors antenne de quoi? On est hors antenne. Ah, on est hors antenne. Oui. Bah oui, ils ont mis de la musique. Je sais que Vanessa et Cristal. Eh oui, oui, on est là. Toutes les deux, rien que pour toi. Elle a mis le haut-parleur. Alors, Jean-François, qu'est-ce que tu veux nous faire, JF? Avant, j'avais préparé une cafetière de café. Ah, c'est excitant, une cafetière. Oui, tu pourrais me la mettre, la cafetière. Tu veux que je te mets dans le vagin? Ah oui. Cafetière. Toute la cafetière. Avec le café dedans? Rempli, bien sûr, chaude. Je veux bien. Ah oui. Jean-François, est-ce que tu pourrais... Parce que la dernière fois, t'avais réussi à m'exciter un petit peu. Donner ton prénom plusieurs fois d'affilée. Jean-François. Ah oui. Vas-y. Vas-y. Jean-François. Ah oui. Tu vas avoir un orgasme. Ah oui. Fais-moi jouir. Passe-moi un dessin un peu. Oui. Je te la passe. Mais on est, y a le haut-parleur, on t'entend tout. Oui, on t'entend. Continue à donner ton prénom, ça m'excite énormément. Oui. J'ai entendu caresser la chatte. Jean-François. Oui, continue. Vas-y. Encore. Je pense à la machine. Vous m'excitez à tous les deux. Vous m'excitez. Mais oui, mais c'est normal. Plus fort, Jean-François. En plus avec crie la. Plus fort. En plus avec la cafetière. Ah oui. À tous les deux, je vous mets du café dans la vagin. Ah oui. Oui, voilà, mets-nous du café. Ah oui, bien chaud, du café bouillant. Oui. Un excitant pour le vagin. Oui, oui, oui. Ah, oui. Faut qu'il t'en rite. Et après, tu boiras le café. Je vais ta chatte, toi. Ah oui. Dis-moi ton prénom. Jean-François. Oh oui. Jean-François. Plus fort. Jean-François, plus fort. Jean-François. Oh oui. Jean-François. Jean-François. Jean-François. Jean-François, oui. Vas-y. Oh oui, Jean-François. Plus fort. Jean-François. Oh oui. Plus fort encore. Jean-François. Crie dans ton téléphone, Jean-François. Vas-y. Oh, j'en peux plus. Je mouille. Oh. Vas-y, mouille. Oh oui, je mouille fort. Crie ton nom, Jean-François. Qu'est-ce que tu fais, toi, Jean-François, en attendant? Parce que nous, on se touche, mais toi, tu fais quoi? Oui, mais j'allais boire un café pour me mettre en forme. Ah, tu as besoin de ton café pour te mettre en forme? C'est un manque de caféine. Mais oui, mais on n'arrive pas à te mettre en forme, nous? Je trouve très en forme, tous les deux. Oui, mais toi? Ah oui, mais toi, on n'arrive pas à te mettre en forme. Si, je commence à bander. Mais il faut que je boive un café avant. Il faut boire un café. Bah, bois ton café, alors. Est-ce qu'il est prêt? Oui, il est prêt. D'accord, ok, très bien. Est-ce que tu veux que Christelle vienne te branler pendant que tu bois ton café? Ouais, je veux bien qu'elle me branle. Je veux bien. Je te lécherai le bout du gland. Hein? En t'astiquant. Tu me suces le gland. Ah oui. Gland, je te la mets en bouche toute entière. Là, tu je te fais une gorge là, profonde. Tu fais bander. Ah oui. Vas-y, astique-toi. Vas-y, prends ta main et fais-la glisser. Elle est dans ma culotte, dans mon caleçon. Vas-y. Mais sors tout. Est-ce que tu peux mettre le téléphone à ce niveau-là pour qu'on entende bien? Oui. Ça nous exciterait. Qu'on entende le bruit. Attends. Vas-y, on écoute. T'écoutes, hein? Oui. Écoutez, hein? Oui, Jean-François. Je vais m'enlever et vous allez écouter. Oui. Et on va jouer avec toi. Je mets le téléphone près de... Oui, près de ta grosse bite. Vas-y, on veut voir. T'as entendu? Ah oui. Oh là là, Jean-François, j'en peux plus. Continue, remets-le, j'allais jouir. On va jouer ensemble, Jean-François. Écris ton prénom à l'arrière. Et vas-y, écris ton prénom, Jean-François. Passe-moi Vanessa. Oh, mais je te la passe. Vanessa. Est-ce que tu peux en même temps crier ton prénom? Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'excite énormément. Jean-François. Ah oui. Là, je suis en train de masturber, là. Oui, oh oui. Vas-y, continue plus fort. Ah oui. Oh, Jean-François. Mais jusqu'au bout. Crie ton nom, Jean-François. Oui, encore ton nom, toujours ton nom. Jean-François. Oh, je vais jouer, là, Jean-François. Jean-François. Je n'en peux plus. Jean-François. Vas-y. Continue. Achève-moi. Prends-moi, Vanessa. Vanessa, tu sais ce que je te fais? Je te prends en levrette par l'anus. Pourquoi moi? Non, merde, prends des cristals. Ah oui, hein, vas-y, continue. Oh là, je te lécherai les couilles pendant que tu la bourres. Je bourre le cul. Ah oui, bourre-lui le cul. Et moi, je te boufferai les couilles. Et tu me bouffes les couilles. Ah oui, crie ton nom. Plus fort. Oui, continue encore. Ça, je vais te faire écouter encore. Oui, on va écouter ta bite. Il y a Marco qui dit Christelle et Jessica, vous me faites rêver. Vanessa. Ah oui, Vanessa, oui. C'est Vanessa, moi c'est Vanessa. Oh oui, non, j'ai rien entendu que ça. Rien? Oui, vas-y, continue parce qu'elle est un petit plus fort. Elle est un petit peu sourde, Christelle. Mais oui. Elle est énorme. Fais-la jouir. Fais-la jaillir sur ton pantalon. Tu m'éjacules sur devant. Oui, j'éjacule. Oui. Vas-y, va jusqu'au bout. Éjacule-nous dessus. Vas-y. On l'a mérité. Vous l'avez mérité. Mais oui, on est vilaine. Vous êtes deux vilaines. Complètement vilaine. Oui. De cochonne. Ah oui, mais crie ton nom, Jean-François, j'en peux plus. Vas-y. Jean-François. Oui. Encore. Ah oui. Encore. Jean-François. Quand t'arrives au bout, crie Jean-François. Ah oui, Jean-François. Vas-y. Défonce-nous. Vas-y, ouais, tu cries Jean-François en jouissant. Vas-y. Je mouille, là, je mouille. Vas-y. Oui, oui, mais c'est pas toi qui dois mouiller. Allez, continue. Et tu cries Jean-François quand t'arrives au bout. D'accord. Vas-y. Vas-y. Ne t'arrête plus. Je vais jouer. Vas-y. Oh, Jean-François. Oh oui. Jean-François. Jean-François. C'est fini? T'as joué, mon chéri. T'as joué ou pas? Vas-y, continue alors. Une minute. Ah, une minute. Bon, bah, là, dépêche-toi. Oui. Alors, vas-y, vas-y, continue. Vas-y, Jean-François. On continue à te parler pendant ce temps-là, vas-y. Écris ton nom. C'est beau. J'ai joué. Ah, ça y est. Ah, dis donc, j'étais tellement pris dans le truc, j'ai coupé le micro. Voilà, c'était Jean-François pour ceux qui... Ah, qu'est-ce qu'il était sexe. Ah, et pour ceux qui n'avaient pas encore entendu ce moment magnifique, voilà, il y a Brady qui dit « JF, il me fait rire à mort, ce pervers. » Trop bon pour Nicolas. Il y a Alexis qui dit « Salut, Mickaël. Peux-tu faire une dédicace à ma petite Charlotte que j'aime ?» Bah, le message est passé. Et Manon qui dit « Énorme, c'est quoi ce mec ?» Bah, c'est Jean-François, voilà, il est là, c'est lui, c'est JF. Et il y a Damien également qui nous écoute pour la première fois ce soir là, qui voulait un petit message de bienvenue. Eh ben évidemment qu'on va te mettre un petit message de bienvenue, il y a aucun problème, avec plaisir. Écoute, tu viens au lieu de faire la putain derrière un téléphone. Eh ben voilà Damien, sois le bienvenu en tout cas. Bon, vous restez bien avec nous. Dans quelques minutes, on va se mettre un son qui défonce sa mère. C'est Document avec I Got You. On va te chiller pendant que Toff ira chier. Évidemment. Et puis on va continuer à parler de dodo également là. Vous dormez de quel côté? Enfin pas de quel côté, mais vous dormez comment avec votre copain ou votre copine? Plutôt collé, pas collé, etc. Venez nous en parler, il y aura Jason, il y aura Jean-Baptiste dans quelques minutes. Et puis vous toutes et vous tous en direct avec Polo contre le reste du monde, ouais. Qui va débarquer dans quelques minutes sur Fun Radio. Allez, bougez pas, on revient. C'est Mickaël No Limit en mode 20h minuit toute la semaine. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël No Limit de 20h à minuit sur Fun Radio. Préparez-vous à passer des vacances de ouf sur Fun Radio. Mickaël No Limit. Mickaël. De 20h à minuit sur Fun Radio. Exactement, 23h50, il y a Aria qui dit avec mon ex, on s'était posé... Attends, c'est quoi? C'était posé sur son torse, c'est une position rassurante. Mais quand c'est lui qui voulait me câliner dans la nuit, ça finissait à coups de poing sans faire exprès vu que j'ai le sommeil profond. Ah oui, ah, c'est cool, la meuf elle se réveille, c'est avec un gros bleu. Alors ton mec te bat? C'est ça. Non, on a dormi ensemble. Oui, pas du tout, hein, tout va bien, rassurez-vous. Bon, allez, restez sur Fun Radio puisque je vous l'avais promis, il y aura. On va prendre Erwan avec nous maintenant là. Salut Erwan. Salut. Comment ça va? Ça va. Tant mieux, Erwan. Salut. Alors, t'appelles de Rennes, toi, qu'est-ce qui t'amène? Ça va, j'appelle de Rennes, c'était pour faire un concours d'orgasme. Ah, bah ça va être chaud, là, ce soir, Erwan, là, on peut pas te reprendre demain? Si. Ah, voilà, ouais, c'est mieux, ouais, parce que du coup, ce soir, avec Polo contre le reste du monde qui arrive, on n'aura pas le temps, surtout que je dois encore prendre Jean-Baptiste et Jason, Erwan, mais si on peut le faire demain, ça m'arrange. Bah ouais, mais rappelez-moi demain dès 20h. Eh bah demain, bah alors peut-être pas à 20h hein, pour concours d'orgasme, mais demain, ouais, pas de problème, je te renvoie chez Sandro, Erwan, d'accord? Ok. Bon, ça roule, merci beaucoup Erwan, merci. Jean-Baptiste avec nous également de Nîmes là, salut Jean-Baptiste. Salut Mika. Ça va Jean-Baptiste? Salut Jean-Baptiste. Ouais, ça va. T'es en forme ou quoi? Bah ouais, grave, je passe à la radio donc je suis en forme hein. Eh bah t'as vu, hein, tant mieux. Bon, ouais. Jean-Baptiste de Nîmes, toi tu voulais réagir par rapport au dodo, donc je voulais savoir comment est-ce que tu dormais avec ta meuf. Plutôt à chacun de son côté, plutôt collé l'un contre l'autre, en cuillère, donc l'un dans le même sens que l'autre mais collé, dos à dos ou au contraire face à face? Bah moi en cuillère mais très très collé. Très très collé en cuillère. Ah. Parce que si je me colle pas, elle va croire que je la désire pas. Ah ouais, mais c'est en fait vous c'est imbriqué l'un dans l'autre quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, mais c'est vrai. C'est des Rubik's Cube. Eh, c'est pas parce que tu la désires pas, il y a des moments où t'as peut-être envie aussi de dormir. Enfin, tu vois, c'est pas parce qu'on est. Enfin, moi je pars de ce principe là. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on est obligé de dormir collé, ouais, imbriqué l'un dans l'autre. Mais ouais, mais elle comprend pas, donc je suis obligé de me coller à elle et. Oh là là là. Ouais, sinon après elle dit que tu l'aimes pas. Oh ouais, putain, moi ça fait chier hein. Oh là là, si à chaque fois, non, mais après tu peux le faire évidemment de temps en temps, mais si à chaque fois tu veux le faire, vous êtes une tanasse. Je viens de dormir collé, mais au bout d'un moment. Ah oui, mais c'est ça, mais attends, mais il y a un moment où faut l'expliquer. Déjà, il fait chaud, et puis même, si tu veux, tu sais, il y a des moments où t'as envie de pouvoir te retourner, t'as envie de pouvoir faire. Tu ah ouais, ah ouais, moi je peux pas. J'aime bien prendre la place dans mon lit, du coup. Bah oui. Moi, si je peux pas me retourner, ça me saoule vite. Ouais, c'est vrai. Bah oui. Bon, attends, il y a Jason également qui est avec nous là de Dordogne. Salut Jason. Salut Mika. Ça va? Ouais, toi? Bah très bien. Alors Jason, toi tu voulais aussi donner ton avis, tu dors comment toi avec ta meuf? On n'a pas eu de filles tiens qui ont réagi, c'est bizarre, autant elles ont réagi sur les seins, ça c'est clair. Mais là-dessus, moyen, donc je sais pas comment vous dormez les filles avec votre copain là, et qu'est-ce que vous préférez hein? Appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Alors tu dors comment toi Jason? En 6-9. C'est-à-dire, donc tu dors, t'as la tête en haut et elle la tête en bas? Ouais. C'est particulier quand même d'avoir les pieds dans la gueule. Hein. Oui, c'est bizarre quand même là. Ah, ça le pue des pieds, ça va être tendu. Ah ouais, grave. Ah ouais, ouais. Ah, et puis Mickaël qui adore les pieds, il va kiffer dormir comme ça. Moi je pourrais pas, hors de question. Ah non, hors de question. Bien, déjà que j'aime pas la position du 69 parce que j'aime pas me faire sucer à l'envers. Mais oui, la fameuse théorie. C'est pas une théorie, c'est comme ça, j'aime pas. Oui. Mais alors dormir avec les pieds dans la gueule de l'autre et inversement, bof quoi. Non, elle a pas les pieds, elle a la queue. Ouais, ou alors elle est très petite alors, hein, ou t'es très grand, ou les deux. Non. Ah oui, je suis très grand, je fais 1m95 donc... Ah oui, d'accord, ok. Et elle fait 1m20 donc... Elle fait 1m65. Oui, ça va. Ça va. Ouais, bon, alors tu t'emballes un peu, donc toi t'es au niveau de ses seins et elle au niveau de ta bite alors. Oui. D'accord, bah vu comme ça alors. Bah pourquoi pas, qui c'est qui a lancé ce nouveau délire? Ah, c'est elle. Ah c'est elle. Bon bah écoute. Ouais mais c'est pas mal, c'est le matin, il se réveille, petit 69, hop. Oui, et oui, puis après, oui. Il parle, oui, pourquoi pas. Eh ben merci Jason et merci Jean-Baptiste d'avoir appelé. Hein. Bah ça fait plaisir aussi. Et vous revenez quand vous voulez tous les deux. Salut à vous, à bientôt. Okay. Ciao. Allez bye. Ciao. Et il y a Anne-Lou également qui est avec nous pour finir. Salut Anne-Lou. Salut. Salut, comment ça va? Ça va. Bon très bien. Qu'est-ce qui t'amène Anne-Lou? Sois le bienvenu. J'ai un problème, c'est que mon cousin il parle à une statue, c'est un gros schizophrène. Quoi? Ton cousin parle à une statue? C'est pas mal voilà. Ça. Ah oui. Il lui parle comme si elle existait vraiment en fait. Bah peut-être que pour lui elle existe, c'est son ami. Oui, ouais. C'est bizarre. C'est l'ami imaginaire. Ouais, mais c'est quelle statue? Une statue de la Sainte Marie. Ah ouais, mais c'est pas pareil, c'est parce que il lui parle. Oui, bah, voilà. Oui. Oui, il est croyant et il lui parle. Non, il est pas croyant. Il lui parle vraiment par pensée. Ah, peut-être que c'est vrai, hein. Je sais pas. Tu sais pas? Peut-être un truc paranormal. Peut-être. On va savoir. Mais qu'est-ce qu'il parle de quoi? Tu lui as déjà demandé? Il dit qu'il lui confie des choses qu'il parle à personne. Ah, oui, forcément, c'est pas facile de vérifier du coup s'il ne dit rien à personne, évidemment. C'est, ouais. Allez, ça, c'est compliqué. Mais. Écoute, pourquoi pas? Tu lui as déjà dit? En même temps, il fait ce qu'il veut, hein. Je lui ai dit que c'était un schizophrène. Mais non, mais attends, mais il peut simplement... Non, il se confie, peut-être qu'il n'y a personne. Peut-être qu'il se confie, ouais, c'est ça, ouais. Après, voilà, hein, tu sais, tu peux... Parfois, tu parles... Moi, ça m'arrive, parfois, je parle tout seul, tu vois, je parle à moi-même. C'est non, mais ça m'arrive. Ouais. Quand je fais une connerie, en disant, mais putain, qu'est-ce que t'es con, ou tu sais... Ou parfois, on se parle avec Polo, mais par la pensée, en disant, putain, mais qu'est-ce qu'il est con, Tof, ouais. Et on se comprend, tu vois, sans s'exprimer, sans parler, hein. Ouais, c'est notre point de ralliement, Tof. Voilà, c'est ça, tu vois, on se le dit et puis ça passe tout seul. Non, écoute, tu dois pas te prendre la tête, t'inquiète, mais t'en as pas peur, toi, tu t'en fous. Ah bah non. Bon, bah c'est le principal, c'est très bien. Bon, bah écoute, t'inquiète pas, nous, y a pas de soucis. Mais t'as un garçon ou une fille, nous? Une fille, merci. Ah, t'as une fille, non, mais parce que je pensais que t'étais un garçon qui n'avait pas mué, mais en fait, t'es une fille, tout simplement. En fait, je suis dans la Drôme et qu'il y a les manèges, alors je vais faire les manèges et la voix complètement cassée. Ah, voilà, d'accord, ok, très bien, ceci explique cela. Bon, bah très bien, vous avez merci. Une petite dédie? Eh ben, écoute, vas-y alors, hein, hop là. Une petite dédie à mes deux sœurs, Bénédicte et Mélissa, je vous aime fort. Très bien, eh ben, on les embrasse aussi. Salut à merci, toi, nous. Au revoir. Gros bisous, ciao. Polo contre le reste du monde va arriver dans quelques minutes sur Fun Radio. Mais avant ça, je vous l'avais promis tout à l'heure. Eh bien, on se fait péter le son de Duck Diamond maintenant sur Fun Radio avec I Got You. 23h57, dernière ligne droite, c'est Mickaël No Limit, 20h minuit toute la semaine. Pendant que le Doc sauve des vies, que Karima sirote des cocktails à Miami et que Karel se repose en Normandie, Mickaël est là. Mickaël. 20h minuit, Mickaël No Limit sur Fun Radio. Et c'est comme ça toute la semaine, il est minuit sur Fun Radio pour le contrôle reste du monde dans quelques secondes. Mais avant cela, évidemment, les teubés de la télé, comme chaque soir à minuit. Hein. Et si vous êtes malade, eh bien en Roumanie, ils ont la solution radicale. Non, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Ça, c'est le meilleur remède qui soit. Des larmes. Quelle que soit la maladie dont tu souffres, tu bois un verre de cet alcool à 60 degrés et ça tue tous les microbes de ton organisme. Plus besoin de médicaments ni de médecins. Évidemment, oui, évidemment. Mais ça se saurait si ça marchait vraiment. Hein. Ça peut nettoyer un petit coup, cela dit, je dis pas. Dans le karaoké de Nagui, n'oubliez pas les paroles, on a un très très très grand chanteur, Graine de Star. Ah oui, c'est violent hein, quand même, hein. C'est assez surprenant. Et puis pendant ce temps-là, dans les anges de la télé-réalité, évidemment, ça s'engueule. Truc de ouf, comme tu dis ma petite. Non mais tu me touches pas déjà, avec ta main là, tu me touches pas. Ah, il se passe des trucs, hein, je peux vous le dire, moi. Bon, allez, retour des teubés de la télé demain. Si vous tombez sur un extrait d'émission qui vous a fait marrer ou un truc improbable, n'hésitez pas, bien entendu, à nous communiquer l'info hein, sur le mail mikael@funradio.fr. Bon, Polo Against the Rest of the World, cette émission d'écoute, d'amitié, cette émission de générosité, d'amour. Cette émission paternelle, maternelle, tout est là. Ouais, tout est dit. Voilà, exactement. C'est parti, on y va. Allez. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde, vous êtes sur Fun Radio. On commence tout de suite et je tiens à vous préciser que tous les soirs, grâce à vous, on est numéro 1 et ça, ça fait plaisir. Gagui, je t'écoute. Comment ça va, Polo? Ça va et toi? Ouais, bien. Bon, bah super. Christopher. Hop, il a des problèmes, il a un peu d'asthme. Il va se soigner, il revient juste après. Le psychologue. Bonsoir Monsieur Polo. Bonsoir. Voilà, donc j'aimerais éclaircir une affaire avec vous plus vite. Je vous écoute, oui. Donc j'ai reçu du courrier ce matin et j'aimerais vous le lire encore une fois. Ouais, je t'écoute. Allez-y Monsieur le psychologue. Je vous même écoute. Le lundi de Pâques, on m'a envoyé du courrier. Vous imaginez? Ouais, c'est extraordinaire. Monsieur, ouais. Monsieur Jean-Pierre, le psychologue, je t'emmerde, ta famille, je t'emmerde. Vous comprenez ou pas? Oui, je comprends, ouais. C'est horrible, c'est signé Polo. Ah, donc bah non, c'est vous, c'est certain. C'est non, signé. C'est sûr que c'est pas moi. Johan. Oui. On t'écoute. C'est Johan de l'armée des Doux, on a envahi quel pays? La Chine, commence à t'organiser. Waïd. Oui, quel est l'animal préféré de la femme? L'animal préféré, la chatte? Ouais. Et ben là, Wade. Oui. Fous-moi le camp. Vince ou Vince? Ouais. Ouais, je t'écoute. Ouais, tu sais c'est qui les meilleurs? Non. Bah c'est les Bretons. Ah bah c'est génial. Marvin, de retour. Ouais, comment tu vas, Polo? Bien et toi? Rappelle-nous un peu le contexte de ton histoire, Marvin. Donc moi ça fait un mois que j'appelle pour le Polo contre le reste du monde. Ça, tu appelles tous les soirs? Oui, c'est ça, non, mais j'appelle tous les soirs et ça fait un moment que tu me dis de revenir demain. D'accord. Donc à chaque fois, tous les jours, tu me dis de revenir le lendemain. Voilà. Et si j'avais pas de blague, d'une meilleure blague qui fait vraiment bien rire, ouais. J'étais banni à vie de ton émission. Voilà, et pourquoi je fais ça? Parce que je... T'aimes bien. Voilà. Et alors, Marvin? Oui. Ça, tout va bien? Tout va bien. Bon, alors tu vas attendre un peu. Nicolas, le retour. Ouais, alors, que tient un rouleau de PQ déguisé en Dark Vador? Je sais pas. Je suis ton père. Oh là là. Et Nicolas? Oui. C'est très moyen. Trouve-en une autre plus drôle, ok? On retourne. On te retrouve juste après. Gagik? Ouais, Polo, je peux faire la dédicace que je devais faire hier. Mais non, casse-toi. Christopher? Nous, les mini-pouces. Bon, hey, Christopher, fous-moi le camp. J'ai pas que ça à faire. Le psychologue? Oui, Monsieur Polo, on recommence. Allez. J'ai reçu un nouveau mail à l'instant. Oui. Donc, je vais me faire le plaisir de vous le lire à l'antenne. Bah, je t'écoute. Monsieur le psychologue, vous passez sur Polo contre le reste du monde, donc je t'emmerde. Il faut arrêter les conneries, là. D'accord. Johan, de retour. Pourquoi ton fil est moche? Ça te regarde pas. Waïd? Oui, tu connais Candy Crush Saga? Non. Bah, il serait temps que tu le télécharges, hein. Waïd, pour qui tu te prends, Waïd, avec ta petite voix fluette? Non, mais parce qu'en d'enfant fait, d'enfant 10 ans. Waïd, pour qui tu te prends? Hein? Bah... Allez, fous le camp. Vince? Ouais, c'est David Bowie et Lady Di qui ont deux fils, comment ils s'appellent? Je sais pas. C'est Ken et Al, parce que Bowie Ken et Al Indy. Attends, tu peux répéter parce que moi je l'ai pas comprise en fait. Enfin, j'ai pas que j'ai pas compris. David pas... Bowie et Lady Di ont deux fils, comment s'appellent-ils? Je sais pas. Ken et Alain, parce que Bowie, Ken et Alain dit, tu peux rentrer chez toi. Ouais, toi, c'est surtout toi qui va rentrer, dégage d'ici, je te raccroche au nez. Marvin! Ouais, hier j'ai dit que j'imitais bien l'accent corse. Ouais. Ouais, tu mets une démonstration ou pas? Vas-y, attention, hey, je vais te laisser une chance, Marvin. Si t'es pas bon, je te raccroche directement au nez, vas-y. Non, bah, je préfère pas alors. Alors ferme ta gueule. Nicolas! Ouais, tu connais l'histoire de la porte? Non. Moi j'ouvre la porte et toi tu la fermes. Ah super, merci. Allez, on va terminer ce polo contre le reste du monde avec Gagui. Gagui, je t'écoute. Polo, quel est l'animal le plus heureux au monde? Je sais pas. Bah c'est l'homard, même mort, hein, tout le monde le suce. Oh là là, mais putain, mais c'est pas possible. Eh, c'est pas un c'est pas le festival de la vanne ici, hein. Donc gardez ça pour vous, le psychologue, conclusion, on y va. Donc je vais vous envoyer une lettre, monsieur Polo, vous savez ce que je vais écrire dessus? Non, je t'écoute. Oh, je te brise les os mon gars, je t'encule au passage. Ok, super, dégage, Johan, conclusion, vite. À ton avis, qui est le plus con de la radio? C'est toi. Waïd, conclusion. Ouais, 4 fois 10 fois 10 plus 10 divisé par 10 multiplié par 10 moins 10. Vas-y, réponse. 0. Super. Allez, Marvin, conclusion. Tu reviens demain, ouais. Marvin. Mais non. Si, si. Tu connais le blague de la porte? Non, ça te regarde, je ne veux pas la savoir. Nicolas, on conclut, s'il te plaît. Je peux avoir un pas de fun? Non, allez, ainsi se termine ce polo contre le reste du monde. Merci à ceux qui l'ont écouté et merci surtout à ceux qui n'écoutent pas, car grâce à c'est vous tous les soirs, je suis numéro 1. Exactement. Et ça, c'est beau. Et 15, ça, c'est beau. 16 millions de... Oui, de fans sur le Facebook, ouais, également, effectivement. Allez-y, n'hésitez pas. Majoritairement du Ghana. Je vous remercie. Voilà, ça majoritairement du Ghana, de Nouvelle-Guinée également. Ouais. Ouais. Voilà, exactement. D'Argentine. C'est également, ça. Il y en a beaucoup. Et puis également de Thaïlande et de Turquie aussi. C'est donc ça, voilà, ouais. On les salue, tous ces auditeurs qui nous écoutent. Ces millions d'auditeurs qui nous écoutent là-bas. Ouais. Merci, c'est cool. Ouais. Voilà, bon, bah, merci Polo. Merci, bah, merci à toi. Bah, écoute, avec grand plaisir. C'est bien, c'est toujours un grand plaisir. Bon, on va se faire le top tweetos maintenant. Là, on va enfin savoir qui va repartir avec ce magnifique sextoy offert par passagedudésir.fr. Allez, je rappelle qu'il fallait envoyer un maximum de messages avec le hashtag Mickaël 20h minuit. On fera pareil demain, on fera pareil après-demain. Et normalement, demain, on devrait pouvoir offrir des sous-vêtements Playboy. Mmh. Eh oui, je rappelle qu'ils sont passés nous voir hier et que vous avez, vous pouvez encore d'ailleurs aller voir la vidéo de leur passage hier en mode sexy, forcément, c'est Playboy. Et puis surtout en mode dégueulasse avec Tof au milieu, hein. Vous allez pouvoir voir ça. Pourquoi tu dis ça. En mode chaussette et en. Bah, c'est le problème, c'est qu'en fait, il a pourri la marque Playboy en mettant le boxer. Hein. Mais pas du tout. Ah si, il a complètement pourri la marque Playboy. C'est une honte même. C'est plus qu'une honte. Bon, mais bref. Non. Donc la vidéo, allez voir, tapez Mickaël officiel sur la chaîne YouTube ou sur le Facebook. Là aussi, vous tapez Mickaël officiel. Rejoignez-nous et partagez la vidéo, je compte sur vous. Et attention, interdiction totale au moins de 18 ans, ça peut être dangereux. Bon, numéro 5 du top tweetos, qui est-il? Alors, Félicia. Eh ben c'est elle, numéro 4. La bouteille du 19. Numéro 3. Nadia Le Prince. Numéro 2. Lilou. Et numéro 1. Fan de Fun. Eh ben voilà, Fan de Fun qui a gagné hier, me semble-t-il, non? Il me semble. Eh ben c'est Lilou, donc alias Orange Mécanique. Oui. Voilà, qui n'a pas encore gagné, je crois. Donc, bah, mais très elle a bien. Déjà gagné, je crois. Oh, non. Pas sûr. C'est pas sûr, on va vérifier. Vérifier. Bon, bah, Lilou, sauf si tu as déjà gagné, tu repars avec le sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà. Bon, et on remettra le couvert, évidemment, demain, bien entendu, à partir de 20h. Car oui, on est de retour demain, à partir de 20h. Ce sera mercredi. On ira faire un petit tour du côté du Je t'emmerde. On aura le karaopé également. Pour ceux qui connaissent pas, parce que d'habitude, on fait ça la nuit, vers 1h du mat. Là, on le fera beaucoup plus tôt. Vous allez voir, le karaopé, ça va être bien. Oui. Ça va être très très bien. Ça va être pétant. Faut que je le fasse. Ouais, ça vaut que je le fasse découvrir à Miko, c'est tiens. Ah oui. Miko. Attends, vas-y, fais voir si en tant que grand DJ il les reconnaît. Évidemment. Alors attends. Donc attends, faut que j'en cherche un. Plutôt. Bah on va faire des morceaux que tu passes toi, Miko. Allez, vas-y. Alors attends, on va voir si tu te reconnais. Hein. Celui-là était pas mal. Ouais, il est pas mal. Un show tech? Oui! Ouais. Hey, comme quoi il gère. Attends, je veux un deuxième pour être sûr que ce soit pas c'est genre le coup de bol. Le coup de bol, parce que ça peut arriver, le coup de bol. Alors, attends, on va te mettre. Qu'est-ce qu'on peut essayer? Un truc que tu passes, histoire que tu connaisses quand même, hein, sinon après il va nous dire. Oui, ouais, mais c'est des pas vieux ça. Trucs, je passe pas ça, parce que cette musique de merde, etc. etc. Alors. Oh, écoute, après tu aurais le droit, c'est pas ça, hein. Attends. Putain, faut que j'en. Je me rends compte qu'on a mis beaucoup de morceaux merdiques en fait. Ah, voilà. Ah. Attends, parce que là, j'ai failli te mettre la version originale comme un con, là. Voilà, c'est parti. Oh, facile. C'est un rapide, lui. Hein. Ah, il est rapide, lui. Bah, il pète bien, lui. Aucune idée. Aucune idée. Allez, je le remets. On dirait une vieille tondeuse à gazon, là. Ouais. Tu vois pas du tout, non. Ah bah, c'est ça. Wow. Alors, maintenant que t'as entendu celle-là, tu vas voir que celle-là va passer crème. Oui, certes. DB Sound. Ouais, ouais, il est passé. Mais je le joue pas dans Party Fun. Non, étonnant, tiens. Bon, bah, du coup, on fera ça demain, le karaopé. Hein, le karaopé, on met ça demain à partir de 20h. On sera là, en pleine forme, donc. Et puis, on va se quitter avec le générique de fin, surtout. Allez, c'est parti, générique de fin. Prêt, Polo? Ouais, allez. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, taf te sucer, toi l'enculé. T'encules ton nom, qui est vraiment personne qui comme toi. Merde, toi l'enculé. Car c'est toi qu'encule ton nom, que t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir, car t'encules ton nom toute la journée. Je jure devant Dieu que je te donne face à toi, je t'encule toi et toute ta famille. Va niquer ta maman, la putain. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Parce que des imbéciles comme ça, sur Terre, croyez-moi, on devrait tous les éliminer. Eh oui, ils sont canadiens. Fais ta vie, va voir ta mère, va voir ta soeur, va voir tes parents. Mais viens plus me péter les couilles. Ah, l'enculé, toi, l'enculé, toi, l'enculé. Allez. Ferme ta gueule de merde, toi, l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi, l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Toi, ton oncle, c'est l'enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Voilà, en toute simplicité. Bon bah demain 20h, on sera là en pleine forme évidemment sur Fun Radio. Et puis bon courage à tous ceux qui reprennent les cours demain. Hein. Ouais. Ah oui, parce qu'il y en a en Belgique par exemple qui reprennent les cours, les autres il y en a encore qui sont en vacances. Et puis il y en a encore qui sont pas encore en vacances. Rassurez-vous, ça va très bien se passer. Pendant que le doc sauve des vies, que Karima sirote des cocktails à Miami et que Karel se repose en Normandie. Michael est là. Michael. 20h minuit, Michael Nolimi sur Fun Radio. Eh oui. Exactement, et c'est Miko C qui va débarquer là. Forme. Bah oui, avant les vacances de Michael. Eh ben exactement, profite. Exactement. Bah oui, bien sûr, on va partir aussi, hein. Oh là là, de temps en temps là. Il faut bien un peu partir. Sauf qu'il va d'ailleurs partir dans un endroit très sexy. Ah, attends, archi glamour. Je pense que c'est le top du VIP au niveau des vacances. Ah, je sais, tu pars chez passagedudésir.fr. Ouais. et ben, je pense qu'à la limite, ça aurait été un peu plus excitant. Bon, attends, il va chez maman refaire le linge. Voilà, et manger, je vais m'empiffrer pendant une semaine. Voilà, il va revenir tout le régime qu'il a fait là maintenant, niqué. Je vais revenir gros et gras. Non, mais t'as rien perdu, de toute manière. Ah, si, j'ai perdu 3 cm de tour. Hein. Ouais, pas mal hein, quand même, comme quoi tout arrive. Hein. Bon, Miko, c'est donc pour Party Fun. Exactement, Party Fun avec le DJ marseillais Cédric Gervais qui a remixé Lana Del Rey, qui a remixé Miley Cyrus, qui prend les commandes de Party Fun jusqu'à 2h15. Très bien. Voilà. Oh, tu pourras aller jusqu'à 6h, hein, putain. On va faire un effort. Si on déborde comme ça, on est bien parti. Genre un quart d'heure. Bon, très bien, allez, Party Fun jusqu'à 2h15 du coup. Oui. Et puis à 6h tout à l'heure, il y aura Jay qui vous réveillera pendant les vacances de Bruno, évidemment. Bruno qui reviendra lui en pleine forme à partir de lundi, tout comme Loving Fun d'ailleurs. Lundi à partir de 20h, ils seront de retour. Mais on a encore le temps de foutre un peu le bordel demain et après-demain, entre autres. Bon, Party Fun, c'est parti. Allez, quand vous voulez. Allez, à demain 20h tout le monde. Ciao. Salut.